C'est Radio Debout. C'est Radio Debout. Ok. C'est assez hallucinant de voir autant de gens qui se connaissent pas et qui arrivent à jouer sur la même partition. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont chacun de leur côté et qu'ils vont se réunir. Et j'ose à peine imaginer ce que ça peut donner quand ils seront tous ensemble. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire là ? On est en train de se préparer pour jouer la 9e symphonie de Dvorak, qui s'appelle Symphonie du Nouveau Monde. Bah moi, je viens juste d'arriver. Ils ont déjà répété apparemment. Donc ça se passe un petit peu... En fait, qui veut venir, vient. Il y a un chef d'orchestre qui était déjà prévu. Et tous les musiciens amateurs qui veulent venir, voire pro, il y en a peut-être, je sais pas encore. Il y a combien de musiciens là, à peu près, à vue d'œil ? Selon le Doodle, il y avait 340 musiciens. 340 musiciens ? Alors, 340 sont venus. 340 inscrits en tout cas. Donc et vous jouez... Contrebasse. Contrebasse. Ouais. Vous avez déjà joué sur la place de la République ? Non, jamais. C'est la première fois. Donc vous aussi, vous êtes contrebassiste, hein ? Oui, absolument. Voilà. Et vous avez répondu au quart de tour pour venir jouer ? Ah bah carrément. Ça se refuse pas. Et donc, allez, encore une contrebasse qui arrive. On est quoi ? On doit être 15 contrebasses ? Ça fait du monde quand même. C'est censé y avoir un équilibre, mais après, là, on fait comme on peut. Ça va se trouver, ouais, on va le trouver. Faut aussi faire confiance à l'instinct. Le coup d'envoi, c'est prévu pour quelle heure ? 22h, je pense. 22h. Je pense qu'on va se lancer à 22h. Ah, de ma vie, ouais, j'ai jamais joué devant autant de monde. Voilà, c'est l'événement de ma vie, peut-être. Et c'est quoi qui vous a donné envie de venir ici ce soir ? C'est la musique, surtout de s'exprimer en musique. C'est vrai que j'étais pas venue aux autres, mais parce que j'ai peur de la foule habituellement. Mais là, je me suis dit, parler en musique, ça veut dire beaucoup. Et vous allez jouer quoi ce soir ? La Symphonie du Nouveau Monde, Dvorak. Bah, je vous laisse vous installer. Merci. Vous venez d'arriver ? Ouais, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir jouer ce soir ? Ouais, surtout l'idée de faire un morceau de musique comme ça, de grande ampleur, pour rassembler tout le monde autour de la musique classique, et c'est une belle œuvre. Je suis pas vraiment là pour le côté politique, hein. C'est la première fois que je viens à Place de la République pour les Nuits Debout. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça en fait. Donc c'est la l'aventure puis la curiosité qui vous a poussé à venir ce soir ? Ouais, carrément. Un peu de hasard aussi. Mais voilà, ça me fait découvrir de nouvelles choses. Non, je ne peux pas faire ça ici, là. Je suis pas dans mon monde, vraiment. Je suis pas dans mon élément, là. Je suis un touriste, en fait. C'est une occasion pour moi de m'immiscer dans un monde qui n'est pas le mien. C'est quoi votre monde ? Moi, c'est le jazz. Le jazz, ouais. Tu veux des notes ? Ouais, pour Radio Debout, ouais. Pour Radio quoi ? Radio Debout, la radio qui s'est montée sur la place de la République. Cool. Et du coup, t'es debout forcément. Enfin, et du coup, je suis debout, t'as pas trop le choix, quoi. C'est ça. Radio En Marche. Voilà, voilà. Vous pouvez bien repérer tous les musiciens. Est-ce que tout le monde peut s'asseoir, s'il vous plaît ? Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Enfin, après, je sais pas pour toi, parce qu'on se connaît pas. C'est ça aussi qui est bien. Mais moi, je viens quasi tous les soirs déjà à la Nuit Debout. Donc maintenant, je m'investis un petit peu. Et puis après, viendra le moment où je m'inscrirai dans une commission aussi. Et vous ? Moi, je viens pas tous les soirs, mais je suis déjà venue. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit... c'est l'occasion de participer parce que je suis pas trop faire autre chose. Enfin, je suis plus dans aucun orchestre aujourd'hui. Et ça me manque justement ce truc collectif de... Je trouve que l'orchestre, c'est une vraie entente entre tout le monde parce que tout le monde doit s'écouter. Et c'est une... Non, là, c'est quand même un challenge, on arrive, on connaît pas les gens, pour certains, on connaît pas le morceau et on fait un concert ce soir. C'est quand même génial. Bon, on va écouter ça. On lève la main d'orchestre. La Symphonie du Nouveau Monde a envahi la place de la République dans la nuit. Radio Debout, de retour en direct. Notre studio radio de bout de ficelle, depuis le 37 mars, est installé sous les bâches, monté et remonté comme tous les jours par les marins de la place. Et ce soir, une soirée largement dédiée aux médias libres. Il n'y aura effectivement pas Libération, il n'y aura pas Le Monde, il n'y aura pas L'Humanité, il n'y aura pas Radio France, enfin pas officiellement, il n'y aura que des médias libres et indépendants, comme les Radio Debout. Radio Debout, c'est un groupe autonome et libre qui s'est monté ici. C'est même pas la radio officielle de la Nuit Debout, c'est juste un groupe de gens qui font de la radio, qui un jour ont posé une table à la Nuit Debout et qui font de la radio debout, autour de la Nuit Debout. Et c'est une radio qui a aussi son propre site internet à elle, maintenant c'est radiodebout.net. Et alors, pour ce soir et pour vous faire rêver avec toute la presse alternative, on aura Pêle-Mêle, Quartier 21, Lundi Matin, Revue Z, Acrimed, Le Bulletin de la Place, Fumigène et CQFD. Ai-je envie de conclure ? Radio Debout, nous sommes le 52 mars et aujourd'hui nous sommes rediffusés en Bretagne à Augan, en Brocéliande, sur Timbre FM 107.6. Et pour commencer, comme d'habitude, on file à quelques dizaines de mètres de notre petit studio de fortune. On va écouter un petit peu ce qui se passe dans l'Assemblée populaire de la Place de la République. Installé avec un chapiteau. Maintenant, on sait très bien que ça va durer. Alors, on est avec vous jusqu'au bout, debout, malgré qu'on est assis, mais on est debout. Alors, j'ai juste un mot à dire par rapport aux forces de l'ordre. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont gardiens de la paix, avant tout, parce que ce mot-là, on ne l'écoute plus. Même aux infos, quand on parle force et l'ordre. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont gardiens de la paix. Ici, c'est un mouvement pacifiste. Malgré qu'il y a quelques casseurs, peut-être qui rentrent dans ce mouvement-là pour le casser. Mais c'est des gens ici, on a le droit de revendiquer, on a le droit d'être contre des lois, d'accord ? Aujourd'hui, nous, en tant que taxi, ce combat, il est le nôtre. Et notre combat, il est le vôtre. Parce que si on est contre l'ubérisation, si on est contre ce système, aujourd'hui, on peut, je ne sais pas, dans 2 jours, 3 jours, nous déloger d'ici. Mais la seule chose qu'il faut, c'est une révolution ici. On doit savoir consommer. On doit savoir consommer. On doit consommer responsable. Parce que si on est contre les multinationales, je l'ai dit même l'autre jour, mais je le répète, on ne doit pas les engraisser. Parce que c'est nous qui leur donnons la force. D'accord ? Au début, ils nous attirent avec leurs prix, avec leurs services et tout. Mais une fois qu'on dépend d'eux, c'est fini après. Alors, juste à rappeler que les taxis, ils ont été là pendant la Première Guerre mondiale, c'est les taxis de la Marne. Pendant les attentats ici, c'est les taxis parisiens qui ont transporté des gens gratuits, d'accord ? Les médias n'en parlent pas trop sur Twitter, sur le réseau, oui, mais les médias, ils n'en parlent pas. Moi, je suis passé sur des médias tchèques, hein, deux jours après l'attentat, aux infos de 20h. C'est les médias tchèques qui se sont intéressés à notre mouvement. Par contre, les médias français, ils ne font que casser sur le taxi. Le taxi qui n'est pas bien, le taxi qui est sale, le taxi qui casse. Qu'on arrête avec ça, parce que le taxi, il paye les charges de votre sécu. Le taxi, il est là pour payer des charges pour la sécu, pour le chômage, pour le RSA. Mais quand vous prenez d'autres compagnies, sachez qu'ils sont tous pour l'évasion fiscale. S'il vous plaît, soyons intelligents et consommons responsables. Merci beaucoup et on est là samedi soir, on va être nombreux ici, alors on attend votre accueil. Merci. Merci beaucoup. Yip, yip, yip. J'appelle donc la commission Palestine Debout et David peut se préparer à venir parler. On préférerait des filles, on a un vrai déficit là, en ce moment. Bonsoir. Nuit Debout est issue du mouvement social du refus de la loi travail. C'est donc un mouvement politique anticapitaliste. Il se doit d'être antisexiste, antiraciste et anticolonialiste. Nous rappelons que lutter pour les droits du peuple palestinien, c'est soutenir la lutte du colonisé face au colonisateur. Ça fait 70 ans que le peuple palestinien est opprimé, martyrisé, spolié et colonisé par le régime israélien, qui violent le droit international tous les jours. Ces crimes ne sont possibles que parce qu'Israël bénéficie du soutien de la plupart des gouvernements occidentaux, notamment du gouvernement français. Les sociétés civiles sont donc les seules à même de pouvoir changer les choses. La solution est entre nos mains. Depuis 2005, à l'appel de la société civile palestinienne, la campagne BDS pour boycott, désinvestissement et sanctions se développe un peu partout dans le monde. C'est une campagne internationale, citoyenne, pacifiste et non violente, qui s'inspire de la lutte contre l'apartheid sud-africain. Les trois axes de BDS sont les suivants. Premièrement, fin de la colonisation de la Cisjordanie et du blocus de Gaza. Deuxièmement, fin de l'apartheid imposé aux Palestiniens dans les zones sous contrôle israélien. Et troisièmement, application du droit au retour pour les réfugiés palestiniens. C'est parce que la campagne BDS remporte de nombreuses victoires et qu'elle prend de l'ampleur qu'elle commence sérieusement à inquiéter le gouvernement israélien. En conséquence, des moyens importants sont mis au service d'une propagande mensongère qui confond sciemment la condamnation du sionisme avec le racisme antisémite. Mais c'est faux. L'un des principes fondateurs de BDS est justement le refus de toute forme de racisme, dont l'antisémitisme. Cette campagne, qui existe un peu partout dans le monde, est criminalisée en France, où des militants sont poursuivis en justice et où l'appel au boycott fait l'objet de tentatives d'interdiction. La lutte pour la Palestine est pourtant centrale dans la convergence des luttes parce qu'il s'agit d'une lutte pour la solidarité internationale, contre le racisme, contre le colonialisme et pour la liberté d'expression. Donc la campagne BDS est une vague, elle ne s'arrêtera pas. Point technique. Et un petit point technique, on fait une réunion tout de suite là, derrière radio, la tribune. Radio, radio debout, en direct de la place de la République. Pendant que l'AG bat son plein, nous filons tout doucement vers la soirée média avec un petit mix médiatique. Ils dansent, ils chantent et ils sont debout. Plus d'un millier de personnes ont repris possession de la place de la République. Au programme de cette 12e nuit, des prises de parole et des assemblées générales. Les stands, les banderoles sont enlevés chaque matin. Mais ce n'est pas un problème, ils ont promis de tout réinstaller chaque soir. Et pour éviter tout débordement, c'est sous une forte présence policière que les manifestants ont passé leur 12e nuit debout. Ils sont plusieurs dizaines à battre le pavé. Une manifestation impromptue au beau milieu de la nuit, dans les beaux quartiers de Paris. Réunis comme chaque soir place de la République, les partisans de Nuit Debout décident de cheminer vers le quartier latin pour réclamer la libération de lycéens en garde à vue. On sent tous quelque chose ne va pas et on a envie de changement. Je voudrais qu'on écoute Étienne. Il a fait le 32-16 spontanément, il a 45 ans et il est policier. Mon cher Étienne, bonjour. Quand j'entends le représentant écologie et vert, je suis mort de rire. Hein, parce que, en fait, moi, j'ai eu l'honneur, malheureusement, d'aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bon, bah, c'est le même public. Hein. Vous avez après deux, trois bobos qui viennent là fumer leurs joints, parce que ça sent les joints en permanence. Hein, donc, moi, j'aime pas du tout ça. Ça m'accommode quand je suis autour en train de monter la garde sous la pluie. Et en fait, les gens qui veulent faire le plaisir à la République, c'est faire une ZAD, en fait. Vous voyez le mec des verts, là, il demande carrément des pissotières, puis après ça sera des tentes, puis après ça sera des machins, il y a des mecs qui vont monter des cabanes. Nuit debout, c'est l'auberge espagnole. Chacun vient avec son manger. Des néo-marxistes souhaitent la destruction du capitalisme, d'autres imaginent une démocratie par tirage au sort, les députés seraient choisis comme à la loterie. Nuit debout est un foutoir idéologique, mais ce mouvement traduit un ras-le-bol réel, des gens en ont marre. Sous prétexte de réinventer cette démocratie, une poignée d'agitateurs auxquels le pouvoir a abandonné un lieu public malgré l'état d'urgence occupe la place de la République. Soit dit en passant, la complaisance avec laquelle certains médias rendent compte de ce mouvement fait cruellement ressortir l'indigence des propositions qui en émanent. L'esprit 68, mise en bouteille, qu'on visite Métro République comme on va au Parc Astérix. La place de la République quadrillée par les forces de l'ordre. Des bâtiments dégradés et des trottoirs jonchés de bris de verre. Autant de stigmates des débordements en marge de la nuit debout qui marquent les Parisiens ce matin. C'est un peu embêtant pour la vie de tous les jours parce qu'on n'ose plus passer par ce quartier-là, forcément. Même lieu cette nuit vers 1h30. Des affrontements éclatent. Plusieurs dizaines de manifestants prennent à partie les policiers qui donnent l'assaut. L'ambiance est tendue. C'est un mouvement extrêmement minoritaire qui ne prend pas et puis qui balaie toutes les idées fausses, toutes ces idées du XXe siècle qui pourtant... Je crois que la gauche devrait comprendre qu'elles ont échoué partout, elles ont été appliquées, elles ont échoué. C'est pas cette vision du monde dont notre pays a besoin. Si vous, c'est-à-dire qu'il faudrait savoir, si vous pensez que c'est un mouvement ridicule, alors pourquoi dépensez-vous autant d'énergie pour le faire interdire ? Ici, Radio Debout. Petit retour d'horizon des titres nationaux et régionaux sur la Nuit debout. Si celle-ci a dans un premier temps été traitée au travers de son hétérogénéité, on lui a vite reproché son manque de cohérence. Le Monde, par exemple, ne voit pas le rapport, un peu comme Martoni, entre Commission éducation populaire et Commission France-Afrique. Mediapart renchérit en estimant que le mouvement est « ah bah non, c'était payant ». Bref, Nuit debout est maintenant tensée d'un manque de diversité. D'autres journaux, dont je vous laisse deviner l'obédience, ont au début tenté des articles de fond tels que « Le crépuscule des bobos » ou « Le laboratoire des illusions socialistes ». Cependant, il fallait un angle d'attaque clair pour traiter ce sujet hybride. La violence était donc le prisme rêvé. J'ai recensé pas loin de 14 articles pour le seul Figaro sur une vingtaine consacrés au sujet. Petit panel truculent. Nuit debout, de la place de la République à la place de la dictature. Nuit debout, ces humanistes qui insultent et menacent. Nuit debout, le fascisme des antifascistes. Violence, le préfet de police en appelle aux responsables de Nuit debout. Débordement en marche de Nuit debout. Dans les débats de Nuit debout, la violence en question. Importante dégradation à Paris en marge du rassemblement. Heurte à Paris en marge du mouvement. 5 gardes à vue en marge du... Pardon, ça me fait rire. Un mouvement hétéroclite de plus en plus incontrôlé. Voilà. D'autres lui ont rapidement emboîté le pas, mais cela ne suffit plus. La presse cherche désormais à lire dans les feuilles de thé. Heureusement, le site vraizodiac.com de Patrick Bourich nous donne l'explication. La raison d'être de ces mouvements pseudo-rebelles mollassons est due à la présence de Saturne en Scorpion et du cycle solaire viendra la clé du succès de la Révolution. Nous attendons donc le bon vouloir des astres. Ces explications n'ont pas l'air de satisfaire pleinement la presse, qui s'est jetée à corps perdu dans le Finkielkraut-gate, voyant là l'opportunité de sonner l'alali d'un phénomène peu compris. D'autres décident de prendre les choses plus sereinement, une certaine presse féminine par exemple, nous délivrant de jolies photos des sacs des participantes pour nous faire saisir l'ampleur de la chose. Et maintenant, me direz-vous ? Des unes sur un tigrou mal léché montrant son hostilité aux nuits deboutistes toulousains à coups de queue zébrée paraît manifestement la meilleure clé d'analyse. L'attente donc se prolonge. Les réunions boursières n'auront pas satisfaites les appétits des lecteurs en manque de repères. L'attente se prolonge et la nôtre aussi, celle d'un journalisme de fond et pas d'effet. À lire jusqu'à la lie toutes ces productions médiatiques, j'en suis arrivée à me dire qu'il vaut mieux un peu d'indépendant que beaucoup de tonitruants. Merci Manon pour cette revue de presse debout et on retourne tout de suite à quelques dizaines de mètres, l'Assemblée populaire de la place de la République. Il y a un an et demi, deux ans, quand j'ai commencé à essayer de répondre à des questions sociales, et en particulier pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi les riches sont toujours plus riches, pourquoi les pauvres sont toujours plus pauvres, et je trouvais que le marxisme était une grille de lecture qui avait la propriété d'être extrêmement cohérente et d'expliquer extrêmement bien le monde dans lequel on vit. Alors, bon, c'est quoi le marxisme, après tout ? Eh ben, Karl Marx nous dit les sociétés occidentales sont divisées en classes. Voilà. Bon, c'est pas une vision qui est complètement déconnante, parce que finalement, l'INSEE continue de penser comme ça, quoi. Ils appellent juste ça catégorie socio-professionnelle, mais l'idée est la même. Donc, les sociétés occidentales sont divisées en classes, et ces classes luttent les unes contre les autres pour l'appropriation du pouvoir économique. Alors, Karl Marx en avait... On avait isolé deux à l'époque. C'était la classe des capitalistes, ceux qui avaient du pognon, beaucoup de pognon, et qui pouvaient posséder des entreprises. Et la classe des prolétaires, ceux qui n'avaient que dalle, et qui n'avaient pas d'autre choix... Ok, on me laisse 20 secondes. Qui n'avaient pas d'autre choix que d'aller s'employer auprès du capital. Bon, bah, voilà, c'est une vision du monde qui est plutôt cohérente. Que je trouve plutôt cohérente. Et finalement, ce que Karl Marx disait, c'est bah, pour mettre fin à la lutte pour l'appropriation du pouvoir économique, il faut tout simplement abolir la propriété privée des entreprises. Alors, on a un truc en France. Alors, il y a une application politique directe à ça hein, que tout le monde connaît bien, ça s'appelle le communisme. Le communisme nous dit, pour mettre fin à la propriété privé des moyens de production, on nationalise tout, quoi. Les entreprises appartiennent toutes à l'État. Alors, il y a au moins, je fais vite, il y a au moins une autre application politique. L'autre application politique, c'est la propriété commune des moyens de production, c'est-à-dire les entreprises appartiennent à leurs salariés. Voilà. Donc, pour être propriétaire d'une entreprise, il faut en être salarié. Bon, ça, c'est vachement bien parce que ça permet de dire que le fonds de pension qui est au Delaware, là-bas, ne peut pas posséder une entreprise française. Voilà. Alors, cette forme juridique d'entreprise, elle existe déjà en France, ça s'appelle la SCOP. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire ce soir, ma conclusion, c'est ça. une des voies de sortie du capitalisme, ça pourrait être ça. On pourrait revoir le statut juridique des entreprises pour que les entreprises françaises deviennent des scopes. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci à toi. J'appelle donc David à se préparer. Attends, pas tout de suite parce qu'on a une annonce à faire, mais tu peux ne pas être pas loin. Et est-ce que Daniel, donc, qui voulait nous parler des mineurs isolés, et pouvait se rapprocher de l'estrade? Et je vais redire, s'il vous plaît, Alain Finkielkraut voulait se fondre incognito dans la foule. France 2. C'est une agora, mais effectivement. 17 avril. On sélectionne des gens. Hein. Ça, c'est génial comme agora. Mais lui. Il n'est pas le bienvenu. Y aurait-il donc des visiteurs indésirables à Nuit Debout? Parmi les participants aujourd'hui, la question fait débat. Radio Debout. Radio Debout. Alors toi, t'es qui? Adrien. Et tu fais partie? De la Sérénité. C'est un pôle qui est en lien avec l'infirmerie. Nous veillons à ce que tout se passe bien. De régler les conflits par la non-violence. Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de la venue de ce cher Alain Finkielkraut? Il est arrivé, il a écouté l'AG. Comme il disait rien, dérangeait personne, on l'a laissé faire, on n'allait pas l'expulser de la place non plus. Donc il est resté longtemps comme ça à écouter sans que personne s'occupe de lui en fait? Une petite heure. Et après, il a rencontré un groupe de jeunes hostiles à ses idées et ses opinions. Qui ont mené un bon groupe pour les virer. L'équipe de Sérénité est juste intervenue afin d'éviter que la foule traverse la rue, surtout pour éviter aussi qu'il se fasse lyncher. Si vraiment la foule avait voulu le lyncher, elle l'aurait lynché. La foule l'aurait fait. À vrai dire, on n'aurait pas servi. Enfin, on n'aurait pas. Vous n'êtes pas un service d'ordre avec des gros molosses qui empêchent non, mais une sorte de foule. On n'a pas empêché tout le monde de traverser, mais on en a empêché une bonne partie. On a. Bon, à vrai dire, ça n'aurait pas changé grand chose, mais bon. Ça servait à rien d'envenimer le truc, il avait traversé la rue. Voilà. Par contre, les médias, et notamment certains politiques qui usent de ce qui s'est passé pour décrédibiliser le mouvement, ça ne me surprend pas du tout. Je suis d'ailleurs surpris qu'en deux semaines, on n'en ait pas eu d'autres. Qui sont passés juste pour la provocation. Alors on verra bien ce qu'il en sera dans les semaines à venir. Petit retour sur le Finkielkraut qui a occupé les médias et la Nuit Debout. On a choisi de commencer cette thématique médiatique un petit peu avec ça parce que c'est un petit peu un truc symptomatique pour nos amis journalistes de la presse mainstream. Généralement, ils ne savent pas trop comment parler de la Nuit Debout. Alors ils en parlent peu ou alors ils en parlent mal et ils se jettent sur des non-événements. Bonsoir Pierre Mallaire. Henri Mallaire, pardon. Vous êtes, votre travail consiste à écouter, à scruter et à analyser la presse. Vous êtes un des membres de Acrimed, Action Critique Média. Qu'est-ce que vous avez écouté, scruté, analysé par rapport à ce Finkielkraut? D'abord, on a essayé de comprendre les faits. Simplement les faits, c'est-à-dire on a été obligé de faire un travail de journaliste alors que ce n'est pas exactement le nôtre. Tout simplement pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé a été vérifié de plusieurs façons, y compris pas dans un article de Libération qui contredit les leçons de morale que nous inflige Geoffrin. Finkielkraut a pu assister longuement à une assemblée générale. Au moment de partir, un certain nombre de personnes, peu nombreuses d'ailleurs, l'ont accompagné de quelques insultes et de quelques horions. Bon, on peut penser, mais c'est pas à moi de le dire, qu'il y a d'autres façons de marquer le dégoût que peut inspirer les propos, les prises de position, le mépris, la hargne dont fait preuve Alain Finkielkraut contre tous les mouvements sociaux, que en l'invectivant ou en l'insultant. Mais c'est très peu de choses. C'est aussi peu de choses que la chemise arrachée du cadre d'Air France il y a quelques semaines. Donc de ce presque rien, on a voulu faire tout. C'est-à-dire les chefferies éditoriales ont essayé de faire comprendre la vérité du mouvement dans son ensemble, du mouvement dont ils ne rendent pas compte par ailleurs, hein, Nuit Debout, à travers cet incident qu'on peut trouver plus ou moins fâcheux, mais qui est assez quelconque. Et puis alors tout le monde s'y est mis. Ouais, hein, c'est ça. Et surtout, ils se sont arrogés le droit de donner au mouvement des leçons sur ce qu'il doit être pour être conforme aux attentes de la médiacratie, ou de la droite officielle, ainsi que de la droite officieuse d'ailleurs, celle qu'on bâtit, Parti Socialiste encore, bien, et qui dit le mouvement doit, le mouvement ne peut pas, le mouvement doit faire ceci, le mouvement ne doit pas faire cela. Alors comparer quelques dizaines, je ne sais pas, peut-être deux dizaines de jeunes exaspérés à Pol Pot, à Mao, et même on a eu la troïka des philosophes est très au point, hein, je c'est dois ça, dire. Tu as des exemples un petit peu, parce oui. que les exemples parlent souvent d'eux-mêmes. Oh, ben on en a plein, mais enfin, on ne va pas embarrasser l'entête, ils s'y sont tous mis. Hein. On a eu droit à la leçon de Geoffrin. Donc Laurent Geoffrin, qui est patron de Libération. Patron de Libération, hein, qui met en garde contre une repolitisation sectaire. Alors voilà des gens qui occupent systématiquement les antennes et les colonnes de la presse écrite, qui éditorialise à tout va, qui squatte les médias systématiquement et qui d'ailleurs prive les journalistes qui voudraient travailler sur le terrain de toute possibilité de le faire. Bon, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des journalistes qui souhaiteraient enquêter, informer, savoir ce qui se passe en dehors de la place de la République. Bien, savoir par exemple qu'est-ce qui se passe dans toutes les nuits debout qui se répandent partout en France. Eh bien non, ils donnent des leçons de morale, hein, voilà ce que doit faire le mouvement. Et alors je vous garde pour la fin, bon alors on a droit à Claude Askolovitch qui découvre des copies palichonnes des gardes rouges de Mao. Deux dizaines de personnes qui raccompagnent un peu brutalement un académicien. Bien. Mais l'académicien est une espèce protégée. C'est pas une espèce en voie de disparition, mais c'est une espèce protégée. Et donc, pour la protéger, il faut que les grands philosophes, bien, les très grands philosophes français, que le monde entier nous enfile, je veux dire Bernard-Henri Lévy, et un collègue récent dont je vais dire quelques mots, se mettent de la partie. Alors, le collègue récent qui se dit libertaire, Michel Onfray. Nos amis libertaires doivent pâlir quand ils entendent ça. Je veux dire, Michel Onfray vient de sortir une tribune dans ce journal libertaire qui s'appelle Le Point, dans laquelle il explique que le crachat porté sur sa joue, sur la joue d'Alain Finkielkraut, bien, est comme un tatouage porté sur l'avant-bras de ses parents. Est-ce qu'il faut que je commente ? Non, c'est pas la peine. Hein. Je crois qu'il faut pas bien, commenter. D'autant que le crachat en question n'a pas atteint sa cible. Alors on peut déplorer que le dégoût qu'inspirent les propos d'Alain Finkielkraut, qui est déjà dans tous les médias, à longueur d'antenne, depuis des décennies, à l'antenne de France Culture, la façon dont il méprise, sa hargne contre tout ce qui n'est pas lui, sa prétention à dire la réalité. Bien, parce que la grande prétention de Finkielkraut, c'est qu'il voit la réalité, il la voit, comme je vous vois là. Il voit la réalité. Bon, on peut déplorer que peut-être qu'on ait manifesté son dégoût sous cette forme, mais ça n'est jamais que le retour de flamme d'une quantité de mépris et de cette forme de violence dont on ne parle jamais, qui est la violence de l'insulte permanente que constitue l'occupation par tous les grands médias, par des gens qui pensent à sens unique. Alors Henri, tu restes avec nous, tu seras sur le prochain plateau, on va continuer de scruter, de critiquer les médias, il y aura notamment quelqu'un du monde diplomatique, mais avant, pour ceux et celles qui ne savent pas quoi penser de Finky et qui ne comprennent pas en quoi il crée la polémique, une des raisons, c'est qu'il n'aime pas Pierre Perel. On va écouter. Alain Finkielkraut, on sait que le bac a eu lieu pour beaucoup de lycéens ces dernières semaines. Et il y a un sujet qui a fait beaucoup parler de lui, un sujet qui est tombé en sciences de la vie et de la terre. Et on a demandé aux élèves d'écrire un texte et de développer des arguments en faveur de l'interruption volontaire de grossesse. La République est bafouée par la propagande. Si vous voulez, il y a maintenant des épreuves de bien-pensance au baccalauréat. Et il y a pire encore que ce sujet. Un autre sujet donné cette fois à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat technologie. Une chanson de Pierre Perret, Lily. J'en cite quelques vers. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétin lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cagots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots. Elle était prête à épouser un beau blond frisé. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous. Lily, voilà le libellé du sujet, un an après son installation à Paris, écrit à sa famille restée en Somalie. Et elle dénonce l'intolérance et le racisme dont elle est victime. Vous rédigerez cette lettre en tenant compte des situations évoquées dans le texte de Pierre Perret et en développant l'argumentation de Lily. Pour avoir son bac français, il n'est pas recommandé, il est obligatoire de vomir la France. La France, aujourd'hui, est raciste et intolérante. La Somalie est un pays merveilleux qu'on a quitté, un paradis qu'on a quitté pour un pays horrible. Et la France est un pays raciste et intolérant. L'idéologie française, c'est la francophobie et malheur aux contrevenants. C'est-à-dire qu'ils seront sans diplôme et ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. France, toujours plus raciste. Le nouveau parti des Vaux est le parti des amis de Lily. Les amis de Lily ont supplanté les hussards noirs de la République. Nous subissons aujourd'hui la déferlante sentimentale des amis de Lily. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. La France est aujourd'hui le pays le plus hospitalier du monde. Cette histoire des amis de Lily est fausse. Je ne me sens l'ami d'aucune chanson de Pierre Perret. Elle aima un beau blond frisé. Elle était prête à épouser un beau blond frisé. Elle était prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous. Cette chanson est une chanson de propagande, aussi indigne que la propagande stalinienne qui, de toute façon, nous parlait de la misère des ouvriers et de l'horreur du capitalisme. C'est du néo-stalinisme antiraciste. Les choses ne se sont pas passées comme ça pour Lily. C'est du néo-stalinisme antiraciste. Ce n'est tout simplement pas vrai. C'est une invention bien pensante, c'est une création du politiquement correct, et c'est ce politiquement correct qui nous étouffe, qui dit de la France, qui calomnie, qui diffame la France, c'est une chanson de propagande. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi, ce fut le noir. Alors, je peux ajouter un post-scriptum, là, comme j'ai l'esprit de l'escalier. Si je condamne les amis de Lily, c'est parce que Lily est un personnage totalement imaginaire. Lily n'existe pas. Lily est un fantasme gratifiant. Lily n'existe pas. Lily est un fantasme gratifiant. Lily n'existe pas. Lily est un fantasme gratifiant. Lily est un mauvais roman qu'un certain nombre de gens se racontent et au travers duquel un ressentiment contre la France, mais aussi contre les Juifs, peut se répandre et sans limite. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. La réalité ne passe pas par les chansons de Pierre Perret. Mais dans ton combat, quotidien, Lily, tu reconnaîtras un type bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour. L'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. La beauté de cette poésie est évidemment étourdissante. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. C'est du néo-stalinisme antiraciste. Ici, Radio Debout. Ici, Radio Debout, place de la République. Et effectivement, on va continuer avec Pierre Rimbert qui est arrivé, qui a rejoint donc Henri Mahler, et on va discuter, parler un peu de la couverture médiatique de ce grand mouvement populaire sur la place de la République. Mais avant, bien sûr, comme c'est un mouvement populaire, Assemblée Générale Populaire. Si ça se trouve, peut-être qu'on a nos chances. On nous balance de grands projets. Voyez Camille et vous saurez. Dans ce monde parfait, on nous impose l'atomique. Moi, je prône plutôt l'énergie démocratique. On dit rien, on laisse piller nos voisins. À ceux qui luttent, moi, je lèverai le poing. Est-ce que je vous parle de la question des immigrés que les flics tabassent parce qu'à dire vrai, ils nous font chier ? Ouvrez les yeux. Ceci, c'est notre pays. Ouvrez les yeux. Est-ce vraiment ce dont vous avez envie ? Allez, enfants de la patrie, réveillez-vous. Le monde s'effondre de toute façon autour de vous. Allez voir ce qui se passe dans les rues de France. Allez voir si ça se trouve. Peut-être qu'on a nos chances. J'ai découvert un grand pouvoir, les gars, que je ne pensais même pas avoir, les gars. Au début, j'ai eu du mal à le maîtriser. Certains cyniques m'ont même poussé à le mépriser. Mais j'ai compris l'utilité de ma voix et je vous fais passer mes idées comme ça. Allez, un instant, ensemble, on rêve. Jusqu'au jour où vient le moment. Et là, on se lève. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Petit point technique, ou plus ou moins technique, on va voir. Oui, bonsoir. Je parle en fait à la place de quelqu'un qui a dû repartir place Stalingrad, qui veut faire une annonce parce qu'il y a en ce moment à peu près 400 réfugiés place Stalingrad, que la situation est très difficile ces jours-ci, et donc s'il y avait des bénévoles qui avaient envie de faire un petit tour là-bas pour les aider, des médecins par exemple aussi, parce qu'il y a des situations un peu compliquées, des traducteurs, soit de persan, soit d'arabe, ou des gens qui ont envie de donner un coup de main, c'est tous les soirs en fait, à peu près à partir de 18h, il y a des équipes là-bas de gens bénévoles aussi qui peuvent un peu vous cornaquer, vous aider là-bas, voilà, c'était juste une annonce de sa part. Merci. Merci. Je redemande à Jean-Baptiste, prêtre grec, de se rapprocher. Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout, voilà. La G continue, mais nous, on va prendre un petit instant là pour discuter un peu de la couverture médiatique de cet événement, comme on a dit. Alors, Pierre Rimbert nous a retrouvés. Pierre Rimbert, vous êtes journaliste au Monde Diplomatique et vous avez coordonné le dernier Manière de voir sur faire sauter le verrou médiatique. Alors déjà, de quel verrou médiatique il s'agit et comment il s'articule là autour de cette place de la République aujourd'hui, s'il s'articule ? Le verrou, je crois qu'il a été perçu assez tôt par les participants de l'Assemblée Générale. Je crois que l'une des premières résolutions qui avait été votée, c'était comment se comporter face aux médias. Il y a trois règles, je crois, qui avaient été rapidement adoptées, qui étaient d'une part de ne pas parler en son nom propre, d'autre part de ne pas participer à des émissions de débat télévisées pour éviter la personnalisation de ce mouvement. Et puis en troisième lieu, d'essayer de favoriser les médias, bon, amis entre guillemets du mouvement. Et bon, au bout de quelques heures, voire ces trois règles-là n'ont pas du tout été respectées. On a vu des tas de gens aller dans des émissions de plateau et parler en leur nom et puis en celui du mouvement. Et ça nous disait, bon, quel est le rapport en fait, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question de savoir quel rapport il fallait entretenir avec les médias ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'une part une couverture médiatique assez favorable au début du moins de Nuit Debout et en retour une espèce de sympathie, de complaisance parfois des gens qui s'exprimaient à la radio, à la télévision ou qui accordaient des entretiens ou qui participaient à des portraits par exemple. Et alors ça s'est retourné, c'est ça ? Non mais ça suit un cycle que Henri Maller, ici présent, connaît bien, qui est le cycle classique de la médiatisation des mouvements sociaux. Les journalistes adorent tout ce qui est nouveau, parce que ça permet de mettre une virgule dans l'actualité. Alors, ce qui est nouveau, c'est une image d'Épinal qui va être les jeunes qui agitent les mains en discutant de tout, etc. C'est magnifique pour les journalistes, ils adorent ça. C'est un peu l'équivalent dans la grande presse des chatons gentils sur Internet. Et je crois que maintenant on est arrivé à un stade où il y a deux nuits debout. Il y en a une qui se déroule sur les places avec des gens qui essayent de changer le monde et une autre qui a été construite par les journalistes qui représente une espèce de grand cirque médiatique. Et ces deux nuits debout, à mon sens, je me trompe peut-être, elles divergent de plus en plus. Et la question c'est de savoir, est-ce que c'est important ou pas ? Et je crois que c'est important. Et que cette deuxième nuit debout, celle bâtie par les médias, elle pèse d'un certain poids, elle a une influence. Elle détermine par exemple l'avis de ceux qui pourraient s'investir, s'engager dans le mouvement en leur proposant une image qui est de plus en plus éloignée de ce qui se passe réellement et de ce que font réellement les participants, le collectif qui constitue, les collectifs qui constituent les Nuits Debout. Pierre Rimbert, Henri Malher, pardon. Oui, alors Acrimed, déjà présente-nous un peu ton... Acrimed, ouais, en deux mots. C'est une association de critique des médias qui existe depuis 20 ans, qui persiste, qui résiste, qui se développe, qui a besoin de sous. Je te ferai une page de pub tout à l'heure, tu verras. Non, mais alors, ouais, par rapport à ce que vient de dire Pierre, je suis globalement d'accord, ça, c'est pas surprenant. Je dirais pas qu'ils ont été complaisants. Je pense qu'ils ont été suivistes. C'est pas tout à fait la même chose. Et la séquence, la première séquence, on lèche, a duré finalement assez peu de temps. Par contre, est venue très vite la deuxième séquence. La deuxième séquence, ça a consisté, on en a parlé un petit peu tout à l'heure à travers la terrible affaire Finkielkraut, ça a consisté à présenter le mouvement à travers ce qui se constitue, je cite, à sa marge. Alors on a eu droit à des directs sur les chaînes d'info en continu, des directs devant des vitrines maculées de slogans, on a eu les incidents, les violences, on a eu le crime de lèse académicien. Bien. Et donc il y a, et là j'abonde dans le sens de ce qu'a dit Pierre, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une construction médiatique de ce qu'est le mouvement dans l'ignorance totale, volontaire ou involontaire, c'est second, dans l'ignorance totale, dans une volonté de ne pas savoir... De folkloriser, c'est ça aussi, non ? Mais non, ouais, une volonté de ne pas savoir ce qu'est ce mouvement. Il faut dire que pour comprendre ce qu'est ce mouvement, il faudrait envoyer des cohortes de journalistes sur le terrain. Il faudrait ne pas se contenter de la place de République fugitivement pour faire 2-3 micro-trottoirs comme on en fait Gare Saint-Lazare quand il y a une grève de la SNCF. Il faudrait y être présent longuement. Il faudrait aller à Aubervilliers, il faudrait aller à Saint-Denis, il faudrait aller à Morlaix. Je cite volontairement un certain nombre, une petite ville, à Toulouse, à Montpellier, etc. Ça n'est pas que les grands médias n'aient pas les forces. C'est que les chefferies éditoriales donnent tout le poids aux commentaires au détriment de l'information. Alors, ça, c'est pas nouveau, hein. On l'a connu en 95, on l'a connu en 2003, on l'a connu en 2010, et maintenant, on a la séquence de 2016. Mais cette séquence de 2016, elle a une particularité, il me semble, c'est qu'au moins les participants effectifs au mouvement sont vigilants, relativement vigilants sur l'image que l'on donne d'eux. Même si une partie de ceux qui pourraient y participer sont dissuadés d'y participer par une médiatisation totalement outrancière. J'aurais tendance à dire banalement outrancière. Alors, Henri, t'es pas allé au bout quand même du raisonnement. Donc les trois L, c'est on lèche, on lâche et on lynche. Alors à partir de quand on commence à lyncher ? Oh bah ils ont commencé à lyncher très vite. Ce que je disais tout à l'heure à propos de la terrible affaire, c'est oui, ça que... c'est le lynchage déjà qui a démarré. Oh oui, oui, oui. C'est pas sûr. Le lynchage, on est déjà passé directement. Oui, mais ils vont avoir un problème, je dirais dans un instant. Ils ont peut-être lynché un peu trop vite. Hein. Mais on a eu droit à quoi ? On a eu droit à la conjonction. Hein. C'est pas un complot, hein. C'est une habitude socialement forgée dans les chefferies éditoriales. On a eu droit une présentation du mouvement qui immédiatement le discrédite. Et ça fonctionne de façon tout à fait simple. La droite officielle demande son interdiction. La droite officieuse, je veux dire la gauche officielle, bien, cherche à l'étouffer. Que font les chefferies éditoriales ? Elles entrent dans ce concert, y participent et l'alimentent. Par conséquent, ils sont déjà dans une logique de lynchage. Pourquoi je pense que ce n'est pas joué ? Ça dépend de beaucoup de choses et qui dépendent du mouvement lui-même, hein, pas de ce que Pierre ou moi on va pouvoir dire. Hein. C'est que le mouvement dure, que pour une part, il s'enracine. S'il passe, comme on peut l'espérer, les vacances de Pâques, ils vont être confrontés à un problème. Il va falloir qu'ils trouvent des affaires avec des académiciens et des vitrines maculées tous les jours. Pour l'instant, la façon d'essayer de le discréditer, ça consiste à ne plus en parler. C'est vrai que, et je termine par là, c'est vrai que la politique politicienne a ses lois. Il y a une nouvelle affaire Macron qui a occupé l'antenne toute la journée. Il a dit quelque chose de désobligeant pour François Hollande. Donc là, on a eu droit, radio, télé et demain presse écrite, à toute la tonne de commentaires nécessaires pour ne pas parler des mouvements sociaux. Pierre Rimbert, tu voulais réagir et après on tournera un peu à l'AG. Ouais, je ne suis pas sûr qu'ils en aient pas parlé ou peu parlé. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent aussi de récupérer ce mouvement de journalistes. Laurent Geoffrin trouve ça formidable. Il explique que c'est un laboratoire d'idées hein, pour le Parti Socialiste. C'est dans Libération du 16-17 avril. On a même eu dans Les Échos un écrivain qui a titré un article « Macron, nuit debout, même combat ». C'est audacieux, hein, qui appelait à un rapprochement avec le mouvement En Marche du ministre de l'économie. Donc c'est assez spectaculaire. Et on ne peut pas dire que les médias n'aient pas quand même eu, vis-à-vis du mouvement, une certaine complaisance, parce qu'ils y voyaient aussi toute l'actualité qui manquait en ce moment, etc. Il y avait même dans la retransmission avec Périscope et Rémi Buisine, tout ce que les journalistes aimeraient d'une certaine manière pouvoir faire, hein, avec un commentaire faussement objectif, faussement neutre, une présence sur le terrain, une antenne qui dure 8 heures pour pas toujours montrer des choses. Bon, c'est un peu le rêve de BFM, Place de la République, quoi. Moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est l'incapacité, mais ça on l'a observé depuis novembre-décembre 95, l'incapacité des journalistes à parler d'une action collective. Depuis 95, mais c'est probablement le cas depuis des décennies, à chaque fois qu'un mouvement collectif a une force de propulsion bien supérieure à la somme des individualités qui la composent, les médias font des portraits. Portrait de grévistes, portrait de manifestants, portrait de nuit de boutistes, c'est le portrait. Et cette incapacité à traiter, à montrer la foule, à montrer le collectif, à montrer la puissance du collectif, c'est une gangrène dans la représentation des mouvements sociaux ou des foules et des collectifs. Et là, ça s'est appliqué avec la même intensité. Et l'une des questions à se poser, c'est peut-être, est-ce qu'on doit répondre à une demande de portrait ? Lorsqu'on participe à ce type d'événement, est-ce qu'au fond, répondre à une demande, répondre favorablement, accepter de donner des détails sur sa vie personnelle, d'où on vient, etc., ça n'est pas collaborer d'une certaine manière avec une manière de démonétiser ce qui constitue en propre un mouvement collectif au profit d'une série de portraits individuels complètement dépolitisants. Parce que ce qui fait que Nuit Debout est puissant, c'est que ce n'est pas une série d'individus. C'est un groupe en fusion, comme dirait l'autre. On tourne à l'AG, justement, en fusion. Ils l'ont emmené. Ce mec-là, il se trouve qu'il a subi un accident de la circulation. Il y a un mec bourré qui lui est rentré dedans, d'après ce qu'il m'a raconté. Au bout de la procédure judiciaire, il n'a obtenu aucune indemnité. Actuellement, sans papier, mais... dans une procédure administrative pour en acquérir, il travaillait au noir, dans une casse. Et son patron lui a dit, écoute, t'es blessé à la cheville notamment, je peux pas te garder. Donc il a perdu son emploi. Il s'est retrouvé sans ressources, sans aide, avec des enfants avec qui il ne peut pas habiter. Il n'a pas retrouvé de travail et il habite actuellement dans une chambre d'hôtel loué par les services sociaux. Moi, je trouvais ça hyper important de mettre une histoire, de mettre une humanité derrière cet acte désespéré, que ce soit pas juste quelqu'un comme ça dans un coin qui a tenté de se foutre le feu. Et je voulais aussi me permettre de rappeler sûrement au nom de tout le monde, parce qu'on est tous d'accord ici, que à côté de nous, sur cette place, il y a sûrement des gens qui ont besoin de solidarité, qui ont besoin d'humanité, qui ont besoin de soutien. Et ces gens-là, on ne les remarque pas forcément. Il faut qu'on fasse l'effort, au-delà de tous nos grands discours sur les barrières sociales qui tombent, il faut qu'on fasse l'effort d'aller les voir et de leur donner un petit peu de solidarité, un petit peu d'humanité, parce que notre action, c'est aussi pour ça qu'elle a un sens. C'est pour qu'on se retrouve et qu'on s'aide et qu'on se donne de la chaleur, surtout à ceux qui en ont besoin. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, et on était un peu sidérés tout à l'heure de ça, et voilà, et on voulait aussi dire, on espère que ça donnera pas d'idées aux autres, et vraiment, voilà, venez nous voir, et tout ça, si jamais vous avez envie de faire des actes désespérés, essayez, enfin voilà, déjà. Et puis aussi, Nuit Debout, c'est sympa, mais c'est aussi pour lutter contre ces trucs qui mènent à ça, et ça rappelle en fait les immolations qu'il y a eu avant les printemps arabes. Et voilà, donc faut faire, voilà, moi j'ai envie de dire, essayez pas de refaire pareil, Mais venez lutter avec nous et qu'on essaie de lutter ensemble contre toutes ces violences, en fait, parce que c'est sympa de se retrouver, de boire l'apéro, mais c'est des violences réelles qu'on vit la plupart d'entre nous, en fait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Guimette est là ? D'accord. Et donc, j'appelle Meika pour lui succéder. Et ensuite, nous aurons, pardon, Violaine K qui veut nous parler de la séparation, j'aime bien, du MEDEF et de l'État. Oui. Bonjour. Il y a quelqu'un qui a déjà parlé de la Palestine. Oui, je ne sais pas très bien. Comme ça ? Il y a quelqu'un qui a déjà parlé de la Palestine très bien. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, mais je voulais insister sur une accusation mensongère qu'on fait aux gens qui défendent les Palestiniens en leur disant qu'ils sont antisémites. C'est une honte de dire ça. Moi, j'ai manifesté... Plus près. Moi, j'ai manifesté avec un vieux juif qui avait fait Drancy, le camp de Drancy, et il manifestait contre le gouvernement israélien parce qu'il considérait que ce gouvernement israélien actuel, celui de Netanyahou, déshonore les juifs, déshonore. Il déshonore les juifs français, les juifs européens, il déshonore. Et c'est contre ce déshonneur que fait ce gouvernement qui pratique l'apartheid, parce que les Israéliens n'acceptent pas le mot d'apartheid. Mais moi, je suis allée là-bas. J'ai été sur une route qui était interdite aux Palestiniens. Je sais donc qu'il y a des routes qui sont pour les Israéliens et des routes qui sont pour les Palestiniens. Ce n'est pas de l'apartheid, ça. Ils n'acceptent pas ce mot. Donc je voulais vous faire attention quand on vous dit que l'antisémitisme de gauche, c'est ceux qui défendent les Palestiniens. Nous ne sommes pas des antisémites. Voilà. Merci beaucoup. Je vais appeler Meika. Radio debout, radio debout, radio debout, radio debout. Pas de regret non plus. Pierre Imbert, Henri Malheur, on est encore là pour quelques minutes là. Pierre, alors comment on fait justement pour faire sauter le verrou médiatique ? Effectivement, il existe une presse indépendante, il y a Le Monde Diplo, il y a Fakir, hein, François est là en ce moment, il y a Bastamag, il y a de plus en plus, bon, Labat.org aussi qui existe maintenant, mais alors c'est quoi ? Il faut développer cette presse indépendante et est-ce qu'elle a les moyens de vivre ? Bon, c'est pas évident aussi de faire sauter ce verrou. Alors, quelles sont les recettes ? Quelles sont les possibilités ? Faire sauter le verrou, comme tu dis, c'est d'abord alimenter ce qui existe en matière de contre-information en ligne ou papier ou sur tous les supports. Moi, je trouve ça vraiment formidable quoi, qu'un mouvement se soit d'emblée doté de ses propres médias, comme une radio, une télé, pour contourner les organes de communication dominants. Mais la presse alternative, aussi vigoureuse qu'elle soit, elle reste marginale. Et le terme même, alternative, la cantonne dans les marges. Et parfois on perd de vue que tous les soirs, il y a entre 20 et 21 millions de personnes qui assistent à des journaux télévisés sur l'ensemble des grands canaux. Quoi. Et voilà, face à ça, on ne fait pas le poids. Que ce soit Le Monde Diplomatique, que ce soit Acrimed, que ce soit Radio Debout. Bon, on ne fait pas le poids et je pense qu'il faut avoir aussi la modestie, la lucidité de le reconnaître. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que ces médias alternatifs, ils peuvent servir de base pour essayer de revendiquer et de conquérir le contrôle, l'appropriation, la réappropriation des grands médias. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire des médias de masse de qualité. Ça a déjà existé et ça existera. Et qu'il est politiquement un peu délicat de se dire, bon, nous, dans notre petit coin, on a accès à des revues, à des radios, c'est super, on regarde Acrimed et on s'informe sur l'information, magnifique. Ok, on lit Le Diplo, c'est parfait. Mais le reste de la population est dépossédé des moyens financiers, en termes de temps, des outils culturels pour accéder à cette contre-information. Si bien qu'on va à grands pas, et on y est déjà à vrai dire, vers un système à deux vitesses, avec une information pauvre pour les pauvres, qui va être fait de contenu algorithmique fabriqué par des machines, d'informations anecdotiques, de people, etc. Et puis une information riche pour les riches, avec, le cas échéant, des analyses, du recul, de l'international et de la contre-information. Et ça, il me semble qu'on peut d'emblée se mettre d'accord que si on considère l'information comme une sorte de bien commun qui est nécessaire pour former nos jugements politiques, c'est assez difficilement acceptable. Donc du coup, ces médias alternatifs, ils peuvent servir de base, de point d'appui pour conquérir la propriété et le contrôle de grands médias populaires de qualité. Et il me semble que c'est un projet politique qui est aussi intéressant d'avoir cette perspective et éventuellement de l'aborder ici à l'Assemblée Générale de Nuit Debout. D'autant que les médias sont devenus vraiment une marchandise, quoi. Donc il y a eu un rachat par les groupes économiques importants, etc. Donc c'est vraiment devenu une cible pour le monde économique. Et oui, il suffit de le trombinoscope des milliardaires en France décalque assez étroitement la liste des propriétaires de grands médias. C'est assez frappant. Bon, les noms, on les connaît, hein, qu'il s'agisse de Xavier Niel, de Drahi, de Bolloré, de Pinault, de Bernard Arnault, le héros, malgré lui, son corps défendant du film Merci Patron. Et il est évident que des grands moyens de communication qui appartiennent à ces grandes entreprises peuvent assez difficilement, en dernière instance, devenir des outils ou des moyens pour diffuser des idées contestataires. Et c'est pas quelque chose de nouveau comme réflexion. Il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années, un proche de Martin Luther King avait expliqué à propos de la bataille pour les droits civiques aux États-Unis, je le cite, « C'eût été désastreux pour nous de compter d'abord sur une forme de communication de masse contrôlée par de grosses entreprises de presse pour disséminer et légitimer notre message. Nous eussions été à leur merci et c'est elles, en définitive, qui auraient déterminé notre ordre du jour. » Et ça, c'est un propos qui a 60 ans et j'ai pas le sentiment que la situation ait fondamentalement évolué depuis. Henri, toi qui scrutes les médias non, attentivement, rendre malade. Non, mais je pourrais surenchérir et dire à peu près la même chose que Pierre. J'en suis totalement d'accord. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me demandais ce que c'était qu'Acrimed. Je vais te répondre tout de suite. C'est une association qui se donne précisément pour objectif de faire en sorte que la question de l'appropriation démocratique des médias, c'est-à-dire des grands médias, deviennent une question politique dont s'emparent directement alors soit les associations, les syndicats et les partis politiques qui se disent radicaux ou de participants d'une gauche de gauche, soit les mouvements sociaux dans le cours même de leur développement. Ça nous paraît indispensable. Le compte n'y est pas. On vit dans une alternative qui est une alternative qui peut devenir rapidement mortifère, de médias associatifs ou alternatifs qui sont des acteurs décisifs de la critique des médias et de la médiatisation des mouvements sociaux, des grèves dont on ne parle pas ailleurs, de la réalité sociale de ce pays dont on ne parle pas, dont on n'entend pas parler, qui est soigneusement occultée au bénéfice des politiques aériennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un mouvement social de première importance qui se développe actuellement. De quoi parle-t-on dans les grands médias ? De l'échéance présidentielle, de la course des petits chevaux. On nous sort un sondage par jour où on demande à la population française, à toute la population française, quel est le candidat de gauche ou de droite qui est son préféré. Alors on additionne les chiffres et ensuite on commente. Vous avez maintenant des commentaires de Jacques Segala, les communicants. Bientôt ce sont les publicitaires qui font les... Et ça occupe les temps d'antenne de radio et de télé et ça occupe largement ce qui reste de presse écrite. Je dis bien ce qui reste de presse écrite. Donc c'est ça la question fondamentale. Et ça suppose que les mouvements sociaux s'emparent de la question. Et pour qu'ils s'emparent de la question, alors c'est vrai qu'il ne faut, pas qu'ils cèdent à la fascination de la médiatisation. C'est une forme de fascination, celle qui aboutit au portrait dont parlait Pierre il y a un instant, qui aboutit, moi j'ai pas entendu beaucoup de portraits sur les chaînes de radio ou de télé, mais à des micro-trottoirs. Hein. On passe rapidement, tiens, ils sont là, il y a Nuit Debout, ils sont encore là. On trouve quelqu'un à qui on tend un micro et ça peut se comprendre et qui raconte qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, et hop, on en met deux, trois comme ça, et c'est comme ça qu'on a parlé du mouvement. Cette incapacité de parler des mouvements collectifs en tant que collectifs, cette impuissance à le faire, hein, elle est inscrite dans les gènes des grands médias de masse. Bien. C'est comme ça qu'ils sont construits, c'est comme ça qu'ils diffusent l'information. L'information sociale est toujours, et l'enquête sociale est toujours le parent pauvre. Et il n'y a pas de raison de se réfugier simplement dans la médiatisation par des médias alternatifs. Je connais quelqu'un que je vais citer, je donnerai son nom en fin de citation, qui avait l'habitude de dire « les médias alternatifs ne sont pas une alternative aux médias ». Je pense que cette réflexion de Pierre Rimbert est tout à fait juste. Pierre Rimbert, hein, mais oui, quand on nous tend un micro et que pour faire un portrait ou un entretien ou un micro-trottoir et qu'on est place de la République ou au Capitole ou sur l'une de ces places occupées, il faut avoir en tête, je crois, qu'on a un rapport de force, que ce mouvement, il est désirable pour les médias parce qu'il représente tout ce qui est mort dans leurs institutions et que ce rapport de force, il faut l'utiliser. Il faut se dire, dans quelle rubrique va arriver ce portrait ou ce micro-trottoir ? De quoi il va être entouré ? Qui va décider, en dernière instance, combien de temps sera gardé de cet entretien ? Et souvent, sur des places de la République ou sur n'importe quelle place occupée, on est confronté à des journalistes qui sont dans la même situation sociale que les gens qu'ils interviewent. C'est-à-dire, c'est souvent des précaires. On ne va pas envoyer des directeurs de la rédaction interviewer un punk à chien ou un étudiant précaire ou quelqu'un qui bosse chez McDo. Bon. Et donc, il y a une espèce de connivence qui s'installe spontanément parce que, grosso modo, ce sont des gens qui sont dans la même situation. Mais on oublie souvent qu'un journaliste, qu'il soit salarié ou qu'il soit pigiste, c'est quelqu'un qui est soumis à une hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle s'exprime en dernière instance pour aller sélectionner ce qui va être conservé, ce qui va être coupé, et le cadre général dans lequel ce sera inscrit. Et ce cadre général, c'est pas le journaliste précaire qui le décide, c'est la hiérarchie. Merci Pierre Rimbert, merci Henri Malheur. Ici, il n'y a pas de hiérarchie, attends, c'est collégial. Tu m'avais promis une page de pub. Ah, une page de pub pour Agrimed, ah oui, on a fait, attends, oui. Abonnez-vous à Agrimed, allez, attends, à toi Henri. Tu m'avais promis. Et au monde diplomatique, bien entendu. Non, le monde diplomatique, tu l'as fait. Tu as fait la page de pub, ouais. Je peux la refaire. Il y a un excellent numéro de Manière de voir. Ah oui, bah oui, j'ai déjà cité. Bon. Ouais. Mais faire contre, sauter le verrou médiatique. Ouais. Mais tu n'as pas dit que Acrimed n'est pas au bord du dépôt de bilan, mais est potentiellement en grande difficulté financière. Ah, appel à don. Bah oui, on a besoin de 60 000 euros. Voilà. Hein, alors, chers auditeurs... Alors, on a l'intention de faire les poches du PDG d'Air France, mais on n'est pas sûr de parvenir à nos fins. D'accord. Alors, on va retourner à l'AG. D'abord, on va envoyer un petit son et rappeler quand même que le groupe Radio Debout vient de se doter d'un site internet, radiodebout.net. Voilà. Bonsoir à tous. Ça faisait 3 ans que je cherchais du travail. J'étais désespéré. À 54 ans, quand ils m'ont viré de l'usine, j'étais très inquiet pour mon avenir et celui de ma famille. Avec mon master d'ingénierie en prestations sociales, j'avais du mal à convaincre un employeur. Man Broyeur. Spécialiste en relocalisation de travailleurs. Quand Man Broyeur m'a proposé ma première mission, j'en avais les larmes aux yeux. Par contre, quand on m'a dit que j'allais travailler avec des enfants, je me suis dit que j'avais pas les compétences. Puis je me suis dit, si les enfants y arrivent, pourquoi pas moi ? Et secrètement, j'avais toujours voulu connaître le Bangladesh. Man Broyeur. Le travail, là où il est. Et grâce à Man Broyeur, je peux désormais travailler jusqu'à 90 heures par semaine. En tant que démineur. Ok. Ouais. Bah, je vais parler plus fort. Mais ma revendication à moi, c'est quoi ? C'est que plutôt, au lieu de faire tout ce bruit-là, parce que là, il y a plein de bruit, tout le monde se rassemble, on est bien beau, on est joli, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, en fait. Ce qu'il faut faire, là, c'est quoi ? C'est de démolir le franc CFA en Afrique. Une fois que le franc CFA en Afrique sera démoli, le monde va se porter mieux. Mais tant que le franc CFA est instauré en Afrique de l'Ouest ou parmi toutes les dernières générations de colonies en Afrique, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que l'euro ou la monnaie européenne, c'est la merde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et si vous avez compris ça, bah, essayez de ne plus utiliser l'euro. Tous les centimes, toutes les petites pièces de 1 franc, nanan. Hey, ça reste à la maison, dans la poche, ça reste dans une boîte, et c'est quoi ? Mais c'est de l'argent. Moi, quand j'ai travaillé, à la fin du mois, ils m'ont payé, ils m'ont donné 1300 euros. Mais lorsque je fais ma monnaie, il reste à la maison tellement de petites pièces que je ne sais pas quoi foutre avec ça. Et alors, hein ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je ne peux même pas payer mes droits, je ne peux rien faire avec. Je peux rien faire avec. Je suis là obligé de... Hein ? Pour la conclusion, c'est quoi ? Ben, les mecs, arrêtez de bosser. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons quelqu'un de la commission grève générale qui voudrait vous reparler de ce qui s'est passé hier à la Bourse du Travail. Donc je redemande à Asna de se préparer et à Gabriel F. également. Oui, voilà, parce qu'on en a discuté en commission grève générale et il se trouve que hier, moi, j'ai pas pu rentrer à la Bourse du Travail parce qu'effectivement, elle était pleine, mais il y avait effectivement une retransmission à côté. Donc, j'ai pas trop senti cet effet insistance parce que j'ai pas tout assisté à tout. Mais en tout cas, je voulais vous relire la lettre qu'ils ont proposée hier et vous donner ensuite l'avis de la commission grève générale et ensuite un point perso. Donc la lettre qui a été proposée est mercredi 20 avril, Bourse du Travail de Paris. Nous souhaitons qu'à l'issue de la manifestation du dimanche 1er mai 2016, se déroule place de la République un meeting commun à la Nuit Debout et aux organisations syndicales opposées à la loi El Khomri. Nous en appelons à la CGT, à Solidaire, à Force Ouvrière, pour que le parcours soit prolongé de nation à République et que nous partagions ensemble un moment d'unité, de combativité et de fraternité. Il s'agit là d'un geste symbolique, voire historique. Seule cette jonction est en mesure aujourd'hui de faire peur à l'oligarchie et de faire reculer le pouvoir. Donc cette lettre qui a été donc préparée et soumise à la Bourse du Travail a ensuite été lue et soumise en assemblée hier. Ça touche effectivement un sujet sensible et la commission grève générale qui fait partie du mouvement est intervenue hier pour dire qu'il ne s'agissait pas de laisser la parole... d'offrir la parole sur un plateau aux dirigeants syndicaux quand on sait qu'il y a une insuffisance actuelle dans la combativité par rapport à la loi et à son retrait. Donc, par contre, donc, il fallait qu'on garantisse que s'ils venaient, à côté d'eux, il y a d'autres gens qui puissent parler et qui puissent avoir un vrai débat, quoi. Donc, on en est là. Je vais passer un petit point perso, c'est que personnellement, je suis à la commission grève générale et je suis aussi enseignant et même si je suis pour arrêter de bosser, c'est pas facile de faire grève. Et j'ai soumis à mon syndicat, la FSU, l'appel à la Nuit Debout. Ils m'ont répondu, bon, c'est l'auto-organisation des luttes, nous les syndicats, on fonctionne pas pareil, on est pour, mais on le vote pas. Bon, donc c'est très regrettable qu'ils aient fait ça, mais on sait tous que les syndicats sont traversés de contradictions, il faut la jouer fine là-dessus. Donc ça, c'était mon avis perso. Et donc, concrètement, vous êtes invités samedi à 17h, ici, à parler de cette question, histoire que l'Assemblée, le mouvement, se saisisse de cette proposition et qu'on ait une position et une proposition qui marque que le 1er mai, il serve à la victoire, quoi. Voilà. Il faut qu'on participe tous samedi à 17h, ici. Merci. Merci beaucoup. Je profite rapidement. On va avoir besoin de gens de la modération parce que ceux de la première équipe vont s'en aller et du coup si deux ou trois facilitateurs auraient envie de porter un très joli brassard bleu jean, n'hésitez pas, c'est génial, vous allez voir ici dans le triangle, c'est génial. Et j'appelle du coup Asna et Gabriel F si elle est par là, et sinon ça sera ensuite à Aïchetou. Bonsoir tout le monde. Donc c'est par rapport, je reviens encore, par rapport aux réfugiés, qui à mes yeux, c'est une lutte humaine. Donc j'ai demandé à ceux de Stalingrad de choisir deux personnes, deux porte-parole qui viendront, ils vont se relayer chaque jour de chaque communauté. Il y a des Soudanais, il y a des Afghans, il y a des Érythréens. Et donc, ils viendront porter la parole eux-mêmes. Voilà. Aussi bien en arabe, en anglais, qu'importe la langue, mais ça va être eux-mêmes la porte-parole. Et non pas des référents d'assos ni de collectifs. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce que Gabriel F est là ? Bonsoir. Alors, moi, je viens vous faire une proposition. Radio Debout. Radio Debout, Radio Debout. Hey, c'est la Radio Debout. Vous êtes toujours place de la République. Et là, cette fois-ci, le soleil s'est couché. Le temps est calme. Il fait beau. Il n'y a pas de vent. C'est très très calme. Il fait chaud même. Je suis allé me promener tout à l'heure et je suis tombé sur la deuxième AG de la commission documentariste Debout. Bonsoir Aubin, bonsoir Leïla. Bonsoir. Alors de quoi vous parliez là quand je suis passé, c'était de la logistique. Vous parliez d'organiser quelque chose sur la place. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Bien sûr, oui. On parlait au départ, enfin on a parlé de beaucoup de choses, mais on a parlé en effet de lancer un ciné-club qui pourrait se faire sur la place de la République avec une très belle idée d'un de nos documentaristes debout, Frédéric, sur l'histoire des luttes. Montrer que voilà, cette lutte de Nuit Debout s'inscrit dans une histoire, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire, dans la très belle histoire et du documentaire et des luttes, et qu'on pourrait les montrer ici. Alors voilà, on est en train de chercher un lieu, c'est la complexité, l'horizontalité des décisions. Du matériel, donc on travaille là-dessus en ce moment et on espère commencer dès mardi soir prochain, monter un petit ciné-club où des films seront montrés. Alors, ça pourra aller de la guerre d'Espagne jusqu'au combat des sans-papiers de Saint-Bernard, par exemple. Donc projeter des films qui traitent de ces sujets. Tout à fait, projeter des films qui traitent de ces sujets en présence des réalisateurs, avec débat derrière, avec rencontre, avec discussion, puisque c'est quand même le cœur de la Nuit Debout. Leïla, quand je suis passé, vous étiez, c'est quelque chose à laquelle on fait très attention ici, vous étiez 10 femmes et 10 hommes à discuter. Pour les auditeurs, pour qu'ils l'imaginent, vous étiez en cercle, assis, donc un peu à côté de l'AG, mais en retrait pour ne pas être trop pollué par le son de l'AG. Oui. Je me suis mis dans la tête d'un micro. Voilà, j'ai imaginé que j'étais un micro et j'avais beaucoup de mal à vous entendre. Et même entre vous, je crois que vous aviez du mal à vous entendre. Alors vous avez un mégaphone, mais qui était en train de rendre l'âme. Tout à fait. C'est pas trop fatigant de discuter tous en cercle comme ça, assis pendant combien de temps? Ça faisait combien de temps que vous étiez là? C'était 2 heures, mais... Bah, c'est notre deuxième AG, donc on n'est pas encore fatigué. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, pour faire le pont avec ce que vous avez dit sur la parité de notre AG, on a eu la visite d'une personne de la commission féministe qui, justement, nous demandait de faire attention dans les ciné-tracks qu'on est en train de faire. Et pour info, on en a déjà 3 de fait, sur cette question de l'égalité et du langage aussi, quand on réalise les ciné-tracts, de laisser la même place aux femmes et aux hommes. Donc, c'est quoi un ciné-tract ? Un ciné-tract, ça vient de 1968, ça vient de Chris Marker et de Jean-Luc Godard. C'était des films, au départ, c'était de l'image, il n'y avait même pas de son en général. C'était des textes marquants, c'était des couleurs, du rouge, des choses un peu dures. C'était mai 68, c'était un goût de révolution, clairement, une envie de révolution. Mais c'était aussi déjà un travail sur la forme, l'image, une réflexion sur la forme, l'image, comment on traitait de ce genre de choses, comment on avançait, comment on pouvait ensuite aller montrer ces films dans les appartements, en discuter avec les ouvriers, chez Renault, chez Peugeot, dans les usines, dans les familles. C'était ce souci-là aussi. Donc c'était pas des films très chiadés, c'était pas des films très... c'était des films faits rapidement. C'était le but, mais des films qui claquaient comme un étendard et qui donnaient envie de discuter. C'était ça l'important, c'était discuter après. En fait, on se sent, je crois, à Radio Debout, quand tu parles, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose et surtout qu'on s'amuse à le faire. Et ça, c'est le plus important. On va retourner à l'AG tout de suite et on revient avec donc les documentaristes debout. On a besoin de construire un mouvement qui va durer et qu'il y a déjà des journées thématiques, par exemple le dimanche. Et que, voilà, et à un moment, République, ça va se terminer. Et ce qui serait bien... Non, bah, je pense qu'à un moment, on ne va pas être là. Voilà, dans 3 ans, on ne sera peut-être pas là. Je ne sais pas. Je peux, voilà. Et donc, je veux juste dire que si jamais on s'ancre dans des luttes précises, on pourrait après, par exemple, se disperser dans Paris. C'est-à-dire, moi, je vais... on fait l'assemblée thématique écologie à... Place de la Réunion dans le 20e, Et comme ça, on a un réseau qui se crée vraiment. Voilà, c'était aussi pour une vision plus durable et pour qu'on ait pas, pour qu'on vraiment on construise quelque chose. Voilà. Mais moi, je veux construire justement avec tout le monde. Alors, je vais faire un peu de modération pour le coup. Peut-être que, mademoiselle, madame. Dans la mesure où la première des propositions a été très très très bien reçue, qu'il n'a été que amendé, peut-être que dans un premier temps, on prend ta proposition comme elle a été votée là, et ensuite vous discutez des différents amendements à y apporter. Est-ce que ça vous va ? Alors, est-ce que tu veux bien répéter ta proposition ? Alors, le sondage de ma proposition, mais évidemment, on n'est pas ennemis. Hein. Ma proposition, c'était que un jour comme elle, libre, et le lendemain, à partir d'un thème que nous avons décidé avant de nous quitter, ou au début de l'Assemblée, je ne sais pas, ou au milieu, quand il y a beaucoup de monde, le lendemain, tous ensemble, sans se séparer en commission, on débat avec du temps et du coup pas 2 minutes à chaque fois mais peut-être 4 minutes par intervention du thème. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors on va le faire un peu dans les formes, comme ça va nous permettre d'avoir un point de vue assez... Ah, j'ai directement une opposition radicale, si tu veux venir. Je rappelle que l'opposition radicale impose normalement une proposition. Hein. Alors, c'est une opposition radicale sur l'amendement. D'accord. Donc, la proposition que je fais, qui rejoint très fortement le premier sujet qui a été soumis au vote, je redis, mon opposition radicale porte sur l'amendement et pas sur la proposition initiale. Donc, je reviens sur la proposition initiale qui me paraît essentielle. Il y avait 2 choses dans la proposition initiale. Il y a la question de permettre d'avoir une fois sur deux des thématiques en Assemblée Générale, ça me paraît essentiel pour pouvoir concentrer nos réflexions et nos actions. Et donc, je pense que c'est un élément important. Et le deuxième élément important, c'est de permettre aussi qu'il y ait des commissions qui sont des lieux de réflexion qui soient possibles autrement qu'entre 14h et 18h pour permettre aux gens qui travaillent et qui sont un peu loin de venir aussi ici pour traiter des commissions en arrivant à 18h, à 19h. Et dernier élément de la proposition initiale, c'est de faire en sorte que ces commissions restituent en Assemblée Générale, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de successions de positions des uns et des autres. On a de temps en temps une intervention d'une commission qui vient faire des remontées de ce qui a pu être discuté, mais d'avoir des restitutions un peu organisées en Assemblée Générale, du travail élaboré en commission, je pense que c'est aussi important pour qu'on puisse travailler, réfléchir et aboutir à des choses ensemble. Voilà mon opposition. Merci. Réveillez-vous, c'est Radio Debout. Rebonsoir, je suis avec Aubin et Leïla, des documentaristes Debout. Vous êtes cinéastes, tous deux ? Mais je crois que dans Documentariste Debout, il n'y a pas que des réalisateurs de films, il y a beaucoup d'autres métiers, un peu comme à Radio Debout finalement, plein de métiers différents qui se côtoient et qui discutent ensemble. Vous êtes combien alors ? Alors, sur la page Facebook Documentariste Debout, il y a 240 membres. C'est ça. Mais ça augmente tous les jours, hein, donc peut-être demain on sera encore plus. Et il y a des preneurs de son, des monteurs... des réalisateurs, il y a des enseignants à la fac de documentaire, il y a des étudiants en documentaire, il y a des gens qui sont juste intéressés par le documentaire, qui ne sont pas forcément documentaristes. Donc des gens qui sont passés par là et qui se sont assis et ont voulu écouter vos débats. Oui, qui même prennent partie au débat et qui... y en a un qui a son petit enregistreur et qui enregistre des choses et qui nous dit « Là, ça serait bien que vous y allez parce que ce personnage, il est vachement intéressant. » Et on lui dit, mais fais-le toi aussi, on peut le faire. Enfin, on n'est pas obligé d'être documentariste pour faire un documentaire. Ben alors justement, je crois que dans un de vos projets, en dehors de trouver une façon de projeter des films sur la place et d'organiser des ciné-clubs, j'étais à côté tout à l'heure de 2 femmes espagnoles qui vous écoutaient. Et il y en a une qui disait, mais moi, j'ai plus la patience. Et ils veulent un générateur, il faut trouver quelque chose. Elle était agacée parce que votre interlocuteur de la logistique ici n'avait pas de réponse à vous apporter pour organiser simplement simplement une projection de votre film. Et donc, vous avez le projet, je crois, hein, de former des gens sur la place au documentaire, c'est ça ? C'est ça, il y a le projet d'atelier pour que des gens puissent faire des ciné-tracks, donc des courtes vidéos où ils raconteraient leur réalité aussi. Et il y a un projet notamment, alors il faudra peut-être le mettre en place, c'est de faire une cabine où les gens pourront venir et parler de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont vu sur la place. Et à partir de ces sons récoltés, on en fera un ciné-tract où on mixera avec des images. Tout ça est work in progress. Faut que... Ce serait une version militante de Love Story, de la cabine de Love Story. Ouais. Aubin, y a quelque chose dont on parlait avant de prendre l'antenne, c'est la diffusion et après, voilà. Pour vous, tu penses souvent à ce qui va se passer après. Et quel est ton rôle, votre rôle à Documentaliste Debout dans ça ? On a une très forte envie de se mettre au service de la Nuit Debout, en fait. On a une très forte envie d'être un collectif, on a une très forte envie de ne plus être individualiste, on a une très forte envie de ne plus mettre nos putains de noms, on s'en balance, on a envie vraiment de se mettre au service de ce qui se passe et du coup de réfléchir ensemble à comment on va pouvoir faire quelque chose de ce qui se passe à Nuit Debout, c'est-à-dire dans le futur, comment ce mouvement va évoluer. Et du coup, on a envie aussi de voir ce qui se passe dans les commissions, de voir les résultats, les synthèses des commissions, cette constitution qui est en train d'être écrite, mot à mot. On a envie de se mettre au service de ça pour montrer, en fait, comme une espèce de synthèse de ce qui aurait été pensé, réfléchi à Nuit Debout, pour être au service d'un projet politique pour ce pays, parce qu'on a envie d'être politique. Jusqu'au bout, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens à Nuit Debout qui ont envie d'être politiques et on n'a pas envie que ça finisse en eau de boudin, que ça se termine comme tant de mouvements avant. Nuit Debout a sa singularité, sa beauté et il faut absolument que ce quelque chose aboutisse. Il y a eu une réunion hier, il y a eu une AG hier à la Bourse du Travail qui s'est posé la question la Nuit Debout et après. Voilà, on a envie de se mettre au service de ceux et après. Donc pour que ça continue dans l'histoire. Ça continue dans l'histoire, que ça influence le processus politique. Hein. On va pas okay. Se payer de mots. Il y a une élection dans un an, il y a un truc à faire. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, il y a eu Podemos. On a chacun un avis sur ce qui s'est passé. Mais on a vraiment envie de s'inscrire dans un processus politique avec nos images, avec la forme, avec le documentaire, mais au service. Alors, je dirais, je vais passer la parole à Leïla tout de suite, mais je vais juste vous dire qu'on est en diffusion en FM en ce moment, en Bretagne, sur Timbre FM. Formidable, radio associative locale, donc 107.6 FM, au village d'Augan, en Brocéliande. Donc bonjour à tous les gens qui nous écoutent là-bas. Je voulais juste préciser, d'ailleurs, à les auditeurs en Bretagne et sur le site, que Radio Debout n'est pas la radio du mouvement. Radio Debout est un collectif, un peu comme vous en fait, un collectif de gens qui font de la radio, et pas seulement d'ailleurs, qui se rassemblent entre eux, qui font plein de métiers différents et qui échangent les savoirs d'abord et qui essayent de donner la parole, d'être les oreilles en fait. Et on est à peu près une quarantaine maintenant à tourner tous les soirs de 8h à minuit. Et ça c'est très important qu'on n'ait pas la voix du mouvement, voilà. On est les oreilles du mouvement. Voilà. Leïla, qu'est-ce que... Oui, alors je voulais juste compléter par rapport à la convergence des luttes et ce qu'expliquait Aubin. Il y a une action très concrète de Documentaristes Debout. Mardi, on va rencontrer la DAL qui s'occupe du droit au logement parce que beaucoup de familles vont être délogées et elles aimeraient... elles ont commencé d'ailleurs à faire des vidéos et on nous a demandé d'être là aussi pour envisager de parler de ces gens-là. Donc droit au logement, hein ? Oui, c'est ça. Donc vous allez faire ça mardi. Mardi, on se réunit pour voir comment on peut aider la DAL pour donner un visage et une voix à ces gens qui sont dans une détresse. D'accord. Donc vous serez des monteurs, des ingé-sons, des cinéastes, tous ensemble, et vous allez discuter de ça. Équipés avec ton matériel. D'accord. On dans va l'idée... d'abord discuter et ensuite on filmera. L'idée, c'est de filmer beaucoup de témoignages de ces gens qu'on vire de chez eux, qu'on expulse dans des conditions difficiles, et de montrer voilà, que ça, ce qui se passe actuellement en France, dans ce pays soi-disant gouverné par un gouvernement de gauche. Très bien. Soi-disant. Alors on va retourner à l'AG. Précision juste, je tiens à le préciser parce que j'aime faire ça à cette radio. Ma compagne est documentariste, fait des films et participe donc à l'AG. Elle n'était pas là ce soir, mais voilà, je tiens à le préciser. À l'AG. Je vais me permettre de prendre le relais. Madame voudrait qu'on consacre à Bernie Sanders. Un temps, on peut téléphoner à partir d'ici aux États-Unis et on peut véritablement renverser la situation. Mais alors, on pourrait soi-disant téléphoner aux États-Unis, mais à quel numéro? On prend l'annuaire aux États-Unis. Ouais. Et on téléphone aux gens. Ah, l'idée serait de prendre un certain temps, chaque jour, pour appeler les gens aux États-Unis, pour les convaincre de voter pour Bernie Sanders. C'est ça l'idée? Et donc l'idée serait de faire une campagne électorale transatlantique et retourner la situation actuelle. Alors, certains l'ont fait avec madame pour l'élection des municipales à New York. Ah non, pour les primaires à New York, en effet. Et donc réellement les résultats obtenus. Donc apparemment, les résultats obtenus à New York sont bien supérieurs à ce qu'il était prévu grâce à ce système. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu d'autres villes aussi qui ont fait la même chose. D'autres gens organisés. Parce que ça s'est passé dans d'autres villes, depuis d'autres villes, par d'autres gens. Et on peut encore retourner vraiment la situation. Et donc, a priori, il y a une vraie possibilité de retourner cette situation. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je suis venue pour cela. Voilà. Donc voilà, elle vous remercie tous de l'avoir écoutée. Et elle était venue spécialement pour vous dire de retourner cette situation. Merci. Alors j'ai deux points techniques très vite, notamment un assez important par rapport à ce qui vous a été dit sur, à propos de Stalingrad. Bonsoir tout le monde. Donc c'est juste, il ne faut pas emmener les vêtements, tout ça, tout ce qui est à Stalingrad pour la distribution. Donc on a un stand juste là pour les récoltes. Voilà. Et, non pardon, c'est pas du tout comme ça. J'avais, voilà. Ossine vient de dire ce que je voulais dire. Je voulais vous inviter à ne surtout pas faire de distribution sauvage à Stalingrad et à plutôt déposer ici les affaires. L'appel aux chaussures, non, c'est super. Pardon, excusez-moi. Je voulais dire la même chose qu'Ossine. Déposer plutôt les dons matériels ici. L'appel aux chaussures, effectivement, il y a des gros besoins, mais plutôt dans certaines pointures. 39, 40, 41, 42, 43... en général, les Français sont un peu plus grands de taille que les réfugiés. Donc, si vous avez du XXL, c'est pas trop la peine non plus, quoi. Par contre, les sacs de couchage, n'hésitez pas, il y a un gros besoin. Et des tentes, des couvertures, ce que vous auriez de matériel de camping aussi. Et merci à tous, en tout cas. Et du dentifrice, oui, enfin des kits d'hygiène, voilà, en général. Merci à vous pour votre solidarité. De fou. Vous êtes toujours sur Radio Debout, on est sous notre tente et on est bien. Je dois le dire, juste une petite information sur ce qui se passe demain à 15h, place de l'Hôtel de Ville, il y a un rassemblement pour les jeunes mineurs, étrangers isolés. Donc voilà, c'est à 15h et je pense que c'est important qu'on y aille, voilà, ceux qui peuvent. Et maintenant, je suis en compagnie de Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour Radio Debout. Toi, en fait, t'es à la Gazette de la Place de la République, c'est ça? À la Gazette Debout. Tout à fait. On a lancé, il y a une semaine, un site internet qui s'appelle Gazette Debout. Le but, c'était un petit peu de retranscrire tout ce qui se passait sur la place pour expliquer toutes les initiatives, les commissions. C'est foisonnant, en fait, ce qui se passe Place de la République, et on veut l'expliquer aux gens. À la fois pour ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas venir Place de la République, mais aussi parfois ceux qui viennent ici et qui viennent vers moi et qui me disent « je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce mouvement ?» Ce serait un peu une source de renseignement objectif. Pardon, problème de micro. Ce serait un peu une source d'information à peu près objective sur ce qui se passe ici, en fait. Alors, objectif, je ne sais pas. C'est surtout... C'est du terrain. Ouais, voilà. On veut donner une autre vision de la Nuit Debout. Moi, j'ai pas envie que la seule chose qui reste de tout ça, ce soit des casseurs, des nuages de bombes lacrymogènes, comme ce qu'on voit dans les grands médias. Je voudrais expliquer ce qu'on fait, faire des témoignages, des reportages, des photos, parce que moi, ce que je vis ma nuit, c'est pas du tout ce que je vois dans les autres médias. Et alors, toi, à la base, t'es journaliste ou... Voilà, tout à fait, je suis journaliste. Mais attention, c'est pas un média journaliste, dans le sens où on prend tout le monde. Il y a pas mal de gens qui m'envoient des témoignages, c'est pas du tout des journalistes. Et le but, c'est pas de faire un média de journaliste, hein, c'est de faire un média collaboratif. Et alors, comment ça se passe? Vous êtes une équipe de plusieurs, vous prenez les contributions de tout le monde? Alors, on n'est pas très nombreux pour l'instant. Nous, on est deux à gérer le site. Et justement, on lance un appel aux contributeurs, à tous ceux qui ont envie de relayer l'information foisonnante qui se passe Place de la République. Voilà, qui viennent nous aider, soit à faire des photos, des vidéos, des reportages, des textes, on prend tout. Faut nous envoyer ça à gazettedebout@gmail.com ou venir nous voir sur le stand. Très bien. Et ce stand, il sera là ce week-end Voilà, on est là ce week-end. On va être, je sais pas encore où, parce que c'est vrai que c'est assez mouvant, mais on sera présent ce week-end. Et alors justement, si on veut t'envoyer un texte, un reportage, une vidéo, est-ce qu'il y a... une limite ou peu importe? Alors, on est sur le web, donc dans les faits, il n'y a pas de limite, mais c'est vrai que les gens, au-delà d'une certaine longueur, ils se lassent. Donc, quand c'est très très bien écrit, vous pouvez m'envoyer des pages et des pages. Mais sinon, c'est vrai que vous pouvez m'envoyer, quand vous arrivez à la fin d'une page à 4, vous pouvez vous dire que c'est fini. Voilà. Très bien, bah, c'est noté. Et donc, pour renvoyer, on va peut-être répéter. Voilà, donc le site, c'est gazettedebout.org. Vous tapez gazettedebout dans Google, on monte très bien. On est sur Twitter, sur Facebook. Et sinon, l'adresse mail, c'est gazettedebout@gmail.com. Très bien. Bah, merci beaucoup. C'est noté. Et puis, on relaye l'information. Et parlant web, nous, on a un nouveau site internet, radiodebout.net. Et on vous invite à aller le voir parce qu'il est tout joli, tout beau, tout nouveau. Voilà. Maintenant, on va peut-être faire un retour à l'AG, voir ce qui se passe. Un autre jour. Voilà. Donc, cette proposition, je l'ai fait il y a 2 semaines. Donc on en est toujours là. Est-ce qu'on va continuer à parler pendant des mois, jusqu'à juin ou jusqu'à mai ou jusqu'à un truc organisé par quelqu'un de... Ou est-ce qu'on est capable d'organiser quelque chose enfin? Voilà. Bah ouais, tous ensemble, on est capable de parler. Pendant 2 semaines, il n'y a rien acté. Je fais un vote. Qui veut voter ce soir pour discuter jusqu'à 1h du matin puisqu'ils m'ont chauffé? Ah, il y a peu de gens qui participent au vote, on va gagner, hein, les gars. Hein. Attention. Hein. Alors, qui est contre? Qui est pour? Merveilleux. Vous avez parlé? Eh bien, parlez bien. Merci. Ah, non, ça passe pas, non. Alors, ah oui, j'ai un point technique. Et donc, Bernard et Léo, elle, ensuite. Voilà, bonsoir, je m'appelle Iris, ça fait maintenant 20aine de jours que je viens tous les soirs, je suis assez active sur la commission logistique. Là, je prends un petit peu de recul pour voir un petit peu ce qui se passe sur cette place et être un petit peu plus avec vous. Et j'aimerais beaucoup que lors des interventions, chacun puisse se présenter et dire voilà, s'il vient en tant que citoyen ou militant ou s'il est actif sur une commission, pour que nous puissions tous nous rendre compte de l'architecture qui est en train de prendre cette assemblée populaire. Voilà, donc c'est un petit point technique, voilà, parce qu'on est intelligent et qu'on est tous capables de comprendre, donc voilà, qu'on sache qui s'adresse à nous. Voilà, c'était tout. Merci. Est-ce que Léo, elle, est là? Non. Est-ce que Kawaii Jaune est là? Non plus. Ah si. Du coup, ah non, pardon, excuse-moi. Bernard, pardon. Mais juste, attends, reste par ici parce que c'est toi juste après. Chers frères et sœurs, peuple de Paris, bonsoir. Ce que j'avais à dire, c'est pourquoi je suis là ce soir. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi vous êtes là? Il me semble que les politiciens français aujourd'hui sont en décalage avec leur histoire, sont en décalage avec leur passé, sont même en déclin par rapport à la brillantissime histoire de France. Et aujourd'hui, la jeunesse de France veut dire aujourd'hui que nous voulons un autre modèle sociétal. Nous voulons un autre avenir pour nos enfants. Nous voulons construire autre chose à nos enfants. Parce que ces politiciens, aujourd'hui, se sont érigés, dirigés dans une voie qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas, je dirais, représentative des vraies valeurs de la France, représentative des vraies valeurs que nous avons. Alors nous, peuple de France, peuple de Paris, je vous dis à tous, n'attendez pas que la France va mal pour vous réunir. N'attendez pas que les choses vont mal pour être solidaires. La France est liberté, égalité, fraternité. Si nous donnions plus de fraternité à ce pays-là, à tous les gens, à tous les jours, de jour en jour, je pense que ce pays-là, avec la force intellectuelle qu'elle a, avec tous les passés de philosophes qu'elle a, avec tous les hommes de lumière qu'elle a eu dans le passé, aujourd'hui, cette jeunesse de France, en 1940, était déjà là pour combattre l'irrationnel. Aujourd'hui, en 2016, elle est encore là pour combattre l'irrationnel. J'espère qu'en 2017, vous serez encore là pour dire oui, mais à une autre France, aussi, à ce moment-là, fidèle à ses valeurs. Merci à vous. Et nous voilà de retour sur le plateau de Radio Debout. Et donc, je suis avec Humaniste, qui est rappeur et membre du Ballet Citoyen. Bonsoir Humaniste. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le Ballet Citoyen ? Ouais, déjà merci pour l'invitation. Le Ballet Citoyen, c'est un mouvement de la société civile burkinabé. Voilà, en fait, c'est un collectif qui s'est monté avec deux artistes qui sont Samska et Smokey, qui ont lancé cette initiative en fait en juin 2013. Et il a largement en fait, il s'est largement mobilisé pour appeler au départ du dictateur Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui était en place là-bas depuis 27 ans et qui ne voulait pas quitter son siège. Alors est-ce que tu peux nous dire peut-être rapidement combien de temps ça a pris, comment ça s'est passé ce coup de balai pour mettre Compaoré dehors? Le Ballet Citoyen, c'est vraiment en fait un mouvement de résistance populaire. Donc c'est énormément en fait de mobilisation, de conscientisation et d'appel tout simplement au fait qu'on ne voulait plus d'un dictateur, on ne voulait plus en fait d'une personne clanique qui pouvait placer en fait toutes les personnes, tout son intérêt dans les mains d'une seule personne pour imposer sa volonté au peuple au détriment de tout le peuple burkinabé. Donc en fait le Ballet Citoyen, c'est un mouvement qui s'est fédéré, qui s'est mobilisé avec beaucoup de jeunes et qui a appelé justement au départ de Blaise Compaoré, ce dictateur en place depuis 27 ans. Et ça a pris combien de temps entre les prémices de la grogne et le moment où Compaoré est parti ? Le mouvement a commencé en fait en juin 2013 et l'insurrection, parce qu'on parle vraiment d'insurrection, a eu lieu le 29 et 30 octobre 2014. Donc entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup d'appels justement à la mobilisation, des meetings, des concerts, aller à la rencontre en fait de toute la jeunesse du Burkina Faso et d'ailleurs. Et puis simplement avec le fait qu'on voulait marteler le message non-stop à Blaise Compaoré qui voulait modifier la constitution en fait pour se représenter au pouvoir et rester encore comme un dictateur et imposer sa volonté. Alors tout à l'heure, on a Smokey, un des deux rappeurs qui a monté ce mouvement, qui est venu intervenir à l'AG et qui a vraiment encouragé les participants de Nuit Debout à continuer leur mouvement. Parce que après moi, il m'a raconté en dehors qu'au départ, quand le mouvement, le Ballet Citoyen avait commencé au Burkina, tout le monde regardait ça en disant « Ouais, c'est une bande de jeunes drogués avec des jeans troués aux genoux » et que finalement, ça a pris. Donc voilà, toi, en tant que membre du Ballet Citoyen Ambassade France, t'es membre de la partie française, comment est-ce que tu regardes un peu Nuit Debout ? Moi, je regarde Nuit Debout vraiment avec beaucoup d'intérêt parce que c'est aujourd'hui un espace qui permet le dialogue citoyen, qui permet la mobilisation, qui permet une prise de conscience. Il y a énormément de cercles, il y a énormément de sujets qui sont débattus de société et on dit souvent que l'avenir appartient aux idéalistes, aux utopistes, mais moi je suis plutôt dans une démarche en disant que ce qui se passe réellement là, c'est la réalité. Ce qui est en train d'être discuté là, c'est réellement le sentiment de beaucoup de Français et de cette société. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont représentés là, au lieu de chercher par tous les moyens à les décrédibiliser, aujourd'hui, il faut les encourager, il faut les soutenir. Et c'est là notre démarche, en fait. Elle est réellement authentique et on est vraiment dans les valeurs de notre mouvement Ballet Citoyen, c'est-à-dire se réapproprier ce dialogue citoyen pour le peuple. Voilà. Et dans quelle mesure est-ce que tu vois des parallèles vraiment entre peut-être la façon dont ça s'est construit et la façon dont ça semble se construire ici ? En fait, c'est vraiment déjà cette prise de conscience, le dialogue, créer des espaces de dialogue, de réflexion, d'incitation justement à ce que cette conscience puisse être mise après en action avec ce type de cercle de réflexion. Voilà, aujourd'hui, faire des AG, il y a énormément de personnes, ça peut être quelqu'un de lambda, comme certaines personnalités, entre guillemets, qui viennent, qui s'expriment, qui font part de leur expérience, qui font part de leur vécu. Et vraiment, ben, c'est plus qu'un côté magique, c'est simplement aujourd'hui constater ce qui se passe et l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où il y a beaucoup d'espaces de discussion sur Facebook, des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais il y a très peu aujourd'hui de médias généralistes qui ont un large public et qui permettent ce type d'expression. Donc c'est en l'occurrence des médias comme aujourd'hui Radio Debout qui permettent ce dialogue. Et est-ce que tu peux peut-être, parce que donc voilà, toi tu fais partie de la branche... Ah ben bah il nous reste, alors, toi t'es un rappeur, j'aimerais savoir, justement, selon toi, pourquoi est-ce que les artistes ont une importance et ont un rôle à jouer dans ces mouvements de la société civile ? Bah, aujourd'hui c'est simple, un artiste en 3 minutes 30 quand il te fait un morceau, il peut te balancer de l'émotion, il peut te faire passer un message, il peut te faire rire, il peut te faire pleurer. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'il y a de mieux que toucher les gens par les sentiments, par les émotions pour faire passer un message, pour faire passer aujourd'hui un sentiment, un grondement de révolte et puis l'envie de s'engager tout simplement. Voilà, c'est ce qui s'est passé au pays avec des artistes qui ont vraiment conscientisé par leur musique. On peut parler du grand frère Smokey. Et moi, je terminerai juste par cette petite phrase-là qui a aussi déclenché cet engagement, on va dire, vraiment dans l'acte. C'est vraiment cette phrase en ayant l'idée en tête de passer de la parole à l'acte. Bah justement, est-ce que tu nous ferais un petit son, là, un petit rap pour passer de la parole ouais, à l'acte ? Carrément. Ben, ça fait un petit truc du genre... Il est temps d'avancer, de saisir notre chance. Vu du ciel, c'est le rêve. Sur la terre, il s'arrête. Je veux que mon Afrique se lève. Le général le plaide. Qu'on arrête de dire à l'aide et voir l'Afrique comme un problème. Une autre Afrique est possible. En bousculant nos différences, un autre monde est possible. Message au président d'Afrique. Marre de voir des pompes afriques. Que nos richesses sont extirpes. Que la pauvreté s'applique. Tout ça qu'on l'explique. C'est la belle vie royale. Et le peuple rêve la dalle. Quand on s'envoie la balle. Mon Afrique est instable. Mais jusqu'à certains stades. Jusqu'à l'étincelle inévitable. Inévitable ce soir, place de la République pour Radio Debout Humaniste. Merci. Et merci vraiment, merci beaucoup Humaniste. Et merci. Merci. Merci. Ben, un grand merci à vous, à tous les journalistes, les activistes de Radio Debout, à tout ce qui se passe aujourd'hui. Un gros clin d'œil aux palestiniens et un gros big up aussi aux grands frères Smokey et à tous les camarades qui sont au pays. La mobilisation continue. On est vraiment ensemble, voilà, d'ici à là-bas. Merci c'est beaucoup. Comme ça que ça se passe. On est ensemble et on retourne à la GEDEC. Merci. 18h demain, métro Alma Marceau ou départ groupé ici vers 17h. Mais n'oubliez pas d'y être parce que tout le monde ne part pas de la place de la Réunion, de la place de la République. Excusez-moi pour le lapsus historique du droit au logement. Merci beaucoup. Est-ce que la commission immigration est là ? Très bien. Et j'appelle du coup Mathilde ensuite à se préparer à parler. Bonsoir à tous et à toutes des nuits de vous. En fait, je suis là depuis au début. Mais je les ai même parlé de notre coordination. En fait, je l'avais parlé, mais j'aime bien préciser dans un mot qui... Dans notre côté de l'immigration, on a mis cette nom à mise en place. On appelle à la place de la République, place de Sissoko Hansman. En tant que la personne qui était souffri sa vie pendant 20 ans, derrière toute l'immigration. Et aujourd'hui, j'aime bien toutes les nuits debout qui a porté cette nom pour moi. Place de la République, on va censer son nom, on dit que place de Sissoko Hansman. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que je voulais vous dire. Demain, à partir de 15h, toutes les citoyennes et tous les citoyens qui diraient les mineurs isolés, ils vont faire un rassemblement devant l'hôtel de ville à partir de 15h. Donc tout le monde est invité. Après le rassemblement, on va se trouver à Stalingrad pour réunir avec les réfugiés qui dorment là-bas. Ça c'est qu'on a 300 personnes qui dorment à Stalingrad aujourd'hui. Comme tout à l'heure, les camarades viennent de le dire, ils ont besoin de beaucoup de choses. Mais pas que le soutien seulement venir passer vous à mes sens. Je vous invite à insister à cette réunion demain pour pouvoir parler avec eux, à savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est où ils sont. Et puis, c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble. Moi, personnellement, chaque soir, j'allais parler à eux pour dire ce qu'ils venir insister ici. Mais malgré que j'ai été seul, donc je n'arrive pas à sensibiliser, mais j'ai besoin de vous. Nuit debout qui participer avec eux, comme ça, et ils vont bouger quoi. Lutte continue, je m'arrête là, merci beaucoup. Voilà, il y a plusieurs personnes qui a déposé les matériels ici. On a besoin d'un bagnole pour déposer les habits à Stalingrad. Merci beaucoup. Radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout. Toujours en direct depuis la place de la République pour la Nuit Debout, c'est Radio Debout. Et puis il y a des Radios Debout, un petit peu partout. On va rejoindre notre correspondant lyonnais. Arnaud, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Salut Arnaud, est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles ? On t'avait eu il y a 2-3 jours, mais depuis plus de nouvelles, depuis vous êtes toujours sur la place Guichard ? Oui, au contraire, de plus en plus, la logistique se met en place, la routine s'installe, donc il y a beaucoup de monde. Là. À l'heure actuelle, en fait, les gens sont répartis en petites commissions pour travailler, pour discuter, et puis d'ici une demi-heure, il y a un retour en AG. Donc un petit peu comme tous les soirs, on estime à plus de 1000 personnes, c'est ça, qui se réunissent tous les soirs à Lyon ? À peu près entre 700 et 1500 selon les jours, ouais. Et alors, au-delà des commissions, des assemblées générales, il me semble qu'il s'est passé un truc un petit peu particulier hier soir à l'issue de l'AG. Alors ici, à l'issue de l'AG, en fait, il y a eu pas mal de discussions, en fait. La plupart des gens commencent à avoir envie de faire autre chose que discuter. Et il y a eu des propositions en fait, d'occupation d'un certain nombre de lieux symboliques qui ont été proposées, notamment l'hôtel de ville, enfin les projets de l'hôtel Dieu, il y a eu enfin, beaucoup de choses qui ont été discutées. Et à la fin, devant ces lieux étant extrêmement loin et c'était un peu compliqué, en fait, il y a une manif sauvage qui est partie, et qui est partie en fait, dans les alentours, dans un rayon de 500 mètres, et qui est partie détruire les vides de la PAF, la police aux frontières, après et du TG et d'une banque. Ok, donc il y a eu une petite manif sauvage qui a dit qu'elle n'était pas trop d'accord avec ce qui se passait dans les tribunaux et avec la police aux frontières, en gros c'est ça. C'est ça, ouais. Non, une manif de revendication en fait pour continuer à inclure. Enfin, tous, vu qu'il y a pas mal de militants aussi qui sont présents, c'est pour en profiter pour donner leur avis. Tout ça s'est passé dans la joie ? Ah oui, c'était plutôt joyeux. Enfin, en fait, à un moment donné, la manif était partie plutôt facile. Quand il y a eu les premières dégradations, enfin, il y a eu un certain nombre de personnes qui s'en sont dissociés, mais sinon, après, le reste a continué tranquillement, avec aucune force de l'ordre présente, plutôt dans la joie qu'autre chose, ouais, clairement, au contraire, plutôt en chanson. Il y a eu une confrontation avec la police ? Non, ça c'est une chose qui nous a étonné, c'est que la police n'était absolument pas présente, et on les a jamais vus, même après. Enfin, après, on a su qu'ils traînaient dans le coin, mais des gens de Nuit Debout sont allés discuter avec eux, et la vie générale de la part des forces de l'ordre, s'il n'y avait plus aucun bruit, et Nuit Debout pouvait tranquillement rester sur la place sans problème. Aujourd'hui, on a pu lire un communiqué de la préfecture du Rhône qui menaçait d'interdire les Nuits Debout. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que la trêve du Rhône, en fait, Nuit Debout Lyon, en fait, a été déposée par 3 personnes à titre individuel. Il n'y a pas d'assaut, enfin, au niveau de l'autorisation de préfecture. Donc la préf a convoqué ces 3 personnes pour discuter avec eux et leur a expliqué que clairement, enfin, de leur point de vue, c'était si c'était passé, c'était inadmissible. Enfin, tout ce qu'ils racontent d'habitude. Et qu'en fait, ils sommaient les gens, les organisateurs de Nuit Debout, de régler le problème, et sinon, il y aurait une expulsion de la place. Sauf qu'en fait, les personnes qui étaient sur place ont répondu que le seul truc auquel ils pouvaient s'engager, c'était d'effacer le message, vu qu'en fait, Nuit Debout n'existant pas, à part mettre en place une police interne, qui est totalement inadmissible, inenvisageable, ce genre de choses, personne n'avait de pouvoir là-dessus. Quoi. Donc, a priori, les tentatives de division, c'est ce genre de débat qui peut créer des divisions J'imagine dans un mouvement comme Nuit Debout. Bah justement, là, depuis le début de la soirée, il y a énormément de discussions par rapport à ça. Il y a en fait, sur un site qui s'appelle Rébellion, en fait, il y a des gens qui ont posté un article pour donner leur point de vue sur Alors, cette manifestation. On t'entend moins bien, là, du coup ? Tu m'entends moins bien, ouais. C'est mieux là ? Ouais, là c'est mieux, ouais. Ouais, non, en fait, donc il y a un certain nombre de personnes qui ont donné leur avis, en fait, qui ont participé à l'action, qui ont donné leur avis en expliquant qu'ils se dissociaient absolument pas de Nuit Debout, qui trouvaient en fait que c'était une action qui était complémentaire et qu'il fallait au contraire continuer du Nuit Debout et que les deux étaient parfaitement possibles en parallèle. Après, il y a eu pas mal de discussions, notamment sur Internet, avec des gens qui les insultaient de tous les noms. Et là, il y a un gros groupe qui réfléchit à la mise en place d'une charte. Mais bon, mais sans avoir aucun moyen pour pouvoir l'appliquer, donc c'est... Absolument, en fait, l'AG n'était pas, il n'y avait pas une opposition franche et massive à ce qui s'est passé hier, au contraire. Ok, en tout cas, c'est une nouvelle fois la multiplication des actions et la diversité et des moyens de lutte qui font ces mouvements. Merci, Arnaud, quelque chose à rajouter ? Ouais. Non, mais oui, non, juste pour compléter, c'est en fait notamment du fait que seuls des bâtiments publics en fait, ont été attaqués, c'est notamment dans les discussions, et qu'au terme bien privé a été dégradé, ce qui a permis en fait, une bonne adhésion de la part du groupe. Et juste une dernière chose, c'est que Nuit Debout Lyon a appelé en fait la CGT pour appeler une grève générale et enfin apporter son soutien à la CGT et à tous les syndicats qui se manifestaient et qui y a un appel général de la part de tout le monde pour le 28. Pour le 28 avril du coup. Le 28 avril, la grosse manif, Nuit Debout et tous les réseaux qui sont derrière appellent une mobilisation générale. Merci beaucoup Arnaud. À bientôt. À bientôt. Et puis on continue le petit tour de France. On est toujours en direct depuis la place de la République à Nuit Debout Paris. On sait qu'il y a des Nuits Debout un petit peu partout. On sait qu'il y en a des quotidiennes à Toulouse. Hier soir, une chanteuse nous informait qu'il y en avait dans un petit village de 4500 habitants dans le sud-ouest. Hier, samedi dernier, il y en a eu dans un petit village de moins de 2000 habitants dans les monts du Lyonnais. Et puis on apprend ce soir qu'il y en a de manière quotidienne depuis 14 jours à Morlaix. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Toi, tu es à Morlaix d'habitude et tu es là ce soir ? Oui, je suis là ce soir. Je travaille sur Paris et j'habite à Morlaix. Morlaix, c'est combien d'habitants ? Bah justement, je regardais 14-15 000 habitants, quelque chose comme ça. Et vous tenez tous les soirs depuis 14 jours ? On tient tous les soirs, on est à peu près 50 personnes et on a réussi à faire une projection du film Merci Patron à l'arrache sur l'esplanade devant la mairie. On est au kiosque et il y avait à peu près 200 personnes. Ça ressemble à quoi une Nuit Debout à Morlaix ? C'est un peu comme ici mais en version miniature avec une grosse AG, des stands associatifs, une radio, ou ça n'a rien à voir ? Alors en version miniature, ça a à voir un petit peu. On a une radio aussi depuis le premier soir et on n'a pas encore réussi à faire la convergence de lutte, mais on est en train de la travailler. On est sur la place, on échange, on discute. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent de partout. Il y a des associatifs, il y a des militants politiques, il y a également des citoyens qui sont engagés. Et puis il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds là-dedans et qui reviennent prendre la parole. C'est un espace de discussion pour l'instant où il y a aussi des actions qui partent de Nuit Debout pour partir à l'extérieur, comme on le voit ici ou comme on l'a entendu hier soir à Lyon. Alors c'est espace de discussion et puis on a mis en place des ateliers, ateliers action, ateliers communication, ateliers également transmission de savoir. Éducation populaire et puis la communication, j'ai dit. On a fait une première action le soir, en fait, on a redécoré la Société Générale et on a mis Société Panaméenne et ça a fait pas mal de tours, a priori. Merci Vanessa, tu disais, donc il y a Nuit Debout Morlaix, pas très loin, il y a Nuit Debout Brest. Qui est beaucoup plus grand que nous, il y a Quimper, mais qui ne tiennent pas tous les jours, je crois. Il y a Vannes, dans le Morbihan, il y a également Lannion, j'ai peur d'en oublier, Concarneau, Lorient, ça commence à se développer bien en Bretagne également. En tout cas, il y en a un petit peu partout, parce que c'est vrai qu'à Paris, on a ce discours, en tout cas dans les médias mainstream, de dire que la place de la République est une sorte de d'îlot qui n'existerait presque pas, en tout cas que ça n'existe pas ailleurs en France. Pas du tout, ça existe vraiment ailleurs en France et on a même une maire qui est de droite et qui veut vraiment nous faire dégager parce qu'elle a dit qu'on violait la loi des biens et de l'espace public. Et puis vous avez Radio Debout Morlaix. Et on a Radio Debout MixLR, Radio Debout Morlaix, on peut nous écouter, nous réécouter aussi en live ou après, 13 jours qu'on tient et voilà, toute la semaine on va tenir encore je pense. Merci Vanessa, on salue donc les gens qui sont en AG à Morlaix et puis on va repartir à l'AG parisienne qui est à quelques mètres du studio de Radio Debout. Radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout. En 2009, nombreux d'entre nous avions dit non pour plein de raisons, par rapport aux risques sanitaires, par rapport aux risques environnementaux, par rapport aux risques sociaux, économiques, éthiques, démocratiques. Et on nous a fait croire en fait qu'on avait été compris, qu'on avait gagné. On a posé un moratoire sur un seul OGM. Et sur la technique qui était la transgénèse. Aujourd'hui, il y a urgence. Et du coup, peut-être ici, c'est l'occasion de faire converger certaines luttes pour dire qu'il y a plein de nouvelles techniques qui arrivent et qui sont en débat aujourd'hui pour faire rentrer ce à quoi on a dit non par d'autres portes en ne les nommant pas OGM. On appelle ça, nous, les nouveaux OGM cachés. Je vous invite donc, pour réagir à ça et pour vous informer, à aller sur les sites de Greenpeace, des Amis de la Terre, pour signer une pétition en ligne pour refuser ces techniques, ces OGM. Donc voilà, c'est une action concrète pour dire qu'en effet, il y a un problème au niveau de techniques qui sont des outils de colonialisation et de brevetage du vivant. Et que par rapport à ça, il faut réagir maintenant. Parce que par contre, si on n'arrive pas à dire non, les conséquences de la mise en place de ces techniques, elles sont irréversibles. Donc on a besoin de dire non maintenant, même s'il y a beaucoup de combats à mener de front. Merci beaucoup. Ah, on a un point technique justement par rapport à ça. Je vais juste vous préciser, je ne sais pas si vous avez lu, il y a la Chine aujourd'hui qui disait être contre les OGM alimentaires, qui aujourd'hui finalement accepte l'OGM alimentaire. Et elle met déjà en place l'OGM coton qu'elle utilise. Merci. Est-ce que Nadjat est avec nous pour prendre son tour de parole? Non. Non, non, non, non, non, ok. Alors j'appelle Abris. Est-ce que Abris est avec nous? Non plus. Alors j'appelle Alain S. Et Samantha peut se préparer. Bonsoir tout le monde. Alors je rappelle que moi je suis un cofondateur de la commission Perspectivée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je rappelle que je suis un cofondateur de la commission Perspective et Programme qui se réunit tous les soirs en face de la sortie du métro. J'ai participé à la réunion d'hier soir à la Bourse du Travail et j'ai entendu M. Lordon. Et je dois dire que je suis un petit peu réservé sur ce que j'ai compris, parce que le monsieur, lui, veut lutter contre le néolibéralisme, je cite. Or, ici, je pense que la majorité des gens qui viennent ici ne sont pas spécialement là pour lutter contre le néolibéralisme, pour le substituer à un capitalisme dirigiste et ultra-autoritaire, hein, à visage humain éventuellement, mais pour construire un nouveau monde libéré des mécanismes d'exploitation. Donc je pense que M. Lordon devrait quand même clarifier ses positions, notamment par rapport à l'abolition des mécanismes d'exploitation. Alors nous, notre commission, elle est assez active. Demain, on organise autour de la plateforme, donc on a un blog qui s'appelle plateforme2016.haut-et-fort.com, une distribution de cette plateforme, demain à la Gare du Nord. Donc ceux que ça intéresse, ils peuvent venir soit tôt le matin à 7h30, hein, soit l'après-midi à 16h devant la maison ensablée à la Gare du Nord. Alors je rappelle quelques grandes lignes de ces propositions, parce que je pense que le mouvement Nuit Debout ne doit surtout pas accoucher d'un Podemos, hein, qui comme chacun sait trahit et aujourd'hui s'allie avec la frange franquiste des militaires en Espagne, pour tout, c'est tout dire, mais porter un programme qui porte des perspectives très concrètes, c'est-à-dire le plafonnement des revenus de 1 à 4 maximum, parce qu'il s'agit aujourd'hui de sortir de l'indigence et de la misère des millions de personnes, augmenter les salaires, assurer un revenu décent à tous, et puis aussi limiter le temps de travail maximum à 25 heures. Voilà en quelques lignes notre plateforme que vous pouvez éventuellement consulter dans le tract qui est là. Merci à vous pour votre écoute et j'espère que j'ai pas été trop long. Au revoir, camarades. Merci à toi. C'est donc à Samantha de prendre la parole et écouter, parler, comprendre. Radio Debout. Rendez-vous sur le SoundCloud pour le podcast. Et nous sommes toujours en direct de la place de la République en ce 52 mars. Vous écoutez toujours Radio Debout et on vous annonce aussi que nous avons un nouveau site internet. Si vous voulez nous écouter, c'est radiodebout.net. Donc nous sommes toujours installés sous la bâche avec notre petite lumière et la petite guirlande comme tous les soirs maintenant. Et nous sommes en ce moment en ligne avec Steven de lundi matin. Bonsoir. Salut Steven. Oui, bonsoir. Tu nous entends bien? C'est Steven. Ouais, très bien. Donc l'émission aujourd'hui est un petit peu consacrée aux médias. On s'intéressait justement à Lundi Matin, qui est une revue en ligne. Vous publiez tous les lundis matins depuis maintenant un an. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on peut retrouver sur Lundi Matin? Alors on trouve un peu de tout. On trouve des chansons, de la philosophie, des récits d'émeutes, des interviews, on trouve des choses très très diverses, à vrai dire. Et le pari de lundi matin au départ, c'était de se dire que il fallait être capable de produire une information qui était absolument neutre, à savoir celle que nous on aurait aimé trouver dans les médias. Et l'idée aussi, c'était que à prendre un peu le contre-pied de ce qui se passe habituellement sur Internet, plutôt que d'être dans une espèce de foisonnement d'informations et d'articles pour chasser du clic, plutôt produire peu de choses, mais des choses qui nous paraissent à nous, en tout cas, de qualité. Et ça venait en fait d'un constat. Qui est que si d'un côté on se dit que la société française s'effondre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une espèce d'unité de la société française avec une espèce d'opinion générale, moyenne et médiane, ce qui se passe, c'est que ce que tout le monde veut, en fait, c'est des espèces de prises de parti, c'est des espèces de lectures du monde qui disent plus que l'espèce d'humanisme gnangnan qui a dominé dans les médias pendant longtemps. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, qu'est-ce que ça signifie que de montrer le monde à travers les lunettes qu'on a nues, quoi. En gros, partager une manière de regarder le monde qui est celle des différentes personnes qui y contribuent, plus que faire de la propagande ou plus que je sais pas quoi. Alors, du coup, tu dis que vous essayez de publier en fonction un peu de votre lunette à vous, enfin de votre prisme. Mais c'est un peu en contradiction avec cette espèce de volonté de rester neutre, en fait. Ben non, parce que peut-être que la seule vraie neutralité, c'est de partir, en fait, de la manière dont on perçoit le monde. De la manière dont on n'a pas bien entendu, de la manière... Peut-être que la seule véritable neutralité, c'est de partir de la manière dont on perçoit le monde. On perçoit réellement, sensiblement, on perçoit affectivement, finalement. Donc rester en... On ment pas sur ce qui nous interpelle, sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous... Ouais, on manipule pas. Il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent pas. Et c'est peut-être ça, en fait, la vraie neutralité, c'est de partir de quelque chose qui aurait à voir avec les formes de vie, par exemple. Sur une forme de... On t'entend pas très bien, Sylvain. Pardon, excuse-moi. De partir de quelque chose qui aurait à voir avec les formes de vie. Par exemple, c'est notre rapport au monde, notre rapport éthique au monde, c'est ça la chose la plus neutre qui existe. C'est ça le point de vue le plus honnête qui existe sur le monde, à mon avis. Alors depuis le début de La Nuit Debout, il y a toute une partie sur votre site qui est consacrée quand même à La Nuit Debout, avec des positions assez radicales et minoritaires sur l'usage de la violence. Comment vous vous positionnez, vous, là-dessus? Est-ce que vous êtes... comment vous écrivez les textes? Parce que vous êtes quand même plusieurs, donc comment vous... Est-ce que vos positions sont tranchées? Vous êtes tous d'accord là-dessus? Ou est-ce qu'il y a des débats en interne entre vous pour savoir comment vous vous positionnez sur ces questions-là? Alors, lundi matin est absolument pas un média radical. Hein, on a juste la prétention de dire ce qu'on pense. Ensuite, c'est une question qui est un petit peu compliquée parce qu'en réalité, il y a des dizaines de personnes qui participent à lundi matin, vraiment des dizaines et des dizaines un petit peu partout dans le monde, qui sont des amis qu'on peut avoir depuis de longue date. Et donc, la rédaction de lundi matin l'opinion de la rédaction de lundi matin ne coïncide pas forcément avec tous les articles qui sont publiés. Nous, on publie des choses qui nous paraissent être intelligentes, amener quelque chose dans le débat. Et donc, on n'est pas d'accord avec tout. Sur la violence, je dirais, là, du point de vue de la rédaction, qu'on pense que c'est un petit peu un faux problème. La question de tout mouvement politique, c'est la question des moyens, la question de ce qu'on veut mettre en place. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on propage quelconque idéologie de la violence. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne propage pas non plus une idéologie de la non-violence. Et surtout, penser que c'est minoritaire, dire que dans le mouvement contre la loi El Khomri et autour de la Nuit Debout, les gens qui s'affrontent avec la police seraient minoritaires, ça me paraît être un petit peu de mauvaise foi. De fait, moi, personnellement, j'y suis allé un certain nombre de fois, et à chaque fois que j'y suis allé, il y avait massivement des gens qui étaient tout à fait disposés à ne pas se laisser mater et impressionner par la police. Dans les gens qui écrivent pour lundi matin, c'est des personnes qui sont assez proches du comité invisible. C'est un livre, notamment le dernier à nos amis, qui est pas mal dans les poches de plusieurs de pas mal de gens moi que j'ai pu croiser sur la place de la République. Comment vous regardez ce mouvement de Nuit Debout de là d'où vous parlez? Alors je ne comprends pas du tout le rapprochement que vous faites avec le comité invisible et à nos amis, mais après s'il y a des gens qui je pense que c'est des très bons livres et j'incite les gens à les lire, mais il y a évidemment absolument aucun lien entre lundi matin et le comité invisible, si ce n'est peut-être dans quelques officines obscures de la DGSI. Après nous comment est-ce que nous, à lundi matin, on voit ça? On trouve que c'est très, très enthousiasmant, Nuit Debout. Et pour être honnête, on trouve ça d'autant plus enthousiasmant que, a priori, on avait du mal à voir ce que ça pouvait donner d'intéressant. Quand on a vu les appels, on était un peu dubitatif. On se disait, bah, qu'est-ce que ça peut donner? Et notamment parce qu'on a pu voir ce qu'ont pu donner les mouvements des places en Espagne et en Turquie et en Grèce. Et là, de fait, je pense que il y a évidemment, on a forcément un rapport très très ambivalent et paradoxal à quelque chose comme Nuit Debout, précisément parce que Nuit Debout n'est pas une entité politique donnée, mais en tant que lieu de débat, peut-être pas d'élaboration pour le moment, mais en tant que lieu de débat et d'ouverture, c'est-à-dire que quand on vient sur la place et qu'il y a des milliers de gens qui discutent de comment en finir avec le capitalisme et de quels moyens se donner pour en finir avec le capitalisme, c'est quelque chose qui, nous, à titre personnel, hein, pas à titre éditorial, à titre personnel, nous réjouit énormément. Ensuite, c'est certain que là, on est probablement à un moment un petit peu clé du mouvement. Soit on va se contenter d'une espèce de rassemblement un petit peu sans puissance, c'est-à-dire sans être capable de mettre quelque chose en place, soit quelque chose va se mettre en place qui sera de l'ordre d'un nouveau Podemos français qui, à mon avis, signifiera, comme en Espagne, la mort du mouvement, soit il y a des nouvelles formes qui sont trouvées. Et là, pour être tout à fait honnête, ce à quoi travaille la rédaction lundi matin, c'est plutôt essayer de voir quelles sont les espèces de possibilités qui semblent un petit peu émaner, de possibilités politiques, de polarisation politique qui semblent surgir à Nuit Debout. Et tout, parce que là, ce qui manque, vu de manière un petit peu sporadique, hein, ce qui manque, c'est quand même vraiment quelque chose qui a à voir avec un débat, quelque chose qui a à voir avec une élaboration de qu'est-ce que serait une perspective révolutionnaire aujourd'hui. C'est, à mon avis, c'est ça la question qui doit se poser. C'est là, grosso modo, on voit qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui veulent en finir avec la gouvernementalité actuelle et avec le capitalisme de manière générale. C'est une force qui est de fait pas assez nombreuse pour dégager Valls et Hollande de leur siège, mais c'est une force qui est beaucoup trop nombreuse pour rentrer chez elle. Et donc la question, c'est l'espèce d'espace un peu bizarre dans lequel on se trouve, à savoir on a une puissance, mais elle est limitée. Qu'est-ce qu'on arrive à faire de ça? Comment est-ce qu'on fait pour que ce truc de Nuit Debout se transforme en une élaboration politique dense et puissante? C'était des questions d'ailleurs qui étaient posées dans le dernier livre du Comité Invisible, pour venir là-dessus. Donc il y a une potentialité d'insurrection qui peut partir de Nuit Debout. Ça serait un peu présomptueux de dire ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les insurrections commencent par des gens qui se retrouvent, qui discutent entre eux et qui deviennent plus intelligents ensemble. Ça, c'est certain. C'est un bon début. Ça ne signifie pas que Nuit Debout va produire une insurrection, mais ça signifie que toutes les insurrections commencent par ce qui a été au départ de Nuit Debout. Et alors, on a vu qu'il y avait potentiellement une version papier dans le cadre de la Nuit Debout de lundi matin. On y travaille, on va essayer d'avoir pour demain une version papier de lundi matin, mais on a encore beaucoup d'heures de travail et donc on n'est pas encore tout à fait certain d'avoir. Mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que soit ce week-end, soit à partir de lundi mardi, il y aura des publications papier de lundi matin, et j'ai même entendu parler de versions gratuites à nos amis du comité invisible qui sont diffusées massivement. Donc il y a quand même quelques petits liens. Incroyable. Et cette version papier de lundi matin, on pourra la trouver sur la place, ailleurs? Ouais. Je pense, enfin, pour du point de vue de la rédaction de lundi matin, encore une fois, je suis Steven Manager. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment pas de ramasser des clics, parce que de fait, personne n'est payé parmi nous et on n'a aucun intérêt à ça. Par contre, des textes qui posent un certain nombre d'idées, un certain nombre d'analyses et un certain nombre de débats soient diffusés et soient propices à des discussions. À des débats et à des actions, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, je pense que la propagande, ça nous a toujours apparu être un truc un petit peu 19e siècle. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt ce qui peut émaner des idées, beaucoup plus que le fait de convaincre un tel ou un tel, on s'en fout. Là, la question, là, clairement, tout le monde le sent bien, la question à Nuit Debout, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on vise. Merci beaucoup. S'il y a des versions de lundi matin passées qui sortent, c'est pour être le prétexte en fait à poser ces débats-là. Merci beaucoup Steven pour cette intervention. Et on va te laisser continuer d'écouter Radio Debout, parce que tu nous disais que tu écoutais Radio Debout au bureau en ce moment, juste avant qu'on te prenne en onde, c'est bien ça? Ben oui. Voilà. On travaille beaucoup lundi matin. Ben, merci beaucoup. Et on le fait pour la bonne cause, pour l'insurrection évidemment. Merci bien. On va repartir du côté de l'Assemblée Générale. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Debout en direct de la place de la République. Internet. Aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui peut faire la différence. Donc ma proposition est la suivante. C'est de créer un site internet sur lequel on hébergerait un nombre incalculable de gens. Vous pouvez tous vous connecter, vous pouvez tous trouver un moyen de rentrer dessus et de créer des thématiques. Et sur ces thématiques, on créerait des sujets sur lesquels on pourrait s'exprimer, sur lesquels on pourrait... Pardon, mais t'étais sur une opposition radicale, il faut aller beaucoup plus vite. Point technique après, ok. Mais faut que tu finisses, ok, tout simplement, créer un site web sur lequel on donnerait nos idées, où vraiment on pourrait s'exprimer, où vraiment on pourrait donner notre opinion. Merci beaucoup. Et on a un point technique. Bonsoir tout le monde. Bon, je me présente aussi. Moi, c'est Florian. Ça fait 3 semaines que je suis là. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est déjà en place. C'est-à-dire qu'on a déjà des sites internet où on relaye l'information. Par exemple, wiki.nuitdebout.fr. Alors, si vous pouvez sortir vos stylos, vos smartphones pour noter. Voilà, wiki.nuitdebout.fr, une centralisation d'informations. Il y a le programme qui est diffusé quasiment tous les jours sur les 2 ou 3 jours qui suivent sur nuitdebout.fr. Il y a un chat aussi qui s'appelle chat.nuitdebout.fr, où tout le monde est invité à discuter. Et il y a aussi une plateforme qui est en train de se mettre en place, une plateforme de vote sur internet, sur un site qui s'appelle Lumio. Je vous invite à aller le regarder, parce que pour l'instant on n'est que 15 entre les développeurs et les gens qui sont intéressés à la commission numérique et à la communication, qui sont en train de poser des questions et de tester le site internet qui s'appelle Lumio, L-2-O-M-I-O. Voilà, je vous invite à aller voir wiki.nuitdebout.fr, chat.nuitdebout.fr, nuitdebout.fr et Lumio dans la section Nuit Debout. Bonne soirée. Merci à toi. Donc Mickaël qui attend depuis très très longtemps. Et j'appelle Nora ensuite à venir s'exprimer. Alors bonsoir tout le monde. Ouais. Bonsoir tout le monde. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je m'exprime comme ça en public. C'est pas forcément évident. Je vais vous demander d'être tolérant, plus fort. C'est bon comme ça? Ouais. Ok, donc bonsoir tout le monde. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Mickaël, 32 ans. Je suis enseignant en sciences économiques et sociales. Et... plus fort encore ? Oui, alors très rapidement, je vais essayer d'être très bref. Ma vision sur le mouvement Nuit Debout, j'ai comme l'impression que c'est un objet politique non identifié. Personne n'arrive à comprendre, à apprivoiser le phénomène, qu'il s'agisse des politiques, des médias. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Habituellement, on entend souvent des politiques, des journalistes nous dire... Il faut faire la pédagogie, il faut nous expliquer telle chose, que ce soit Pujada, j'ai encore écouté Yves Calvi tout à l'heure, il faut nous expliquer la vie. Et bien là, c'est l'occasion de renverser les choses. C'est à nous de leur expliquer c'est quoi Nuit Debout, c'est à nous de leur expliquer ce qu'il faut faire, c'est à nous de leur expliquer nos projets de société. Voilà. Et autre chose, donc ça, ça passe par quoi? À mon sens, ça passe par une nécessité de réenchanter, j'ai envie de dire, le lien social de proximité. Parlez-en à vos voisins, parlez-en à votre famille. Moi, j'en parle à ma famille guadeloupéenne. Ils me parlent du LKP et vraiment, on a des choses à apprendre. Parlez-en au travail, j'en parle à mes élèves. Il n'y a pas de galère, ils sont énervés, ils sont vénères. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, véritablement, véritablement. Donc, je finirai juste là-dessus. Je finirai juste là-dessus. Bah, j'ai perdu le fil. j'ai perdu le fil. Oui, oui, j'étais en train de parler de ma famille, effectivement. Et du coup, bah, l'émotion qui prend le pas. Mais simplement, j'ai perdu le fil. Bon, pour le coup. Non, ça va me revenir. Ça va me revenir. Eh bien non, je ne crois pas. Une chose que j'aime bien dire, pour ceux qui doutent du mouvement, eh bien, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Étienne de la Boétie, qui nous racontait que les grands ne sont grands juste parce que nous sommes à genoux. Donc, levons-nous. Voilà. Merci beaucoup. Radio debout. Ouais, vous en avez rien. Oui, donc nous voilà sur Radio Debout, alors pour un plateau spécial banlieue et médias. Donc je suis avec Samba, qui est journaliste. Bonjour. Ayan et Mohamed, qui est journaliste. Bonjour, et, non, pas vraiment journaliste, membre d'une équipe qui gère un site, mais pas et bien voilà, et bien membre d'une équipe qui gère le site Quartier 21. Voilà, donc tout d'abord, on va partir écouter un petit reportage qui a été pris hier soir pendant l'AG des Nuits Debout à Saint-Denis. La situation est... Elle... À Saint-Denis, il y a plein de choses à dire. Dans les AG des Nuits Debout, il y a plein de choses à dire. Sa situation est merdique à plein de niveaux, même si c'est un endroit génial. La situation, elle pue et elle est merdique partout. Et il y a vraiment une exclusion sociale et donc spatiale à Saint-Denis qui fait que les gens ont bien le seum. Il y a plus de 50 familles qui sont toujours dehors parce qu'elles ont été sorties de chez elles et que l'État ne veut pas les reconnaître comme victimes collatérales des attentats et de l'intervention du raid sur Saint-Denis. Bon voilà, donc on s'est retrouvés à la manifestation de solidarité aux familles du 48 du Corbillon et on a eu l'idée de venir vous proposer ici de faire une commission sur les questions de logement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fracture de toute façon entre les banlieues et le reste. Faut dire les choses, quoi. Ça sert à rien de faire de la langue de bois. Ici, dans la banlieue, pour moi, c'est les gens qui sont concernés en premier par cette loi El Khomri et par toute la politique antipopulaire et anti-ouvrière du gouvernement. Et oui, ici, c'est la classe ouvrière, c'est les travailleurs, c'est les pauvres. Cette fracture, elle ne se guérira pas par un tour de baguette magique, par des belles paroles, en fait. C'est par l'action concrète, en fait, sur le long terme, voilà. Et par le fait de s'intéresser, de réfléchir, de communiquer les uns avec les autres, ce qui est pas toujours une évidence aussi. Voilà. Ça veut dire les gens de Paris, ils devraient s'intéresser beaucoup plus à ce qui existe ici. Et quand les gens du 93, parce qu'ici on est dans le 93, ils se sentent concernés, c'est vrai qu'ils y mettent toute leur énergie en fait. L'université de Saint-Denis, il y a plus de la moitié, il y a un grand nombre d'étudiants qui sont salariés et qu'en fait qui connaissent déjà la réalité du travail précaire. Et du coup là l'idée c'est de pouvoir témoigner de ça, de dire le travail on le connaît et c'est à nous de parler du travail et pas à des gens d'en parler à notre place. Quoi. Ce soir encore il va y avoir un film qui va passer. Et puis il y a aussi des musiciens, donc il y a la compagnie Jolimont la dernière fois, là il y a des rappeurs qui vont s'exprimer, donc l'idée c'est de faire vivre la place et animer la rue quoi, et parler politique comme disait Camara. Voilà, nous on veut du changement, sans se mentir, sans se mettre en scène, qui nous classe dans des logements, et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement, tout simplement, on veut du changement, c'est pas comme l'autre, hein, c'est pas pareil, on est d'accord. Et c'est vrai qu'on l'a vu en 2005, bah c'est une étincelle qui a allumé la France entière même. Alors après, les gens ils vont dire c'est pas la bonne méthode et tout ça, mais quelle est la bonne méthode quand on voit tout le temps des gens qui se font... quand on a toujours des personnes qu'on connaît qui se font tuer par les policiers, quelle est la bonne méthode? Quand la justice ne condamne pas les policiers, quelle est la bonne méthode en fait? On n'a pas trouvé la bonne méthode. La bonne méthode de se révolter, on la cherche encore. Hein. Donc de dire ils ont pas raison, ils ont tort, c'est immature, faut pas faire comme ça, c'est encore des préjugés de classe et des préjugés parfois racistes, parce qu'en mai 68, des étudiants qui n'avaient pas la même couleur que les banlieusards et ils brûlaient des voitures, ça choquait pas autant. En toute impunité, sans queue ni tête, sans queue ni... Check le mic faux, en prenant la tête, en se prenant la tête, mic faux, défonce ce micro, comme le métro, toujours à fond, écarte les mythos, jusqu'au comique, qu'on veut du changement, du rangement. Enseigne qui nous classe dans des logements, et si seulement, pouvait tellement, tout changer avec un seul mot. Donc nous voilà de retour sur le plateau de Radio Debout après ce petit reportage qui a été... Donc c'est un reportage sur la Nuit Debout qui s'est tenue hier soir à Saint-Denis. Donc là, on est là pour parler médias et quartiers populaires. Donc peut-être une petite anecdote. Hein. Hier soir, à la Nuit Debout à Saint-Denis, il y avait deux médias, Radio Debout et la RTS, la Radio-Télévision Suisse. Donc la première question que j'aimerais vous poser, peut-être aussi parce que vous avez collaboré à des médias qui parlent depuis les quartiers populaires. Pourquoi est-ce que c'est important que ces médias-là existent? Alors, qui veut prendre la parole? Peut-être Mohamed. C'est pas que c'est important, c'est qu'il n'y a pas de médias qui parlent des quartiers. Il y a des médias qui parlent d'une certaine façon des quartiers, ça on l'entend depuis 30 ans, la politique de la ville ou autre, les banlieues, l'islam, les violences ou autres. Mais qu'est-ce qui s'y passe dans les quartiers? Il n'y a pas une distance médiatique qui existe entre ce qui se passe dans les quartiers, ce qui est la vie des quartiers, il y a des populations différentes, il n'y a pas que des jeunes. À entendre, si on ne suit que les médias, on croirait que les quartiers sont uniquement habités par des jeunes. Il n'y a pas de population âgée, il n'y a pas de moins jeunes, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a que des galérianos, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas une diversité associative. Primo, il y a une distance médiatique, il y a aussi une distance politique. Même les médias dits alternatifs en France, qui ont pour objectif de mettre en avant des choses que les médias mainstream, les grands médias ne parlent pas des quartiers ou par ricochet. Comme s'il n'y avait rien, comme si c'est juste à quelques stations de métro, ou même pas à quelques stations de métro, pour certains c'est des lignes de bus, et pourtant il y a une énorme distance, parce qu'il y a une cassure, une fracture politique et sociale entre les quartiers et le reste. Et le reste, c'est aussi les médias alternatifs, c'est aussi les organisations dites de la gauche radicale, ou je sais pas quoi, qui parlent à chaque fois des quartiers, qui fantasment sur les violences des émeutes, mais qui ne connaissent pas. Autre truc, il y a un truc à casser, on ne s'intéresse pas aux quartiers autrement que quand ça pète, parce qu'on pense qu'il y a un désert politique dans les quartiers, qu'il ne se passe rien. Sauf qu'il y a un véritable tissu associatif et même politique, dans tous les sens, avec des contradictions, pas obligatoirement des gens qui sont d'accord, plein de choses, mais il y a des associations qui, depuis des dizaines d'années, luttent sur la question du logement, sur la question de la toxicomanie, des violences policières, de prison, tout plein d'argumentaires, ou même juste le soutien scolaire, mais ça... Ça fait pas de buzz, ça n'intéresse pas les médias alternatifs, ça n'intéresse pas les grands médias, et aussi il y a un enfermement dans les quartiers, vu qu'il y a une distance spatiale, on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe chez nous, et pourquoi aller voir ailleurs, puisque déjà c'est très compliqué chez nous, et surtout il y a une méfiance. Trop souvent on pense, je vais aller dans un quartier, je vais aller voir les gens, la, plein de bonnes fois, et je me prends des tartes dans la gueule. Que ce soit réel ou pas, c'est pas la chose, c'est ils nous rejettent, c'est pas qu'ils nous rejettent, c'est pendant 30 ans on nous a carottes. Tu crois que tu peux venir avec un sourire et croire que tu vas changer le monde? Le SOS racisme, c'est pas rien. Ni pute ni soumise, c'est pas rien. Vous avez cassé, la gauche a cassé toute initiative politique dans les quartiers. Vous attendez pas qu'il se passe des choses, qu'on va venir, qu'on va vous serrer la main comme ça. Il y a des choses à l'intérieur des quartiers qui s'y passent. Ça n'intéresse pas grand monde. À l'extérieur du quartier et dans le quartier, c'est tellement difficile, parce que là, on nous parle de la loi travail, du CPE qu'il y a eu en 2005 et autres. Sauf que la casse sociale que les gens voient arriver dans la société française, elle est déjà dans les quartiers. Si tu veux savoir, ce qu'on dit souvent, c'est si tu veux savoir à quoi va ressembler la France, promène-toi dans un quartier populaire. On a commencé par expérimenter dans les quartiers les violences policières à une échelle, tout ce qui va arriver, ce qui arrive, ce que les gens anticipent, la société de contrôle, le précariat comme norme généralisée, tu l'as déjà dans les quartiers. Donc il suffit juste de regarder, ça n'intéresse pas parce qu'il y a une véritable distance. C'est comme s'il y avait un océan qui séparait alors qu'il n'y a rien comme distance. Mais mentalement, elle existe. Physiquement, elle est, économiquement, elle existe. Et dans les médias, on la retrouve. Samba, tu veux réagir? Oui, Mohamed a dit quasiment l'essentiel. Je vais juste réinsister sur un point précis, sur les raisons qui font que les médias vont venir en banlieue. Donc, ils ne vont pas venir quand il y a Nuit Debout à Saint-Denis, parce que, comme il a dit, Saint-Denis, ça fait partie... Enfin, ce n'est pas les endroits qui intéressent politiquement, à moins qu'ils se mettent à voter d'un coup Front National à fond. Mais en vrai, le problème, c'est que il y a trop de... En fait, on assigne des rôles à certaines catégories de la population. Donc, la banlieue, ça va être quand il va y avoir... quand ça va péter, quand il va y avoir des problèmes de violence, quand on va parler d'islam, quand on va parler... Mais en fait, c'est pas un endroit où on va faire des sujets classiques comme ailleurs. Donc, s'il y a... je sais pas, on va parler de la campagne présidentielle, on va aller dans... faire des reportages partout, sauf dans ces endroits-là, à moins qu'il se passe quelque chose d'incroyable qui est, bon bah voilà, ils ne votent plus à gauche, ils ont décidé de voter pour le Front National, et quand bah, il va y avoir une initiative innovante, originale, de listes indépendantes et de personnes qui vont s'organiser et qui vont réussir sans avoir l'appui d'un appareil politique puissant, ils vont réussir quand même à obtenir un certain nombre de voix et entrer dans le conseil municipal, comme c'est arrivé dans plusieurs villes, et ben on ne va pas en parler parce que ça, ce n'est pas dans le schéma qu'on peut se faire habituellement, ce n'est pas les endroits qui nous intéressent si on veut parler de ces sujets-là. Sinon ces listes, parce qu'il y a une explosion de listes indépendantes autonomes dans les quartiers, avec complètement divergentes, hein, pas obligatoirement d'être sur la même ligne politique ou un tel, mais ça veut dire que des gens considèrent qu'on n'a plus rien à attendre des appareils classiques. Donc ils montent des listes à l'arrache ou pas, affiliés ou pas à certaines personnalités des quartiers, mais c'est avant tout présenté comme des listes apolitiques, ce qu'elles ne sont pas, et comme communautaires. Comme s'il ne pouvait pas y avoir des dynamiques politiques dans tous les sens qui peut exister dans les quartiers. Les quartiers ne meurent pas sans résister. Et le problème, c'est qu'on a une image de bah, les médias ne parlent que dans les violences, il ne se passe rien. Non, il y a des luttes de retraités, il y a des luttes des chibénis, il y a des luttes des femmes, il y a une densité d'associations de femmes informelles ou pas, qui existe, il y a la question des mères célibataires, de la toxicomanie et tout plein de choses, ou même juste culturelles. Il y a une vivacité sur les trucs culturels qu'on ne parle pas. La même grille de lecture. Si on parle des mères qui font des associations, il va falloir qu'on les oppose aux jeunes des quartiers. S'il y a des listes indépendantes, eh ben certainement que c'est des listes communautaristes parce qu'on s'imagine qu'il y a peut-être une organisation communautariste de la société. Donc si politiquement ils s'engagent entre eux, bah, c'est que c'est communautariste. Alors qu'à chaque fois, j'ai envie de leur demander, bah, c'est quelle communauté ? Parce que souvent, ces listes indépendantes, on voit des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de tous les milieux sociaux. Mais on dit que c'est communautariste parce qu'on a une grille de lecture qu'on n'arrive pas à dépasser. Et ça, c'est aussi lié notamment à la formation des journalistes, à les endroits d'où ils viennent, aux images qui peuvent se faire de ces banlieues. Et donc voilà. Peut-être passer la parole à Yann. Je pense que c'est important que les gens des quartiers investissent les médias ou alors créent leurs propres médias parce qu'il faut que dans la formation, toutes les sensibilités soient représentées. C'est-à-dire qu'on a chacun notre vécu. Moi, je pense que le journalisme, finalement, il n'est pas objectif. Il est plutôt très subjectif, surtout en termes de reportage ou de documentaire, pas d'actu chaude, par exemple. Mais du coup, voilà, en fonction de son vécu, on va avoir des regards différents. Et les gens qui viennent de l'intérieur, qui ont vécu des choses différentes, qui ont des origines et des ouvertures différentes, ils ne vont pas traiter les sujets de la même façon. Et ça, je vais prendre mon exemple personnel. En début d'année, j'ai fait un sujet sur les femmes voilées et le féminisme. Et j'ai réussi à faire ce sujet, j'ai réussi à inviter une femme voilée sur un plateau télévisé. On n'en avait pas vu depuis des mois. Et c'est vrai qu'après ce sujet-là, les gens m'avaient dit... qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu ce genre de sujet, ils n'avaient jamais vu des femmes voilées de cette manière-là. Donc c'est vraiment une question de regard et c'est pour ça que c'est important que le journalisme ne soit pas uniforme. En tout cas, que les gens qui le pratiquent ne se ressemblent pas tous. Merci. Alors on va peut-être partir en AG et on reviendra ensuite pour continuer le débat sur le plateau. Merci de nous rejoindre tout de suite parce qu'on va bientôt partir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nora, donc. Et Mathieu K. Bonsoir, les nuits de boutistes. Mathieu K va devoir attendre un tout petit peu parce que je vais peut-être un petit peu dépasser mon temps de parole si le médiateur est d'accord. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, c'est l'heure de la pause, non pas publicitaire, mais musicale. La technique ne peut pas m'aider sur ce coup-là, donc je vais le faire avec mon smartphone. C'est juste histoire de faire une petite pause. Les débats sont super intéressants, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour Monsieur Prince. La technique, aidez-moi ! Radio Debout. Donc nous voilà de retour sur le plateau de Radio Debout avec Samba, Ayad et Mohamed pour parler du regard des médias depuis et sur la banlieue. Donc juste avant de partir à l'AG, on parlait justement de cette violence qui était un peu l'assignation de clichés sur des quartiers, des espaces, des populations qui n'avaient rien demandé. Et j'aimerais peut-être discuter de comment est-ce que les médias ont un rôle à jouer dans la déconstruction aussi de ces clichés-là. Ben, la déconstruction des clichés, ce serait d'aller faire des sujets consommation à Saint-Denis, par exemple. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, et pas seulement aller voir les gens qui habitent ces quartiers-là pour des voitures brûlées ou pour des séquestrations ou autre, parce qu'il se passe aussi des choses. Et voilà. Enfin, c'est... Et puis aussi dans les questions qu'on va poser, les angles qu'on va traiter. Essayer de déconstruire ces clichés, mais pour ça, il faut aussi déconstruire sa manière de penser, sa réflexion. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on ne peut pas faire soi-même quand on est déjà dans le cliché. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens concernés prennent, en tout cas, réalisent ce genre de sujet. Et alors moi, j'aurais aimé savoir, par exemple, Mohamed, en collaborant à Quartier 21, un peu, quel retour vous avez des lectorats, des personnes qui sont au cœur de vos sujets ? Plutôt un regard positif, pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est comme on est un média parmi tant d'autres, hein, on est juste des bénévoles ou autres, mais on essaie comme d'autres médias de prendre déjà, d'aller voir des gens qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir, de leur laisser la parole et leur poser des questions différentes. Là on est en train de faire tout un sujet, toute une série de questionnaires autour de personnes issues des quartiers, de l'immigration et autres, sur qu'est-ce qu'ils entendent par l'autonomie politique, est-ce que c'est une voie, parce que justement par rapport au carcan des partis politiques classiques, des médias, et on voit qu'en fait il y a une multitude d'avis, de stratégies différentes qui peuvent être complètement contradictoires, qu'on n'est pas obligé personnellement de défendre, mais qu'on se rend compte l'intérêt d'un média dans un quartier, c'est de dire que c'est pas un désert, un quartier. Il y a une vitalité associative, culturelle et politique énorme. On parlait en off là de ce qui se passe à Montpellier dans le quartier de Petit Bar et d'une association qui s'appelle Justice pour Petit Bar qui malheureusement a été obligée de se dissoudre. On a fait un papier là-dessus, hein, on a interviewé une des figures de l'association, et pendant 10 ans cette association s'est battue pour les conditions de logement, et à partir de la question du logement, ça s'est élargi à d'autres questions. Pendant 10 ans, pour moi, c'est une association exemplaire, non pas parce qu'elle a fait, mais parce qu'elle peut se reproduire. C'est un exemple qui, si l'on fait à Montpellier, dans un quartier vraiment relégué, complètement laissé à l'abandon par les municipalités, ça peut se multiplier dans d'autres quartiers. On peut voir d'autres initiatives, comme la Case de la Santé à Toulouse, où c'est une espèce de centre médical avec des médecins reconnus et autres, mais qui font un vrai travail avec les populations des quartiers. Quelle maladie, quelle relation on peut avoir avec des populations des quartiers ? Il faut savoir, là, on parle beaucoup de l'attaque contre le service public de la santé, mais il faut savoir qu'il y a des maladies qui avaient disparu, qui réapparaissent dans des quartiers. Je le répète, si vous voulez savoir à quoi va ressembler la France dans 20 ans, 30 ans, allez dans certains quartiers, vous allez le voir. Et mais en même temps, il y a des formes de résistance sous de multiples formes qu'on n'est pas obligé de partager, mais qui existent sous travers associatif, politique, culturel. Et il y a une vitalité, même le problème là même des médias, c'est la focalisation sur l'Île-de-France, comme si la totalité des quartiers existait en Île-de-France. Il y a une grosse partie, ok, mais c'est pas suffisant. Il se passe des choses ailleurs et malheureusement, on va pas voir ce qui se passe dans le Nord, l'Est ou même dans des cités qui sont dans des petits bleds de campagne où il se passe des choses, où il y a une relégation des violences. Même sur les violences policières, on essaie à chaque fois de parler des violences policières dans les quartiers et on veut les mettre en parallèle par rapport aux violences dans les manifestations. C'est pas de la même nature. Les violences dans les manifestations, c'est lors d'une confrontation ou dans un moment politique. La violence dans les quartiers populaires, ça résulte d'une gestion quotidienne de la police des quartiers. Le seul service public, en gros, qui fonctionne dans les quartiers, c'est la répression policière. Et donc, c'est pas le même type de violence. Au bout du compte, ça peut donner des drames et des tragédies, mais c'est pas la même perception. C'est pas en marchant dans la rue, entre guillemets, dans Paris Centre, suivant ce que l'on est, qu'on va se faire sabater. Lors d'une manif, ok, de la répression, comme ce qui se passe à l'heure actuelle avec des centaines de blessés, mais dans les quartiers, vous pouvez avoir des histoires de gamins de 8 ans à des vieillards, avec Aliziri qui a été tué. On est reparti sur Radio Debout, on a eu une petite coupure de groupe électrogène. Et on continue donc avec Alice. Oui, donc voilà, nous sommes toujours sur le plateau Média et Quartier depuis le téléphone maintenant. Alors Samba, tu voulais rebondir sur ce que disait Mohamed avant que ça. Oui, bah après, sur cette question des violences policières, encore une fois, c'est aussi une question de sensibilité. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas vécu ce que c'est justement la tension d'avoir la pression policière, d'avoir peur d'être contrôlé, qu'un contrôle peut tourner mal, etc., tant qu'on n'a pas vécu ça, c'est difficile même de réaliser. Je pense que beaucoup de gens, en fait, et c'est justement cette histoire de violences policières et ce parallélisme qu'on a fait entre ce qui se passe en banlieue et les répressions dans les manifestations, c'est parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas. Ils connaissent pas et ils savent pas que ça existe. Et ils ont du mal à réaliser, en fait, qu'est-ce que ça représente. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces erreurs. Et voilà. C'est même pas juste. Pardon, c'est pas juste même des erreurs, c'est une capacité d'identification. C'est-à-dire quand un manifestement se fait savater lors d'une manif, il y a une plus grande capacité de diction de la population française en disant c'est pas normal, pourquoi on réprime, ils manifestent pacifiquement. Alors que quand on entend qu'il y a des violences policières ou des morts dans les quartiers, il n'y a pas d'identification, il y a une distance. Ce qui fait qu'on est plus à l'écoute de ce qui se passe lors de répression policière dans des manifestations que dans les quartiers parce qu'on considère, sans le dire, consciemment ou pas, c'est normal. Vu le type de population, vu le profil des victimes, c'est normal qu'elles se prennent ça dans la gueule. C'est normal qu'il y ait plus de chômage, c'est des feignants. C'est normal qu'il y ait ça parce que c'est telle population. À partir du moment où les médias participent à ça, et on le voit dans les papiers, c'est il y a des populations, on peut s'identifier, donc ça peut être nous choquer ou d'autres trucs. À partir du moment où on n'arrive pas à se sentir proche physiquement, socialement, politiquement ou culturellement de certaines populations, ça nous émeut pas ce qui se passe dans les quartiers, on trouve ça même normal. Et c'est la preuve, c'est le fameux argument, notre capacité d'indignation dépend du kilométrage. Plus un drame a lieu loin, moins on est sensible. Et bien là, le loin, il est juste de l'autre côté du périphérique dans certains cas. Non, c'est pour ça que c'est important de réinvestir les médias. C'est-à-dire que des gens comme nous qui auront peut-être vécu ces violences policières de près ou de loin n'auront jamais le même regard que quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Voilà. Et donc justement, peut-être, oui, pour revenir au rôle du média qui parle depuis la banlieue, pas forcément le grand média qui va être investi par des gens qui viennent de banlieue. Quel rôle est-ce que vous pensez qu'ils ont à jouer ces médias-là ? En termes aussi peut-être de public, parce que j'ai lu aujourd'hui une note de blog d'un blogueur qui s'appelle Joao Gabriel et qui justement était assez rentre-dedans et qui disait mais puisque les grands médias nous donnent pas la parole et parlent de nous de façon complètement biaisée, après tout pourquoi est-ce qu'on les boycotterait pas et qu'on lirait pas juste nos médias à nous ? Donc qu'est-ce que vous en pensez Eh ben, avant de savoir ce que vous en pensez, on va couper cette antenne-ci, on va reprendre l'autre antenne, préparez votre réponse et on se retrouve sur Radio Debout dans 25 secondes. Donc voilà, nous voilà de retour au plateau avec les micros. Alors je vous laisse répondre. Moi j'ai juste pour moi un rôle simple des journalistes de banlieue dans les quartiers qui ont leurs propres médias, c'est le rôle de dire c'est possible. Si moi je suis journaliste, si moi je peux écrire, si moi je peux faire des sujets, toi aussi tu peux le faire. Et ça me fait penser à une anecdote. Une fois j'étais allée aux Ulysses faire un sujet dans une classe de 6e et les gamins quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit oh, mais c'est toi la journaliste, mais tu ressembles pas à une journaliste. Et je leur ai dit mais c'est comment une journaliste? Ben on pensait que tu avais des lunettes, que tu serais blonde, enfin voilà, il faut leur montrer que être journaliste c'est pas un profil type que tout le monde peut l'être si on a envie. Bon, après c'est beaucoup d'obstacles, hein, faut le dire, c'est dur. Mais faut leur dire que c'est possible et qu'on n'est pas assigné à des métiers, à de simples métiers. L'idée est là. Mais là, l'intérêt en plus avec la démocratisation entre guillemets des moyens techniques, que ce soit internet, c'est que tout le monde maintenant se met à commenter l'actualité. Alors il y a de tout et n'importe quoi, mais t'as des gens qui font des vidéos régulièrement, qui sont plus suivis que certains médias et autres. Et là, avec cette démocratisation technique, fait que ça casse l'image de gens qui peuvent parler. Donc ça part dans tous les sens, hein. Ça peut donner des choses que je partage pas, mais ça montre qu'à partir du moment où on n'a plus à attendre ce que ceux d'en haut ou ceux de loin veulent nous dire sur nous, on va parler de nous. À toutes les sauces, on va le faire. Et ça va générer... Après, il y a ceux qui voudront taper à la porte pour essayer d'avoir les grands médias, mais je pense que c'est... Ils suivront à partir du moment où il y a une rente économique qui viendra. À un moment où ça deviendra intéressant économiquement et politiquement d'avoir un autre regard sur les quartiers, ils l'auront. Mais c'est pas nous qui arriverons au sein des quartiers, au sein des médias, pardon, des grands médias, de le changer. C'est au travers de rapports de force, et c'est toute la question que disait au travers du blog de Joao, la question de l'autonomie. Quels moyens on se donne pour que notre parole elle soit prise en compte et on l'impose. Pas attendre que les gens viennent nous parler, pas attendre qu'un bon sourire serrer la main et voir qui est prêt à me serrer la main et ça donne du n'importe quoi. Je m'organise, je m'auto-organise et je décide de mon calendrier et que c'est pas un autre qui me l'impose. Au travers médiatique, culturelle ou politique. Il ne faut pas attendre d'être adoubé par la profession ou par TF1, France 2. Il faut croire en soi-même, à son média et à son travail. Il faut le faire. Bah, merci beaucoup. Je pense que sur ces mots, on va clore pour ce soir ce débat qui pourrait continuer toute la nuit. Je voudrais repréciser peut-être, on a beaucoup parlé du média Quartier 21, donc on peut lire sur Internet. Et voilà, donc maintenant on repart vers l'AG et je vous dis merci encore. Vous écoutez Radio 2. Vous écoutez Radio 2. Vous êtes debout. Vous écoutez Radio 2. Radio 2. Nous sommes debout. La radio. Tu m'inquiètes, mais. Tu fais le mot de la fin ? Tu fais le mot de la fin ? Conclure. Chamk. Chamakam. Pas. Allez, faut conclure parce que. Voilà, parler en langage mort, yo, ça reste pas vivant, voilà. Merci à toi. Florent, donc, est invité à venir nous voir. Et ensuite, ce sera Mohamed. Je sais pas s'il est toujours là. Florent ? Bonsoir tout le monde, je suis avec mon pote Steph, il va vous parler un peu. Bonsoir. C'est... Voilà. Bon, on était derrière en train de discuter un peu, donc Florent, il est prof, et moi je suis un saltimbanque, donc pas grand chose, je fais que passer. Alors il faut que je parle plus, je vais prendre une voix de basse, ça va mieux là ? Voilà. Donc, on se disait que l'idée de la mondialisation, c'est une vieille idée, que déjà l'ancienne Europe en avait peur. Et on disait aussi que bah, dans les années 80-90, si vous travailliez à Wall Street English et que votre patron vous emmerdait, vous alliez à Gosport et vous aviez du travail. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ben, ça se passe plus comme ça apparemment, donc c'est la merde pour vous. Et on se disait aussi, parce qu'on faisait une comparaison entre la place de la République, où vous avez la chance de pouvoir étudier, de pouvoir réfléchir. Parce que moi, j'ai grandi dans le 93 et je suis devenu sage. J'ai encore parfois un peu de colère, mais je comprends la colère qu'il y a. Parce que les gens... même avec des études, n'ont pas forcément pouvoir d'action sur leurs idées ou sur leurs réflexions. Donc, on compte sur vous. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous. Et il faut conclure, donc je finirai là-dessus. La phrase sur laquelle je suis tombé a été écrite en... 1880 quelque chose, et l'auteur a mis fin à ses jours en 34. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous. C'est au tour de Mohamed, et ensuite ce sera Thomas qui va nous parler de cinéma. Bonsoir. C'est simple. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire comme il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça vient pas de moi. Il y a des choses qui dépendent de nous, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mes amis. Ce qui dépend de nous, c'est le changement. Ce qui dépend de nous, c'est le savoir. Ce qui dépend de nous, c'est de connaître. Ce qui dépend de nous, c'est être formé. Ce qui dépend de nous, c'est d'être informé. Ce qui dépend de nous, c'est de connaître la justice. C'est plutôt ne pas la subir. Ce qui dépend de nous, c'est être, comment dirais-je, en harmonie avec soi-même. Ce qui dépend de nous, c'est nos droits, mais ce qui dépend de nous encore, c'est nos droits complets. Et c'est là où je veux en venir. Moi, je ne pense pas que les citoyens américains sont meilleurs ou supérieurs par rapport aux citoyens français. Pourquoi ? Parce que les citoyens américains, ils ont le droit de tout savoir. Ce n'est pas le cas en France. Et ce n'est pas le cas pour les Français. Je ne pense pas que les citoyens britanniques sont meilleurs ou supérieurs par rapport aux citoyens français. Pourquoi ? Parce que les citoyens britanniques, ils peuvent tout savoir, tout connaître en ce qui le concerne, en tout cas dans le domaine politique administratif. Ce n'est pas le cas en France, pas le cas pour les Français. Donc c'est là où je veux en venir finalement. En France, on ne peut pas défendre un principe, on ne peut pas être revendicatif, on ne peut pas défendre, comment dirais-je, et réclamer quelque chose de ce que nous manque. Si notre citoyenneté n'est pas complète, alors en France, je veux dans le monde chercher à accomplir, à aboutir votre citoyenneté parce que ne l'est pas encore. Pourquoi ? Parce que les partis politiques, ils accaparent tout. Les partis politiques, depuis plus d'un siècle, ils pourrissent la vie des Français. Et sachez que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, comment on appelle les Français ? On les appelle le gouvernement des esprits. C'est-à-dire, le gouvernement, il gouverne au lieu de gouverner les humains, en tout cas, il gouverne les esprits. Et je finirai par là, vraiment rapidement, je vous en prie, parce que c'est quelque chose de très chaud pour moi. Et je dirais par là que les Français, ils ont montré qu'ils ont été à la hauteur de beaucoup de choses. Vraiment, et je le dis au fond de mon cœur, sans aucune démagogie, sans aucune hypocrisie. Les Français, ils ont été à la hauteur de la civilisation qui est rayonnante à travers l'histoire depuis toujours jusqu'à maintenant. Les Français, et je vais vous le prouver rapidement, les Français, ils ont montré qu'ils peuvent résister à la tentation diabolique qui est le Front National. Moi, entre parenthèses, tu vois, je suis d'origine marocaine, ça fait 35 ans que je suis en France, je fais partie d'aucune partie politique. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je m'intéresse à la chose publique, rapidement, vraiment. Et les Français, ils ont fait leur devoir, et c'est là où je vais en finir vraiment rapidement, une fois pour toutes. Les Français, à chaque élection, que ce soit, je l'ai dit la dernière fois, mais je préfère répéter que de me contrarier, les Français, ils ont répété à chaque élection départementale, régionale, à quelques exceptions près, présidentielle, que le Front National, les partis extrêmes ne passent pas. Les Français, ils ont fait leur devoir. Mais par contre, les partis politiques, ceux qui les dirigent depuis très longtemps, ils ne l'ont jamais fait. Maintenant, il est temps que les choses changent et la place de la République, et je remercie infiniment les organisateurs et les organisatrices, et ils sont magnifiques, ils sont, comment dirais-je, ici on se libère, ici c'est un lieu libérateur et on se libère. Et je demande à tous ceux et celles qui veulent, comment dirais-je, prendre la parole et enlever leur timidité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont intelligentes. Il y a intelligentes ici, qui peuvent donner des idées, mais il faut qu'ils démasquent leur, comment dirais-je, la peur qui a été enfermée. Et on a été démunis, on a été partagés, on a été rabaissés, on a été humiliés pendant des décennies. Et il est temps que ça cesse. Et ça dépend de vous. Merci pour cette belle énergie. Vous êtes toujours sur Radio Debout en direct de la place de la République et ce soir on fait une thématique autour des médias, un fil rouge autour des médias libres et on a avec nous Ali de ParisLutte.info. Salut Ali. Salut. Alors je vais faire un petit retour en arrière. 1999, Seattle, contre-sommet OMC. Le mouvement dit altermondialiste met en marche son propre média, Indie Media, média indépendant, en lutte, de terrain, porte-voix des mouvements sociaux. Et il va faire des émules, Indie Media, partout dans le monde. Il y a eu des moments très importants. En 2008, par exemple, lors de la révolte en Grèce après l'assassinat d'Alexis, tout le monde allait voir Indie Media Athènes. Il y a eu le moment crucial de la commune de Oaxaca au Mexique, où tout le monde regardait Indie Media Mexico. Et aussi un journaliste d'Indie Media New York avait été tué par la police, là aussi. Et il y a eu d'autres moments importants comme Occupy Wall Street, où Indie Media avait toute sa place. En France, il y a eu pas mal d'Indie Media, Indie Media Nantes, Indie Media Grenoble, Paris, etc. Et puis, dans ces années où ces Indie Media se montaient, à Lyon, au milieu des années 2000, il y a un groupe qui s'est réuni pour faire un Indie Media à Lyon. Mais à force de réunions et de discussions, ils ont décidé de ne pas faire un Indie Media. Ils ont fait un autre site d'information alternative qui s'est appelé Rebellion. Et ce modèle d'un site d'information alternative, Rebellion, a été un modèle et s'est exporté un petit peu partout en France. Il y a la Rotative à Tours, Yata à Toulouse, Brest Média Libre, Marseille Info Autonome, Le Pressoir à Montpellier, Renversé à Genève et Paris-Lutte.info à Paris. Donc des réseaux, des médias qui sont en réseau, le réseau Mutu. Et on a l'impression que depuis qu'il y a Paris Lutte et tous ces autres sites, il n'y a plus d'Indie Média. Donc ma première question, Ali, c'est est-ce que le réseau Mutu est en train de prendre la place du réseau Indie Média ? Très grande question. Non, en fait, on s'est un petit peu démarqué, notamment dans dans la création de Rebellion.info, c'est qu'on est parti sur ce principe de modération a posteriori, par rapport aux modérations a priori qu'Indie Media avait. Nous, ce qu'on disait, c'était que, et ce qui est important à Paris Lutte, c'était vraiment ce travail d'accompagnement sur l'écriture, sur le rédacteur, de pouvoir faire ce travail de relecture, de mise en page, de mise en forme, pour justement que les articles aient plus d'impact et qu'on puisse relire, parce que aussi on a une charte en fait qui est basée au sein de Paris Lutte, donc vraiment anti-autoritaire, anticapitaliste et révolutionnaire, donc on a vraiment une charte que vous pouvez trouver en fait sur paris-lutte.info. Et donc pour nous c'était vraiment important que les articles qui étaient publiés au sein de Paris Lutte qui puissent être le plus visible possible, le plus lisible possible. Et donc un petit peu plus travaillé par rapport à Indie Media, où effectivement c'était un peu un site d'open publishing, c'est ça, où c'est n'importe ça. Qui pouvait publier un article et il se retrouvait à la une, ce qui a créé des problèmes, j'imagine. C'est ça, c'est que il y avait énormément d'articles politiquement, comme on se disait vraiment au sein de Paris Lutte, même au sein du réseau Mutu, vraiment anti-autoritaire, anti-sexiste, anti-raciste, etc. Et du coup, sur un modèle comme Indie Media, on ne pouvait pas se permettre, sur un modèle multimédia, on se retrouve avec des textes qui sont contre, en fait, cette vision-là. Avoir des textes avec des trucs antisémites, des trucs racistes. C'est ça. Donc après, non, je vais pas faire une charge. L'idée, c'est pas vraiment de faire une charge contre Indie Media ici. Hein. C'était juste que pour nous, à l'heure actuelle, au niveau des luttes, ça nous paraissait un fonctionnement qui n'était pas le plus pertinent pour les luttes actuelles. Indie Media, c'était un modèle qui a été né, comme tu l'annonçais, en 99, qui n'avait pas du tout les mêmes fonctionnements. On n'avait pas les blogs, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc c'était un modèle qui était très pertinent. Et voilà, sauf que voilà, il y a 10 ans, même plus, qui se sont passés. Et du coup là on était vraiment sur le fait que on n'avait juste pas envie d'héberger du contenu raciste ou fasciste, même si ça se transmet dans un donjon type Indie Media où c'est visible, c'est pas accessible en pleine première page, mais ça reste visible. Donc voilà, le concept de média participatif où n'importe qui peut proposer un article, peut proposer une information, reste le même qu'à Indie Media, sauf que sur les sites comme Paris Lutte, Rebellion et les autres sites de Mutu, il va y avoir un travail de finalement rédactionnel, éditorial, de réécriture, d'accompagnement, c'est ça qui va faire la différence. En fait on se situe pas comme un groupe politique, on va pas écrire du contenu en tant que collectif. Très rarement, c'est-à-dire qu'on va avoir le peu qu'on produit en termes de collectif. Ça va être vraiment des suivis, notamment par rapport à La Nuit Debout, où là on va faire ce travail de juste récupérer les différentes informations qu'on transmet via téléphone, via mail ou via la proposition d'article, parce que ça reste quand même un open, ça reste quand même un site participatif, donc il suffit juste de se connecter pour ensuite proposer son article. La seule différence, c'est qu'il y a une modération, c'est-à-dire que l'article est proposé à publication et il y a une discussion qui peut se faire, dont les modérateurs participent, mais également il suffit de se connecter pour pouvoir avoir ce suivi et participer à la discussion de cet article-là. Voilà. C'est un peu plus qu'une modération. Moi je lis Paris Lutte, c'est des articles de qualité, il y a un vrai suivi, il y a un travail, on va pas dire journalistique, j'imagine que c'est pas quelque chose qui vous plaît, mais on imagine bien que c'est pas juste quelqu'un qui propose un article, que derrière il y a vraiment de la relecture, on fait gaffe à l'orthographe, on fait gaffe à la formulation, qu'il y a toujours la bonne photo qui convient. Il y a un vrai travail, c'est pas juste la modération de « oui, c'est bon, c'est pas sexiste, c'est pas raciste, on le publie ». Il y a aussi Non, il y a, comme je disais, c'est qu'il y a vraiment un peu de mise en forme, parce que on estime que tout simplement qu'il faut... on privilégie un peu le lecteur au rédacteur, en fait. Si. Ouais. Mais et du coup, on va se permettre de dire... Au rédacteur, là, à ce moment-là, elle n'est pas super compréhensible, cette phrase-là. Voilà. Après, ça reste vraiment léger, on ne retouche pas les textes. seulement avec l'accord de l'auteur. Donc on spécifie juste, à un moment donné, ça serait cool. Est-ce que cette illustration, par exemple, pour aérer ce texte-là, elle te convient, etc., etc. Donc on fait toujours ça avec l'auteur. Mais on se permet justement de faire ce travail-là et d'entraide, en fait. Nous, on voit ça comme vraiment de l'entraide pour de la rédaction, en fait. Alors, c'est des groupes locaux, mais vous êtes quand même en réseau avec Rebellion à Lyon, avec La Rotative à Tours, avec Brest Média Libre. Comment ça se passe, ce réseau, ce que vous avez appelé Mutu? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est parti de plusieurs constats. C'est que pour monter son média au niveau local, son site internet, pour avoir des... c'est pas très évident, en tout cas, dans un premier temps, au niveau technique. C'est-à-dire qu'il faut avoir un serveur. Si on veut commencer à avoir des pratiques un peu correctes au niveau anonymisation, c'est intéressant de maîtriser en fait son infrastructure technique, en fait son serveur. Et là, pas dans n'importe quelle ville, est capable de maintenir un serveur. Donc l'idée, c'était de mutualiser en fait techniquement. Déjà, c'était une première chose. En termes de design aussi, de développement, etc. C'est une première chose. Et évidemment, ça, c'est une petite part. Et la grosse part, c'est mutualiser vraiment nos pratiques. Qu'est-ce que c'est de... Quel format on peut créer pour être un relais, en fait, une caisse de résonance sur ces luttes sociales au niveau local. Comment des collectifs peuvent fonctionner dans la production d'informations. Et donc tout ça, c'était vraiment sur cette idée de à la fois mutualiser techniquement et sur du contenu, de pouvoir partager des astuces et des échanges de pratiques. Comment vous inscrivez Poupard et Lutte dans un mouvement comme La Nuit Debout? On a vu il y a quelques jours, vous aviez carrément une table. Ouais. Du coup, on s'est un peu aussi approprié les lieux. On a eu une petite table de presse et une petite affiche pour justement faire connaître le site, parce qu'on est en recherche en fait de publications d'articles. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous recherchez pas forcément que des lecteurs. Quand vous venez ici, ne cherchez pas que du clic. Non, on ne cherche pas des lecteurs, on cherche des... l'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'on veut que ce soit un outil appropriable. Et pour nous, c'est conçu comme cet outil appropriable. Juste le collectif, il a plus ou moins un rapport un peu de technique, c'est-à-dire qu'il faut faire tourner ce site-là. Mais ce site, il vit si les luttes sociales s'approprient cet outil-là. C'est juste un outil qu'on fait tourner. Et du coup, être à La Nuit Debout, c'est aussi dire « Hey, il y a parelutte.info et vous pouvez passer vos communiqués, vous pouvez passer vos articles de réflexion à un niveau soit collectif, soit individuel, etc. etc. » Donc c'est... l'idée d'être ici, c'est pas genre venez choper de l'information sur Parelutte, mais aussi venez participer et venez vous approprier Parelutte. Vous auriez envie, dans l'idéal, que même toutes les infos qui émanent de Nuit Debout passent par Parelutte, que Nuit Debout n'ait pas besoin de se faire son propre site. je sais pas, tu sais, c'est au niveau des réseaux. Tu sais, avec les réseaux sociaux, tu peux pas arriver comme de dire ok, on va tout centraliser, mais c'est juste que oui, évidemment, c'est intéressant qu'en fait, sur un seul espace, comme un site comme Parelutte, se puisse se confronter et se puisse avoir une sorte de liaison entre ces différentes luttes-là et ce qu'on n'a pas forcément dans les réseaux sociaux. Et de pouvoir avoir ces différentes luttes-là sur un même espace et qu'on puisse en tant que j'ai envie de sortir à un moment donné, j'ai envie de lutter, j'ai envie de participer, j'ai envie de m'engager, que Parelutte soit aussi un espace où on puisse retrouver toutes ces choses-là. En tout cas, la convergence des luttes qui est réclamée partout entre Nuit Debout, les mouvements syndicaux, elle est sur Parelutte déjà depuis longtemps. Ouais, c'est un des buts. C'est ça. Et là, du coup, c'est vraiment... Du coup, c'est là le collectif. Là le collectif est à fond. Et à travaille fond là-dessus. Et du coup on est un petit peu fatigué, mais du coup ça tombe. Quelque chose à rajouter, Ali? Non. Merci beaucoup d'être passé. On continue notre fil rouge autour des médias libres avec CQFD, Jeff Clack dans un instant, mais avant on repart à l'Assemblée populaire de la place de la République. Grégoire B est appelé après Karim et ça sera probablement notre dernier orateur. Ouais, rebonsoir. Voilà, je voulais intervenir en fait suite à une intervention. Je voulais intervenir suite à une intervention qui a eu hier soir d'une participante en fait qui est dans ce mouvement depuis le début et qui hier en fait s'attristait du sort qui a été réservé en fait à Alain Finkielkraut en fait qui nous expliquait. Je suis désolé, je relance un débat, mais très rapidement, parce que la question qui se pose, c'est aujourd'hui quelle est l'intégration effectivement des personnes qui ont des opinions qui sont complètement racistes. Je suis désolé, mais ce qui moi m'a choqué en fait dans son propos, ça a été simplement de dire que ce mouvement finalement Nuit Debout est un mouvement qui serait sectaire. Moi, je pense que le traitement qui a été réservé finalement à Finkielkraut, ça a été justement un traitement contre le sectarisme, au nom de l'intégration effectivement des Noirs, des Arabes, des Asiates dans ce pays. C'est une lutte justement pour la diversité, ce dont finalement est la lutte finalement. Enfin, Finkielkraut, et de quoi est-il le nom finalement? C'est le nom finalement du Front National. C'est le support idéologique et politique de l'extrême droite française. Voilà. Et ce mouvement, bah, c'est tout l'inverse. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Merci beaucoup à toi. Est-ce que nous avons Grégoire B avec nous? Grégoire B. Non? Eh bien, c'était notre dernier orateur. Du coup, je pense qu'on va pouvoir laisser la place au film. En guise de conclusion, j'ai envie de vous dire que nous ne sommes vraiment, vraiment pas du tout proches de la parité, puisque 47 hommes, en tout cas inscrits sur les listes, ça c'est hors point technique et autres oppositions radicales, mais 47 hommes se sont exprimés contre 31 femmes, donc n'hésitez toujours pas à venir prendre la tribune d'assaut, les filles. Moi, juste aussi, en guise de conclusion personnelle, j'aimerais bien relayer l'une des paroles qui a été dite tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en effet, si vous êtes un peu bourré, si vous êtes un peu trop fatigué, posez-vous la question de la pertinence de votre venue, là, ici, derrière ce micro. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne séquence. Je passe le micro. On va le couper. Voilà. Je passe pas le micro. Salut, bonne nuit. Radio. Radio Debout, toujours en direct de la place de la République et toujours notre fil rouge avec les médias libres. On a avec nous, on peut dire vos vrais noms. Oui, vas-y, c'est Mickaël. Aude, ouais. Mickaël, vous représentez deux revues papier, Jeff Clack et CQFD. Et au téléphone, on a quelqu'un de la revue Z qui doit nous entendre aussi. On va vous laisser présenter. Voilà, il nous entend. On va laisser vous présenter chacun votre journal. On commence avec Mickaël, donc du journal CQFD. Une présentation assez brève. Ouais, d'accord. Et ben, en gros, pour résumer, donc CQFD, c'est un mensuel de critique et d'expérimentation sociale. On sort tous les premiers vendredis du mois en kiosque. Et pour résumer, donc on est né en 2003. C'est un journal qui est basé à Marseille, mais qui est donc national, voire même international, on va dire. Et voilà, et c'est un journal dont le fonctionnement et le processus de production est horizontal, dans le sens où il n'y a ni chef, ni patron, il n'y a pas de publicité non plus. Et voilà, on a à peu près une dizaine à tenir le journal, avec trois personnes qui sont salariées. Et puis après, il y a tout un tas de contributeurs et de contributrices en France, mais aussi on a aussi des contacts avec d'autres contributeurs et d'autres journaux en Espagne, en Italie, au Portugal, au Mexique, etc. etc. Et voilà. Et en gros, juste, oui, on n'est pas affilié à une chapelle politique particulière et on s'inscrit un peu dans la tradition, on va dire, de tout ce qui est les journaux révolutionnaires ou anti-autoritaires. Et vous êtes en kiosque ? Ouais, on est dans tous les kiosques et puis on a aussi des abonnés, on a 2000 abonnés. En gros, on a 2000 lecteurs via le kiosque et 2000 abonnés et puis plusieurs centaines de journaux qui partent plus via les réseaux informels, tout ce qui est info kiosque, etc. Alors Aude, à oui. côté de toi, toi tu représentes Jeff Clack. Alors à la base, c'est pas en kiosque. Ouais, alors c'est pas en kiosque, c'est en librairie qu'on trouve la revue. Et à la base, Jeff Clack, c'est pas uniquement une revue, c'est un collectif qui se réunit en assemblée générale depuis 4 ans. Et on a eu à émaner de ce collectif l'envie de faire une revue de critique sociale et d'expérience littéraire, c'est-à-dire comment on peut lier fond et forme et avoir à la fois la dimension militante, mais aussi trouver du politique et du poétique là où on s'y attendrait pas. Et c'est pour ça qu'on a choisi la comptine Marabout, Bout de ficelle, Selle de cheval qu'on a pris au milieu d'ailleurs. Et on s'est dit, comme ça nous permet, au lieu de faire un numéro par exemple sur la prison ou sur des problématiques militantes évidentes, on va Marabout sur la magie, on allait nous-mêmes nous déplacer dans des thématiques qu'on n'aurait pas pensé, où on n'aurait pas pensé forcément trouver du politique à cet endroit. Le deuxième numéro sur le bout de ficelle, ça nous a permis de parler du textile, du tissu et donc aussi des identités. Et le troisième qu'on vient de sortir, c'est Selle de cheval, sur les rapports entre les hommes et les autres animaux. Alors c'est une revue papier de 300 pages avec des portfolios inédits, des dessinateurs aussi, et qui nous font c'est des illustrations. Un vrai objet, avec aussi un objet CD, et ça on y tient, avec des créations sonores qui sont aussi inédites à chaque fois, et aussi un site internet, et on aimerait bien un journal mural. Enfin voilà, Jeff Clack, c'est un peu une nébuleuse, quoi. Et justement, sur les évolutions de vos médias, enfin, moi je me dis que vous vivez pas de la publicité, mais justement des recettes de vos abonnements. Alors ça c'est une utopie. Okay. On aimerait vivre des recettes de notre abonnement. En fait, imprimer une revue de 300 pages, c'est juste démentiel, déjà juste le prix de l'impression. Et on n'arrive pas, enfin on a 16 euros une revue comme ça, en fait on n'arrive qu'à payer la moitié du prix de notre impression, donc en fait on doit vivre, enfin je vous le dis clairement, avec des subventions ou des... s'il y a des généreux mécènes parmi vous, on est preneurs, parce que là on est un peu dans une situation délicate, voilà. On passe le message en tout cas. Michael, vous avez des subventions, c'est que oui, c'est que vous refusez par exemple. Ouais, nous on refuse d'avoir, en tout cas nous on arrive à vivre actuellement avec nos 2000 abonnés. Après on a aussi des petites ventes à côté, en fait on a une petite maison d'édition à côté qui s'appelle Le Chat Rouge, qui est un peu, on l'attend en ce moment, mais on a toujours ces livres-là qui sont en circulation. Et par rapport au mouvement, d'ailleurs, un de nos premiers livres qu'on a sorti s'appelle Le Manifeste des chômeurs heureux, qui a été d'ailleurs réédité. Mais nous, on n'a pas fait le choix de la subvention. Et par contre, on vit que, enfin, c'est que abonnement et les ventes en kiosque qui s'estiment, ce que je disais tout à l'heure, à peu près à 2000 chaque mois. Et est-ce que, comme Jeff Clack, vous agissez, vous avez un thème à chaque fois, ou justement c'est plus ancré dans l'actualité? Alors, en gros, ouais, quand je disais critique sociale, enfin critique expérimentation sociale, du coup c'est critique sociale, donc là on a vraiment de l'actu, du reportage, de l'enquête de terrain, etc. Et expérimentation sociale, c'est qu'on met aussi on donne une large part à tout ce qui est alternative pour un peu s'organiser en dehors justement du salariat, de l'institution, etc. Après là, depuis pas très longtemps, justement, on structure de plus en plus le journal, et puis on a un dossier thématique chaque mois. Donc, par exemple, là, notre dernier numéro, ça a été, il y a deux mois, un dossier sur le Parti Socialiste, sur un peu les affres du parti, comment ça s'est... parce qu'on s'est devenu petit à petit délétère. Là, on vient de faire un numéro sur ce qu'on appelle le refus de parvenir. C'est-à-dire, c'est tous les gens qui, on va dire, face à l'injonction d'être un winner, de la success story, de jamais refuser un bon emploi, etc., qui refuse de participer à ça. Et bon, et là c'est un peu une exclue internationale, mais le prochain numéro donc qui va sortir, donc ce sera le 6 mai, oui, ça va être sur le mouvement actuel sur la loi travail. Alors, du coup, j'ai une question un petit peu, est-ce que vous avez vocation à être des médias populaires? Tu nous disais 2000 lecteurs, 4000 lecteurs, du coup, c'est pas beaucoup pour un média national. Quand on voit Jeff Clack, on se dit waouh, la revue de 250 pages. Ouais, c'est vrai que ça fait peur quand on voit les 300 pages. T'es gentil, on dit dans 250, on est plus à 300. Ça peut faire peur en même temps. Bah, je vois là par exemple sur la place de la République, Jeff Clack, ça a pas mal de succès, mine de rien. Et je pense qu'on peut y trouver son appétit, j'allais dire, en allant voir des textes voilà, enfin, on n'est pas obligé de tout lire, c'est ça une revue, et on peut trouver soit des entretiens, par exemple là, il y a des entretiens avec Vinciane Després ou Jocelyne Porcher sur l'élevage qui sont vraiment, voilà, on a des bons échos sur ça, ou bien d'autres peuvent venir par le son, on peut entendre, là on a fait, je trouve que c'est quand même, on peut, tout le monde peut l'écouter, enfin c'est une fiction sonore, c'est un western sonore, on s'est imaginé des gens qui un beau matin se réveillaient, enfin dans une petite ville d'Alligator Wine, se réveillent un matin, il n'y a plus d'animaux, comment les gens font pour vivre sans animaux, et donc on a fait une fiction sonore, bon c'est 45 minutes mais on peut s'embarquer, et donc c'est deux moyens de rentrer dans la revue, et voilà, donc je pense qu'elle se diffuse quand même pas mal, mais petit à petit. Mickaël, pour CQFD, média de masse bientôt. On espère, c'est notre utopie, mais oui, en fait, au-delà de la vente en kiosque et des abonnés, il faut savoir que c'est l'avantage, entre autres, du journal papier, c'est que ça circule de main en main aussi énormément, et puis il y a aussi l'outil internet, donc on a un site, et dessus, ben, on voit que les articles, en fait, chaque semaine, on a un nouvel article, on voit que ça tourne aussi pas mal sur les réseaux sociaux, entre autres. Là, on met de plus en plus aussi des anciens dossiers, notamment, encore une fois, par rapport au mouvement, des dossiers en accès libre. Et puis, pareil, pour l'entrée dans le journal, donc c'est vraiment un truc d'actu et de reportage. Après, pareil, il y a vraiment des formes différentes entre la chronique, des reportages à long cours. Il y a aussi une grande place au dessin satirique, etc. Donc voilà, je pense que c'est une entrée assez large, quand n'importe qui peut rentrer un peu facilement dans le journal. Et pour Jeff Clack, juste pour revenir, le site internet est vraiment important et permet de découvrir aussi le journal. Et pour rebondir par rapport à l'actu, c'est vrai qu'on est peut-être moins sur l'actu à chaud, mais par rapport, par exemple, au mouvement, bah, on va mettre en ligne, normalement ce soir, un tract qui a été diffusé au Caire pendant les manifestations pour savoir comment manifester concrètement et comment faire contre les CRS, etc. Donc ça, c'est, voilà, on ressort par exemple des choses plus anciennes qui d'ailleurs n'étaient pas traduites et qui sont en ligne et qui font écho au mouvement. Alors vous êtes sur papier, j'ai recensé plein de choses, Fakir dans le Nord, donc Fakir le journal de François Ruffin, La Décroissance, La Brique, Le Postillon à Grenoble, on va parler de la revue Z dans un instant, Jeff Clack, tout ça c'est du papier, il y a d'autres sites internet dont on a parlé tout à l'heure comme Lundi Matin. Est-ce que tous ensemble, vous n'avez pas envie de vous réunir et de vous dire on va mettre en lien nos forces pour faire un quotidien. Je pense qu'il y a plein de gens, j'en sais rien, mais en tout cas moi, je suis un lecteur de presse, j'aime ça, et je l'achète, c'est compulsif, et je suis vénère en lisant Libé, Le Monde, L'Humain, et j'aurais envie que ces journaux, enfin qu'on me propose une vraie, dans le sens de faire un journal un petit peu populaire, qu'on trouve au PMU tous les jours, et je pense qu'il y aurait les forces sont là pour le faire. Est-ce que c'est une idée qui a déjà traversé c'est une idée que lance comme ça, en fait. C'est oui, rêve personne. Non, mais c'est un fantasme qu'on aurait depuis pas mal de temps, et des fois il y a des discussions un peu informelles comme ça, parce qu'on se connaît quand même pas mal entre justement ces différents canaux là, donc c'est vrai que c'est des discussions qu'on a. Après, ça demande vraiment une grande organisation pour être une grosse organisation de masse, pour être dans les kiosques, etc. Voilà. Après, il y a des éléments un peu comme cette rencontre. Là, on le fait de moins en moins, mais il y a des moments où il y avait des rencontres nationales entre les médias libres, où justement tous les médias que tu citais, on se retrouvait pendant plusieurs jours, voire une semaine, à travailler collectivement. Il y a déjà eu, lors du mouvement précédent, un espèce de bulletin de liaison interlude que pas mal d'entre nous avons mis en forme. Donc voilà. Après, voilà, c'est une grosse machinerie, et puis il y a toujours un peu la peur de perdre l'identité ou la diversité de ces médias papier-là. Et justement, vous pensez que vous avez votre lectorat, en tout cas, c'est agrandi suffisamment et que c'est juste un rêve d'Olivier, ou il y a un potentiel, enfin, l'évolution de votre lectorat, ça, je ne sais pas depuis combien de temps vos journaux existent, mais est-ce que ça grandit, c'est plutôt stable? Nous, pour Jeff Clack, c'est assez récent, on a du mal à avoir une vision, en fait, parce qu'on a je sais pas, 200, peut-être 200 abonnés, et puis on est lu, oui, je pense, de plus en plus, mais j'ai aucune idée de... on a une vente de 2000 exemplaires par numéro, mais voilà, je peux pas vous dire si on est trop frais, quoi. Très bien, on va passer à l'écoute, on va vous remercier, et puis on va surtout écouter un petit bobino, pardon. De Jeff Clack. Alors je le présente juste avant, rapidement. Vous allez peut-être le reconnaître, c'est Georges Courtois qui parle. C'est un petit. Le carnaval est terminé, ça s'intitule. Et Georges Courtois, il avait pris en otage la cour d'assises du tribunal de Nantes avec deux de ses camarades en décembre 85. Et nous, on a diffusé ce petit son dans Bout de ficelle. Donc il raconte un petit peu l'importance du tissu dans cette prise d'otage et en lien avec. Il fait le procès, en fait, vous allez voir de la justice. Que

à Grenoble, il se trouve qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été écrites sur la question. Et on s'est dit, ben, allons à Toulouse, ce sont des thèmes qui sont encore sous-exploités, sous-documentés. Donc on va s'installer là et on va pouvoir rencontrer des gens et travailler sur ce thème à partir de la ville. Et ça tombait bien aussi puisque il y avait eu la lutte contre le barrage de Sivens dans l'arrière-pays, dans le Tarn. Ouais. Et plusieurs personnes de la revue étaient déjà allées sur le terrain, avaient même lutté contre le barrage. Et on avait aussi envie de parler de cette lutte, de lui redonner, de l'expliquer, d'inscrire un peu sa mémoire dans la revue. Très bien, bah, merci beaucoup. Juste, on peut vous lire où ? Dans les kiosques, en librairie ? Alors, en librairie, on n'est pas en kiosque, on est dans toutes les librairies, toutes les bonnes librairies, et puis toutes celles qui ne nous ont pas en rayon, on peut nous commander. C'est très facile, voilà, le libraire, normalement, nous trouve facilement, on est diffusé par les belles lettres, et on a un site internet, zite.fr, zite.fr, sur lequel on peut aussi nous commander. Très bien. Trouver plein d'informations. Ok, et ben merci beaucoup. Voilà. Je suis désolée, faut qu'on passe l'antenne aux autres. Et moi, je recommande en tout cas le numéro sur Toulouse que j'ai lu, que j'ai dévoré. Voilà. Merci, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Naïke. Bon courage. Salut. À bientôt. Et juste pour faire un petit rapidement, pour rappeler que nous aussi, on a un site internet maintenant, et c'est radiodebout.net. Merci, bonsoir à tous. Et maintenant, le billet d'humour de Radio Debout, la chronique de l'entremonde. Une chronique de l'entremonde, oui, car nous sommes ici entre un rêve d'ultramonde, le goût de poulet Yassa en plus, et un projet d'altermonde, l'odeur du lacrymogène en moins. Et pour cette deuxième chronique, j'aimerais revenir sur un mot journaliste. À quoi sert-il ? À qui ? En somme, que fait le journaliste ? Il regarde, il analyse, il commente. Ce qu'il voit s'il est en France, ce qu'il écoute s'il est en Allemagne de l'Est, et ce qu'on lui dit d'écrire s'il est en Corée du Nord. Le journaliste qui, dans son sens le plus noble, pourrait, si l'on m'accorde la formule, être considéré comme un historien du présent, et dans son sens le plus vulgaire comme un journaleux. Je cite là mon oncle, qui utilise ce terme à la fin des repas de fête. Ceci dit, comme c'est en famille, on pourrait revoir le terme « fête ». Mon oncle donc, qui utilise le mot « journaleux », oncle militaire lui aussi, hein. Oui, hier je vous parlais de mon père militaire, et un jour je vous parlerai de mon grand-père militaire lui aussi. Oui, je prévois d'écrire un jour une chronique sur le FN. Donc, mais pourquoi cette haine envers l'organe de presse ? Vous me posez la question ? Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, tout simplement parce que c'est un contre-pouvoir. Et n'en déplaise aux pantins kakis courant sous la neige derrière un char en préparant son sacrifice bleu-blanc-rouge, ce contre-pouvoir est un acteur de la démocratie. Le journaliste emmerde, empêche de tourner en rond, percute les dossiers sensibles de son entêtement à chercher des explications là où un bon coup de secret défense, bien droit dans ses bottes, renvoie tout ça valser dans les rédactions. Le journaleux et son média nous emmerdent à toujours vouloir tout vérifier. On la filme la guerre, t'inquiète, hop hop hop, 3-4 images de frappe aérienne, hop hop, deux blindés qui rentrent dans le village, une distribution de bouteilles d'eau, et hop, tu peux t'endormir sous ta couette Tintin en rêvant d'être toi aussi un jour pilote de chasse. Oh, ils nous emmerdent les journaleux à demander... Mais pourquoi on est allé là-bas ? Et fallait-il vraiment intervenir ? Les frappes ont-elles été ciblées ? Mais c'est quoi ton problème ? Tu crois qu'on a des comptes à rendre au peuple ? Non, non, on veut aller au charbon. Et si on décide d'arroser un village d'éleveurs de chèvres parce que l'odeur du napalm au petit matin, c'est notre numéro 5 à nous, on n'a pas envie qu'un petit con sorti du Celsa vienne vérifier si nos grenades respectent la Convention de Genève. Maintenant, le journaliste, lui, le seul, le vrai, qui analyse, explique, dissèque, et puisque c'est l'expression du moment, lance des alertes à une tâche tellement difficile. Simplifier sans devenir simpliste, vulgariser sans devenir vulgaire, raconter sans devenir Nelson Montfort. Le journaliste est un peu un héros. D'ailleurs, les super-héros dans le civil sont souvent des journalistes. Tiens, Superman est journaliste. Spider-Man, lui, est photographe. Intermittent, donc. Assez cohérent. Quand t'es intermittent, il y a un moment, il faut que t'apprennes à sauter d'un immeuble. Le journaliste est insolent d'impudence. C'est finalement peut-être, oh péché suprême de démocratie, un contestataire. Bon, poser la question, est-ce contesté ? J'avais demandé à mon instituteur s'il se sentait gagné en autorité en me criant dessus. J'avais été puni pour insolence. Ah, si poser la question, c'est être insolent. Non, être insolent, c'est poser la question quand on connaît déjà la réponse. Ça ne se fait pas. C'est vrai quoi, autant de suffisance chez un enfant de 8 ans. Je suis retourné à mon école l'année dernière, mais mon ancien prof était parti, j'ai pas osé demander pourquoi. Bref, le journaliste se fait parfois l'écho d'une opinion, d'une idéologie, ce n'est pas là qu'il est le plus brillant. Mais en caisse de résonance, comme celle de la place de la République, il permet sans doute d'exprimer, de ressentir, là où l'artiste interprète les actions, le journaliste rapporte les faits. Bon, alors les moqueurs diront que j'ai utilisé le mot « action », hein. Bon, qu'il ne faut pas exagérer la notion, qu'ici nous parlons, mais finalement dans quel but ? Après quelques jours passés ici, je dois avouer que je l'ignore, mais je ne me lasse pas de chercher. Certes, on trouve des youtubeurs qui filment des périscopes en train de tweeter des blogueurs, mais ils cherchent à comprendre ce que nous sommes, en somme. Et au fait, tiens, qui sommes-nous ? Nous sommes parfois considérés par le mépris général comme une foule lâche, hideuse, fainéante et assistée. Nous sommes pourtant une armée, spontanée et sincère. Et nos victoires ne résonnent pas dans les tocsins de l'histoire. Elles s'écriront à l'encre des sourires dans les avenues de l'été. Merci Simon, merci beaucoup. Alors, encore une fois, le soir est bien debout derrière les micros. Nous sommes le jeudi 52 mars, toujours sur la place de la République avec Léopoldine HH ce soir et Marion, avec Léopoldine, donc toutes les deux. Et nous n'avons plus le temps, plus beaucoup de temps. À toi Léo. Nous n'avons plus le temps, c'est un poème de Omar Youssef Souleyman. La traduction est de Isabelle Lani et Salah Alamdani. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. J'avouerai tout ce que tu voudras. Je suis l'assassin des idées, un agent du diable ou d'Allah, un fabricant de nuages en Méditerranée jusqu'au nombril de ma bien-aimée. Fais ton réquisitoire, nous n'avons plus le temps. Oui, tout ceci, oui, tout ceci, oui, tout ceci nous attend. Oui, nous n'avons plus, oui, nous n'avons plus, oui, nous n'avons plus le temps. De la fenêtre, vois-tu les yeux des soldats exploser comme des feux d'artifice, et la fumée qui reste, et la fumée qui reste, dessine-t-elle des vers pour trinquer dans le ciel ? Oui, tout ceci, oui, tout ceci, oui, tout ceci nous attend. Oui, nous n'avons plus, oui, nous n'avons plus, oui, nous n'avons plus le temps. Remplis ma tête avec quelques balles. Remplis ma tête avec quelques balles. Cette poudre nous servira aussi à fabriquer du pain. Et de nous deux, on sait déjà qui mourra le premier. Alors buvons le thé avant que nos cadavres soient jetés. Cadavre soit gelé. Bravo. Bonsoir à tous et merci Léopoldine pour ce très beau moment. Il y a plu à beaucoup de gens visiblement, puisqu'il y a eu énormément de gens qui d'un seul coup se sont rassemblés autour de Radio Debout pour t'entendre de plus près. Alors cette chanson, tu le disais, c'est une chanson qui a été écrite, c'est un texte à la base d'Omar Youssef Souleyman, c'est ça ? Tout à fait, c'est un poète syrien exilée à Paris depuis 2 ans, me semble-t-il, que j'ai rencontrée dans des circonstances artistiques. On m'a vraiment demandé de mettre en musique un de ses poèmes, au choix dans toute une série de poèmes incroyables qu'il a écrit. C'est de la poésie extrêmement vivante, vraiment sur le qui-vive. Et je crois que j'avais envie de la chanter ce soir parce que ici, je sens qu'on est sur le qui-vive. Et ouais, qui suis-je, qui vive, enfin, je trouve que c'est des questions qu'on se pose beaucoup ici. Et comme tu le disais tout à l'heure, Simon, qui on est, qu'est-ce qu'on raconte ici, on nous observe, on s'observe les uns les autres, on se rencontre. J'ai l'impression qu'il y a une foule assez complexe ici et ça me plaît bien. Ça me plaît bien que ce poème résonne à Nuit Debout. Et Omar est très content aussi, il ne pouvait pas être là ce soir, sinon c'est un duo qu'on fait en général, il est là et il dit le texte en arabe à l'intérieur de la chanson. Il y a plusieurs chansons que tu as adaptées à partir de ces textes ? C'est le premier et pour le moment c'est le seul, mais Omar m'a donné une série d'une dizaine de poèmes à mettre en musique. On a passé un moment ensemble il n'y a pas longtemps où il m'a donné le sous-texte de chaque poème, donc il m'a raconté toute sa traversée pour arriver en France, en Europe, et c'était effrayant. On était dans mon salon, il me disait « mais tu vois, par exemple là, je suis juste à un endroit, donc... pourquoi est-ce que la balle, le mec qui tirerait sur l'immeuble m'atteindrait moi ? La balle pourrait passer à droite, à gauche, pourquoi sur moi ? En fait, j'ai pas beaucoup de chances de mourir. Je suis assez sain et sauf en Syrie parce qu'il y a tout le temps des bombardements, c'est notre quotidien. Donc en fait, j'occupe une toute petite place sur Terre, je vois pas pourquoi la bombe elle tomberait sur moi. Et j'écoutais, je me disais, oh purée, et nous on flippe tellement de tout. Enfin, c'est incroyable comment il y a des choses qui deviennent extrêmement relatives. On prend un recul fou quand on entend tout à coup des témoignages comme ça. Et ouais, c'est incroyable de rencontrer ce garçon. Il a été très visible. Il est venu comment ? Il est venu avec des passeurs, sur des bateaux, avec des passeurs la nuit. Il a passé des trucs avec des femmes et des enfants, où les enfants pleuraient, où les mères leur clouaient la bouche. Et ça, même dans cet épisode-là, il n'y avait pas de terreur, de crainte ? Il affrontait de manière très... Je sais... très brutale. Je ne sais pas exactement ce qui se passait dans sa tête, mais... Parce qu'il raconte ce quotidien en Syrie, mais ouais. Du coup, le voyage en lui-même... Le voyage en lui-même, je pense qu'il a des souvenirs terrifiants, comme ça, d'ambiance, de nuit. Parce qu'il me disait ça à Paris, il me disait, mais à Paris, c'est jamais la nuit, il y a tout le temps de la lumière. Alors que... à Homs, entre minuit et 4h du matin, c'est la nuit noire, parce que le gouvernement éteint toute l'électricité. Et du coup, c'est le moment où tout le monde sort ses kalachnikovs, et entre voisins, entre chiites et alawites, on se tire dessus, et à 4h du matin, on rallume la lumière, et on va boire le thé ensemble, en disant, quand même, ce gouvernement, ils font chier d'éteindre la lumière pendant 4h. Mais c'est un quotidien. Et je dis, mais vous dormez jamais ? Il me dit, mais c'est notre quotidien. On a toujours connu la guerre, quoi. Donc on peut pas... Enfin, c'est ça, notre métier. Mais là, il a quel âge ? Il a un peu plus de 30 ans, on est à peu près de la même génération. Ils ont supporté mon cœur. Et alors, ce Omar Youssef Souleymane, il pense quoi de ce qui se passe en ce moment avec la crise des réfugiés ? Vous en parlez, des politiques qui sont mises en place, qui résonnent ici à Nuit Debout ? Je crois que... Alors, c'est difficile de parler pour lui. Je vous donnerai ses contacts parce qu'il rentre bientôt à Paris. Là, il est toujours dans des... Il est dans des résidences d'écriture, là c'est super, il travaille énormément et je suis très heureuse pour lui. J'aurais du mal à parler pour lui. Je pense qu'il est toujours très heureux quand il sent qu'il y a des initiatives qui permettent de se rassembler autour d'une cause, et je crois que ça le touche beaucoup d'être invité, d'être interviewé, de pouvoir parler de tout ça. Je crois qu'il est plutôt... très enthousiaste de ce qu'il découvre en France et des énergies, des personnes qu'il rencontre. Je crois qu'il a toujours le sourire quand je le vois. Et je crois qu'il trouve vraiment une communauté qui l'aide beaucoup ici. Tu sais s'il s'est rendu, lui, à Nuit Debout ? Alors, il habite à Paris, c'est ça, non ? Il habite à Paris. Je sais pas. Je suis pas sûre parce qu'il est parti... il y a quelques temps maintenant dans sa résidence d'écriture. Je sais qu'il revient dans quelques jours, donc peut-être qu'il était là au tout début, Mais ça fait un temps que je l'ai pas vu parce que moi j'étais pas trop là. Et toi alors, tu t'es baladé un peu avant de nous retrouver à Radio Debout. Qu'est-ce que t'en penses de ce qui se passe sur la place de la République? Tu m'as dit, tu m'as confié tout à l'heure que t'étais pas très très présente ces dernières semaines à Paris, que t'avais eu du mal à passer. Ouais. Là, t'as eu l'occasion de te balader. T'en penses quoi? Ouais, je me suis baladée plusieurs fois de jour, et là c'est la première fois que je viens de nuit Nuit Debout. Et quand je suis passée de jour, c'était assez étonnant parce que c'était vers 5-6 heures, donc il y avait des petits groupuscules, mais déjà ça discutait. Et puis là, je reviens la nuit, et là c'est carrément organisé, c'est-à-dire qu'il y a des micros, il y a des gens qui prennent la parole, il y a des gens qui se répondent, des gens qui disent ouais, non, mais je suis pas d'accord avec toi, mais c'est bien, je te laisse parler, non, je vais pas t'expliquer pourquoi t'as tort, mais t'as tort. Moi, tu as dit, mais bah, vas-y, explique-moi que ça débatte. Non, mais c'est très touchant, en fait, qu'on se réapproprie la parole à ce point-là. Après, voilà, je pense qu'il se dit plein de choses. Il y a à boire et à manger. Hein. Mais c'est, je trouve que c'est... Ouais, il y a cet endroit du qui-vive, quoi. J'ai l'impression qu'on est sur le qui-vive, ici, sur la place. Mais toi, tu connais bien ça, Léo, parce que, bon... Tu as déjà été dans la rue chanter, c'était quelque chose dans ta jeunesse, c'était quelque chose qui était quand même pour toi très important d'aller chanter, d'aller dans la rue pour... Mais tu sais, ça me rappelle surtout les manifs qu'on faisait quand on était lycéen ou étudiant, quoi. Ouais. Quand on bloquait la fac, c'est-à-dire que je me souviens, quand j'étais ado, je me disais, j'ai envie d'être en colère, mais je ne sais pas contre quoi. Et je me souviens qu'il y avait quelque chose qui bouillait, qui comme quelque chose qui se recrée ou quelque chose qui se réinvente quand on se retrouve à bloquer la fac ou à faire une grève ou à faire une manif contre le Front National. J'ai l'impression que c'est quelque chose, une énergie vitale comme ça que je sens ici aussi, qu'il faut s'approprier aussi parce que... Oui, c'est pas évident. Ça peut aussi être effrayant. Et alors justement, tu nous as amené un texte à ce sujet-là sur le thème de la manifestation. Ouais, carrément. Elle n'est pas venue les mains vides, hein, elle est pas Léopoldine. Ah non, elle est venue avec un ukulélé déjà qu'on n'a pas du tout décrit alors que vraiment il vole des tours. C'est un ukulélé de compétition puisque il prend la forme d'une guitare électrique. Exactement. Mais je ne sais pas jouer de la guitare électrique parce que j'ai des mains trop petites. Mais ça fait bien illusion du coup, c'est un petit format. J'ai des rognettes. Et donc tu es venue aussi avec un livre. Alors. Livre de Gwenaëlle Aubry, et tu nous allais sélectionner un passage que tu as eu envie de nous lire ce soir. C'est extrait de son dernier roman Perséphone 2014, et c'est un chapitre qui s'appelle Banlieue, Enfer, saison 2. Ça commence par une citation de Georges Bataille dans L'érotisme qui dit « Nous voulons un monde renversé, nous voulons le monde à l'envers. La vérité de l'érotisme est trahison. » Merci pour la lumière. Et voilà le texte. Des hivers, des printemps ont passé, peu nombreux, mais quelle glace, quelle attente. Et soudain vois-tu que ça recommence. Elle revit en toi, tu renais en elle. Tu es de nouveau cette fille de 18 ans qui marche dans la rue. Et ce jour-là, une foule immense est avec toi. Vous allez par milliers, un inépuisable cortège de colère. La rue vous appartient. Vous criez à plein poumon, vous scandez des slogans, vous brandissez des draps pourpres où ils s'inscrivent majuscules en lettres noires. Vous riez aussi, vous vous tenez par la taille, par la main, et vous dansez. Les haut-parleurs envoient très fort Zebda, Hasta Siempre. Entre deux slogans, vous chantez. Vous noyez le triste jour d'hiver dans les fumigènes. Vous allumez des lampions. Un dragon de papier ondule avec vous en procession. C'est ce jour-là ou un autre. Ta saison se passera comme ça, à danser et crier dans la rue. Ceux qui t'entourent sont sans papier. La nuit venue, ils dormiront dans une église, un gymnase. Tu en suivras certains jusqu'à cette boîte sur les quais, au-dessus de Saint-Maclou, là où la danse se poursuit, des couples glissent à terre, enlacés. Tu te souviens des suppliantes, les exilés d'Eschyle, troupes étrangères et fugitives venues sur une trace ancienne rappeler les lois de l'hospitalité. Tu te souviens de la procession qui avançait le long de la voie sacrée, d'Athènes jusqu'aux marges de la banlieue d'Éleusis, des éphèbes armés dans leurs chlamydes noires, des hommes masqués qui, depuis le pont, injuriaient ceux de la cité. Des femmes richement parées qui, d'un bout à l'autre de la rue, s'insultaient elles aussi. Rivalisaient, souriantes, ravies de gestes obscènes. Tu te souviens des nuits, tant de nuits passées à chanter et danser. Il marche à côté de toi sous son nouveau visage. Clandestin, vous arpentez la ville, des heures entières à marcher et parler. Tu n'as pas crié cette fois quand il a surgi, tu l'as tout de suite reconnu. Tout était là, intact, palpitant sous le lac gelé. Il suffisait d'un coup d'aile ivre. Tu retrouves tout, la fièvre, l'angoisse, la bout de souffle. Tu n'en reviens pas que ça puisse recommencer. Tu songes. Ainsi, je n'étais pas morte, finalement. Il marche, tu le suis. Vous dérivez à même la ville vers les périphéries. Squat, quai, jardin clos de la petite couronne, cimetière. Vous vous aimez sur les tombes. Dans la chambre close où vous vous cachez, rien d'autre qu'un lit et des livres qui assourdissent tous les bruits. Vous vous regardez parfois sans vous toucher, fixe dans votre nudité électrique, stupéfait. Vous oubliez la colère, vous baissez la garde, mais vous continuez la guerre. Elle se joue là aussi, pour vous, les tards venus, nés d'un monde trop vieux, dans l'étreinte de vos corps désarmés, dans leur abandon, leur fragilité. En foule dans les rues ouvertes, à deux dans la chambre close, vous cherchez la même chose. Casser le monde usé, l'ordre nouveau, dont on veut vous faire croire, à vous qui vous souvenez d'autres, qu'il est le seul possible. Rompre le cycle qu'il a institué, le triste cycle des produits et des saisons marchandes. Toi, le soupçon te prend parfois que c'est là, et seulement là, dans le désordre et la joie ivre des corps, que le monde se recrée. Et le monde se recrée, on l'espère. Et nous allons écouter à présent des pastilles du collectif Micro Debout que l'on remercie beaucoup. C'est le tirage au sort. Ça ne m'explique pas. Là, c'est trop long. Je suis trop long. Bon, on me dit que... Bon, alors je continue un tout petit peu. Un homme dit parle en octave, sa fonde d'armes égale dans les règles de l'art. Qui promis soin de toi, pas qui dit par quatre. Alors, du coup, pour la parole, Olivier, Ulysse et Thomas. Olivier, si tu l'as. La classe du cœur et du panache. Alors, merci Zoé. Lucie H. Bernard et Pierre B aussi. Donc, Lucie H, si elle est là, ça serait bien. Sinon, Victor R. Alors, Jean-Luc B. Jean-Luc B. Et Michel A. Et Morgane D se prépare, s'il vous plaît. Donc, si Jean-Luc B n'est pas là, c'est au tour de Michel A. Et se prépare au Benoît M. Est-ce que Michel est là ? Et par la suite, Gilles B. Apparemment non. Alors, Morgane D et Saloua B se préparent. Donc, nous, intermittents, on est les boucs émissaires du MEDEF et on est les boucs émissaires de la campagne de communication qui est fomentée par ces lobbies contre nous. Alors, avant d'appeler Raphaëlla, Florence et Thomas, il y a Damien qui voulait parler. En prise de parole, c'est Georges. Un certain Georges, Georges, dans l'Assemblée. Alors, Benoît M. On appelle la deuxième personne, Fabien. Est-ce qu'il y aurait Florence ou Thomas pour prendre la parole? If we're working, if we're students, if we're taking care of children, if whatever we do, we don't have a voice. Someone makes decisions on our behalf. Merci Marissa. Un certain Mehdi M. Bonsoir, vous êtes toujours en direct sur Radio Debout. Voilà, sur la place de la République. Donc en fait, voilà, on est comme ça. On est comme ça en direct, toujours sur la place de la République. On a un téléphone portable en main. Et ce qu'on va faire, on va faire tout au téléphone portable à présent. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a... déjà, merci Léo, merci Marion d'être là ce soir. Et il y a une espèce de devise qui me vient en tête depuis le début, qui est « il ne faut pas y croire pour que tout arrive ». Et je crois qu'en fait, c'est comme dans les histoires d'amour, il ne faut pas y croire pour que tout arrive. Et que c'est assez beau ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on n'y croit pas ou plus et que ça arrive quand même. Il y a une phrase de Marguerite Duras dans L'Olvestein où elle dit « l'idée de ce qu'elle fait ne la traverse pas ». Et ça fait écho à cette idée, quoi. Voilà, on est en train de vivre un truc complètement fou et je trouve ça génial de faire partie de vivre ces moments-là en fait. Et je me dis qu'on ne sait pas effectivement ce que c'est, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui est assez fou, qui est assez palpitant, quoi, qui nous met dans un état complètement particulier. Et on va chanter maintenant. Personne. Voilà, ça, c'est un extrait du roman de Gwenaëlle Aubry aussi qui s'appelle Personne. Et ça parle d'une foule qu'on a à l'intérieur de soi, mais j'ai l'impression que ça peut très bien coller avec la nuit debout. Il faut vraiment qu'on le dise aux auditeurs de Radio Debout. Internet ne marche plus. Nous faisons cette radio avec un téléphone portable. Il y a des énormes enceintes sur la place de la République avec un écran et des images d'archives qui sont diffusées. On voit des gens poings levés. Et Léopoldine prouve qu'elle est vraiment à toute épreuve puisqu'elle s'apprête à faire un morceau avec son magnifique ukulélé alors qu'il y a un vacarme pas possible. Elle a plus de casque, elle a plus de micro. Mais ça n'a pas l'air de la déranger, elle a toujours le sourire. Et elle va nous faire un petit morceau en live. On t'écoute. Merci Léopoldine. Intro. Une vérité, la même peut-être que je cherchais, la formule même de sa mélancolie, la foule que chacun clôt. Et recèle l'incapacité à se saisir, la foule que chacun clôt, et recèle l'incapacité à coïncider avec soi-même. La conscience qui fragmente cette vérité, la même peut-être que je cherchais, la formule même de sa mélancolie, la foule, ces moments où ravis à soi, on a le sentiment de s'appartenir, enfin, dans une présence pleine, muette, et y réfléchit aux autres et à l'être. Artaud, James Bond, clown, disparu, enfant, flic, gisant, Hoffman, Dustin Hoffman, illuminé, jésuite, kabyle, Léo, Jean-Pierre Léo, mouton noir, Napoléon du Grand Nord, obscur, pirate, qualité, homme sans qualité, revenant, SDF, traître, utopiste, vide, maître du vide, W, un souvenir d'enfance, Xavier, Y, Célie, la formule même de sa mélancolie, la formule même de sa mélancolie, la formule même de sa mélancolie, la foule. Bravo! Léopoldine en live, et c'était vraiment, vraiment pas facile. On vous le répète, ce live a eu lieu avec un téléphone portable devant un ukulélé qui a une forme de guitare électrique et des énormes enceintes derrière. Bravo, bravo, bravo, bravo. Chantiez la foule, et bien la foule est autour de vous à nuit debout sur la place de la République. Merci beaucoup pour ce live. Alors, nous, on est au-delà des aléas du direct, mais là, on va peut-être pouvoir retrouver, parce que quelqu'un nous a prêté gentiment son téléphone qui a la 4G, et donc, on va repasser par le téléphone, qui passe par l'ordinateur, qui passe par notre console, qui passe par les micros, et on va essayer de revenir avec l'antenne normale. On enchaîne, alors ? Ouais, c'est bon ? Radio debout, radio debout, radio debout, radio debout. C'est la radio de vous. Nous sommes à l'antenne, c'est formidable. On a retrouvé, on a remis un peu de carburant. On manque pas de carburant dans cette soirée. C'était la 4G qui était en panne, d'accord. Et donc là, on est donc en direct à nouveau, avec des micros, avec un plateau, avec une diffusion en FM sur Timbre FM. On remercie cette radio locale 107.6 au village d'Augan en Brocéliande. Voilà. Et c'est Colère du Présent qui est avec nous. Prenez des casques ou des micros, ça suffira peut-être. Ouais. Voilà. Alors, Colère du Présent, vous venez d'Arras, vous faites des ateliers d'écriture et vous faites aussi un festival hein, le 1er mai. Donc, vous n'allez pas que manifester, mais vous allez aussi présenter des bouquins. C'est un festival d'expression populaire et de critique sociale. C'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est d'utiliser le livre aussi comme support à débat pour créer du débat dans la rue. sur les places, voilà, essayer d'être en dehors des lieux habituels du livre, et puis surtout de donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Alors, colère du présent aujourd'hui, quand même, c'était prémonitoire, quoi, non, de s'appeler comme ça. Ouais, en fait... Qu'est-ce que vous ressentez dans un endroit comme ici, dans une période comme celle-ci, quoi? Bah, ça fait 15 ans qu'on essaie d'organiser ce genre de truc. On se dit qu'il y a des choses à faire, que les colères, il faut qu'elles s'expriment. Et de voir que ça commence à prendre, bah, on a envie d'aller encore plus loin, quoi. C'est sûr que là, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment ce qu'on voudrait faire un peu partout, quoi. C'est sûr. Alors Juliette, toi aussi, tu es dans la sauce, Juliette aussi, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors moi, j'ai participé à un projet en Espagne avec eux, donc pour faire un documentaire sur Podemos avec trois jeunes filles d'un foyer. Et voilà, je m'occupais de faire la technique et d'accompagner les jeunes filles pour qu'elles réalisent le documentaire elles-mêmes, en fait. Alors aujourd'hui, là, vous venez de diffuser le film, hein, pas ici sur la place, mais un petit peu plus loin, c'est ça? C'est ça, dans une librairie, Quilombo, qui est une super librairie de la rue Voltaire, au 23. Alors, et vous faites un rapprochement entre ce qui s'est passé en Espagne avec les indignés et ce qui se passe ici, alors avec l'analyse, bon, c'est pas dans ce documentaire, parce que c'est... Effectivement, c'est trop frais ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça sera, j'imagine, la matière d'autres documentaires à venir. Mais quel lien vous faites? Ben, moi, je trouve qu'il y a un super écho dans la manière, en fait, de soulever les fonds des problèmes, en fait, et de pas rester sur juste des réactions superficielles ou sur des trucs très précis. Là, je pense qu'il y a vraiment un mouvement massif qui va s'engager sur remettre en question vraiment le fond des choses et pas seulement superficiellement. Ouais, et puis en plus, ce qui s'est passé en Espagne, il y a eu ces mouvements des indignés qui a été un vrai mouvement populaire. Et Podemos, en fait, s'est vraiment nourri aussi de ce mouvement populaire pour créer une structure politique un peu différente avec voilà, des gens de la base qui peuvent aussi proposer des choses. Et donc, du coup, créer vraiment une dynamique à tous les niveaux, quoi. Et donc là, il y a déjà ce mouvement populaire qui commence à venir et c'est peut-être la base de quelque chose. Alors justement, la question en ce moment, c'est est-ce que c'est vraiment populaire, quoi? Et est-ce qu'il y a des ramifications? Enfin, est-ce que ça prend ailleurs qu'à République à Paris? Alors à Arras, par exemple, votre témoignage sur ce qui est en train de se passer dans le Nord, ouais. Et à Arras notamment. Bah, à Lille, il y a des rassemblements hebdomadaires, principalement le week-end, qui ont tendance à se développer. Donc c'est pas encore comme ici, parce qu'ici c'est vraiment, vraiment la fête, il y a du monde, etc. Il y a des djembés, ouais. Il y a des djembés dans les oreilles. Mais il y a aussi voilà, cette radio et tout, et c'est vrai qu'il y a du monde. À Lille, c'est pas aussi peuplé. À Arras, pour l'instant, ça prend pas beaucoup. Mais je sais qu'autour du 1er mai, il va se passer des choses. Voilà, il y a déjà des idées de rassemblement, d'utiliser aussi ces éléments-là, ces événements, pour faire quelque chose, quoi. Je pense que un peu partout, on a envie de faire des trucs. Et c'est l'occasion. C'est la filière Picarde qui veut faire vraiment quelque chose le 1er mai, quoi, non, si j'ai bien compris. C'est ça, peut-être, ouais. Donc c'est François Ruffin, oui. Hier, qui annonçait, ouais, un grand mouvement, ouais. Voilà, une étape supplémentaire à passer, ouais, en ce 1er mai, avec un accord, une main tendue vers les syndicats pour que le mouvement devienne plus transversal dans la société, quoi. François Ruffin vient en plus quelques jours avant, donc je pense qu'on va pouvoir en parler, ouais. Alors, avec Colère du présent, vous faites aussi des ateliers d'écriture? C'est ça, alors parlez-nous un peu de ce travail de fond aussi, quoi. Ouais, en fait, le salon du livre, c'est ce qui est le plus visible, qui nous prend beaucoup de temps, mais en même temps, c'est pas ce qui est la base de l'assaut. La base de l'assaut, c'est d'amener chacun à pouvoir s'exprimer, à développer l'esprit critique. Et du coup, ça passe par des ateliers d'écriture, des espaces de débat. On essaie d'amener vraiment les gens à réfléchir, quoi, à reprendre les mots ou les éléments de la vie quotidienne. Et puis de pouvoir s'exprimer là-dessus, de développer donc l'esprit critique. C'est vraiment ça l'idée de base. Donc on travaille avec des centres de demandeurs d'asile, on travaille avec des foyers pour ados, on travaille avec des centres pour handicapés, on travaille vraiment avec plein de gens qui sont considérés en général comme des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Voilà, on les a assignés à une place et nous on essaie de se dire, bah, la place est assignée, on peut la faire exploser, quoi. Et ça se passe dans le Nord, quand même un territoire qui a été pris en otage par le Front National, quoi. Enfin pris en tout cas, en otage je sais pas, mais voilà, est-ce que les otages sont consentants? Bah, est-ce qu'il y a un syndrome de Stockholm? Je pense qu'il y a surtout une place qui était occupée par des gens proches du Front National ou dans le Front National, mais que c'est une place qui était aussi abandonnée par d'autres qui étaient militants sur le terrain. Et donc reprendre le terrain, c'est aussi ne pas laisser la place, quoi, parce que ce que les gens ont besoin, c'est de parler, c'est de se rencontrer et d'échanger, quoi. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Alors à notre petit niveau, parce qu'on est une petite association, mais je pense que c'est là-dessus qu'on peut gagner contre le FN, parce que le FN finalement, il est là où il n'y a plus de personne. Et c'est le combat, il est là, quoi. Il est vraiment à ces endroits-là où, où on les a, enfin, des gens qui finalement n'ont plus, plus d'espoir, plus d'espace d'échange. Et c'est par l'échange qu'on peut y arriver, je pense. Juliette, est-ce que vous avez senti une différence? Est-ce qu'il y a déjà une politique qui a été mise en pratique par le Front National dans le Nord? Alors moi, je suis pas du Nord, en fait, à la base. Donc c'est un peu compliqué pour moi là de répondre comme ça. Après, en tout cas, ce que je peux dire pour en venir au projet avec les filles, c'est que elles, des gamines qui avaient entre 14 et 16 ans, commencent déjà à se poser des questions et ont un éveil politique assez jeune, en tout cas. C'est-à-dire que la situation actuelle, je sais pas, mais en tout cas, la nouvelle génération, en fait, peut vraiment commencer à avoir de nouvelles choses et essayer de nouvelles choses. En tout cas, il y a des questionnements que je trouve vachement intéressants et vachement sympa de voir ça qui viennent des nanas aussi jeunes que les filles qu'on a suivies. Et donc, je trouve ça très encourageant, en tout cas. Et qu'est-ce qui capte ces jeunes avec qui vous travaillez en atelier d'écriture de ce qui est en train de se passer en ce moment? Enfin, je parle peut-être pas du mouvement Nu Debout, hein, mais qui est peut-être trop frais encore. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent de la situation, comme ça, de la montée du Front National, etc. Comment ils la ressentent? Je suis pas sûr qu'ils se rendent compte du danger que ça peut être, en fait, le Front National, parce que finalement, ils ont pas le passé, ils ont pas l'historique, et je pense qu'aussi, on empêche aux jeunes d'avoir cet historique. Et donc, du coup, c'est pas si évident de se rendre compte de ce qui se passe. Et bon, les mouvements droite, gauche, etc., je pense que c'est un flou, quoi, c'est un flou artistique. Donc du coup, d'essayer de poser le débat, c'est aussi essayer d'éclaircir tout ça, quoi. Parce que tout ça, ça a une histoire, et expliquer cette histoire, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui, quoi. D'accord, il y a une dépolitisation, c'est ça Je pense, ouais totalement. Ouais. Et que ce soit dépolitisation de l'action envers les jeunes, que ce soit dépolitisation aussi des métiers. Enfin, être éducateur aujourd'hui, c'est de moins en moins politique. On essaie d'enlever ce côté militant politique pour en faire un métier comme un autre, alors que c'est vraiment pas un métier comme un autre. Et la difficulté, elle est là aussi, quoi. C'est qu'on essaie de tout dépolitiser. Et je pense que si les gens se rassemblent, c'est parce qu'ils ont besoin de politique aussi. Parce que la politique, ça les concerne directement, c'est leur vie, quoi. C'est notre vie à tous, quoi. Et donc, du coup, c'est ça aussi, je pense, qui fait ce rassemblement. Et il y a en ce moment un vrai malaise chez les éducateurs de rue, hein, la prévention spécialisée, à qui on enlève les moyens de travail, souvent pour travailler plutôt sur ce qu'on appelle la déradicalisation, hein, et perdre le contact avec des jeunes et perdre ce travail d'éducation populaire qui était mené par ces éducateurs spéciaux, justement, qui allaient vraiment à l'avant, en première ligne, quoi, vers des jeunes, effectivement, qui pouvaient être dépolitisés, perdre les repères ou ne pas avoir de repères sans même avoir eu besoin de les perdre, quoi. Ouais, vous travaillez avec ce public-là, j'imagine, non? Ouais, et puis on voit qu'effectivement, dans les structures, on n'est plus dans l'éducation populaire. On est plutôt dans l'occupationnel. Il faut trouver des activités, il faut trouver des choses à faire pour les jeunes, mais du coup, il n'y a plus le fond voilà, de réflexion ou l'engagement. Enfin, je ne sais pas si toi, Juliette, tu le vois aussi dans tes activités, mais en tout cas, c'est vraiment l'évolution que moi, je constate, quoi. C'est qu'il ne faut plus de politique. Et la difficulté avec le documentaire qu'on a pu réaliser avec les jeunes, c'était ça aussi, c'est qu'on a des éducateurs qui ont quand même envie de faire des trucs, donc on y va, mais des directions ou des structures au-dessus qui ont du mal à suivre parce que c'est trop politique, parce que c'est Podemos, parce que c'est colère du présent, alors que justement, c'est en se confrontant aux politiques qu'on développe aussi sa pensée à soi, quoi. Donc c'est essentiel, mais bon, c'est très complexe. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi ici, sur cette place, avec tous ces débats, toutes ces assemblées générales. Effectivement, on espère que ça va développer un esprit critique plus transversal que vraiment les milieux militants qu'on connaît, qui se bougent, qui sont toujours un peu, voilà, dans les endroits où on va, on se retrouve, on finit par se retrouver. Merci François, merci Juliette d'être venue ici nous rendre visite à Radio Debout. C'est les dernières minutes d'antenne parce qu'on va fermer l'antenne à minuit. Et pour finir, c'est Léopoldine qui va, avec son ukulélé, nous emmener vers des nouvelles aventures nocturnes. Les gens bien, c'est un texte d'Anouk Levin. Hop, il me faut mon petit papier. Si vous pouvez pas tout voir, mais c'est extraordinaire tout ce qui se passe autour de moi. Il y a quelqu'un qui tient une lumière, il y a quelqu'un qui me remet mon texte, il y a une personne qui tient deux micros en face de moi, des gens qui rient. C'est très très très très, très, très ludique. Et il y a une petite guirlande au milieu de la table. On m'a raconté qu'avant c'était sur des cartons, maintenant ils ont des tables à Radio Debout, c'est pas mal. La nuit, quand tout le monde dort, qu'une pâle lune éclaire encore. Il y a Clémence qui chante avec moi. Les gens bien se glissent dehors, dans les jardins jusqu'à l'aurore. Ils lancent des paix de matador, des paix d'autosatisfaction dans les petites pierres, les petites fleurs sur le gazon. Zon, zon, zon, c'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Une génération s'en vient, une génération s'en va. Et nous sommes toujours là. C'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Un doigt dans le cul, dans le gosier, un champ plein d'entrants. Là où c'est chaud, c'est bon, ça pue, oui. À l'aube, avant le lever du jour, un petit ange ailé accourt. D'un mec à l'autre, chacun son tour, il passe sans omission, puis à l'aide d'une grande quenouille, leur donne un bon coup de pied dans les couilles, en guise de bénédiction, sion, et refrain. Et c'est nous, les gens bien, une génération s'en vient, une génération s'en va. Et nous sommes toujours là. C'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Un doigt dans le cul, dans le gosier, un champ plein d'entrain. Là où c'est chaud, c'est bon, ça pue, oui. Cet ange, mais comment il s'appelle? Mais quelle est la largeur de ses ailes? J'ai pas de réponse à ces questions, mais je sais de mille façons. Lancer des paix de matador, des paix d'autosatisfaction dans les petites fleurs sur le gazon. Zon. C'est fini. Enfin, mes collègues, les copains de Radio Debout qui m'ont demandé de faire une petite impro sur Prince. Donc voilà, un hommage. On va y aller tout de suite. 3, 4. Il faut que quelqu'un chante du Prince. Là-bas, oui. Moi, je fais du Goubigou pour Boulga. Demain 20h, c'est même ça, heure, on revient. Même endroit, place de la République à Paris. Pour le 53 mars. Allez, salut. Salut. Big up à tout le monde. À demain.